On est sur Fun Radio, normalement il y a Mickaël qui doit envoyer la pâtée. Bah oui, on dit 20h pile à 19h59. Comment ça va Mickaël? Oh là là, ça va et toi? Alors, je t'entends pas parce que j'ai pas le casque sur les oreilles. Bravo, ouais, c'est pas grave, on va faire avec, alors il y a pas de soucis. Voilà, Dario que vous retrouverez demain avec grand plaisir évidemment, hein. Pas de soucis. Ah, le stagiaire qui me dit 20h pile là, du coup c'est pas prêt. Stagiaire va. Ah, je vous jure, on est dans sa chambre. Je te rassure, on a rien entendu, il y a pas eu un blanc que dalle. Ça va alors. Allez, à demain. Ciao. Tous les soirs, Fun Radio, 23h, 2h, No Limit. Mickaël, sur Fun Radio. Allez, on est au top là, tout va très bien se passer ce soir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir et bonnes vacances d'ailleurs tout le monde, à tous les concernés, J-1 avant le réveillon de Noël. Et la bonne nouvelle évidemment, c'est qu'on va être avec vous ce soir là. Voilà, donc demain on sera là 20h minuit, alors que les autres évidemment vous ont abandonné, nous on est là avec vous parce que vous êtes un peu notre famille au final. Bah ouais. Bah oui, réveillon de Noël que nous avons décidé de passer en famille, c'est-à-dire avec vous. Et comme il ne se passe absolument rien sur les autres radios, soyez donc les bienvenus sur Fun Radio. Pour ceux qui nous découvrent, moi c'est Mickaël, et si vous voulez passer l'antenne comme tous les soirs, et bien c'est simple, il suffit de faire le 01 42 48 5000 et le 02 ou le 02 851 4x0 et vous nous rejoindrez, hein, comme ça par exemple, comme Jérémy qui est avec nous. Bonsoir Jérém. Bonsoir. Comment ça va Jérém? Ouais, un peu, les réveillons c'est pas fun. Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Jérém? Qu'est-ce qui est commercial? Ah, on arrive dans le vif du sujet, là. Parfait. Bon, attends, tu veux nous parler du réveillon de Noël? Ouais, bon, Noël. Bah alors, bouge pas, Jérém, on va en parler dans quelques minutes. Et quoi, t'es pour, t'es contre, t'aimes bien, t'aimes pas? Bah, les deux. Ah, t'aimes bien et t'aimes pas? Bah, c'est très bien, on va avancer le débat. On va aller loin avec ça. C'est parfait, c'est parfait. Jérém, reste avec nous. Bon, il y a Sandro également qui souffre. Hein, si vous êtes kiné, venez lui faire un massage. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais moi aussi, j'ai mal dans le bas du dos depuis deux jours. Je sais pas comment ça se fait. Ah, top. Vous avez fait des trucs ensemble? Ah non, pas, pas du tout, non. Ah non, vraiment pas, non. Lui, il a mal en bas, j'ai mal en haut. Voilà, c'est bah, ça. Bah, justement, c'est ça qui est bizarre. Bah, non, pour le coup, non, rien du tout. Donc, si vous êtes kiné, n'hésitez pas, hein, on fait une pierre deux coups comme ça. Je préférerais une fille. Et moi, un mâle. Voilà, donc un mâle, un mec, un mâle. Oui, c'est pareil, ça va. Vous avez vu comment on est traité? On est traité comme des animaux. On est traité comme des animaux. C'est une honte. Comme des bêtes. C'est une honte. Bravo Polo. Ouais. Bon, et Toff qui lui évidemment est en pleine forme pour appeler ses amis ce soir. Mais oui, comme tous les jours. Évidemment. Cause toujours enculé. Voilà. Est-ce que vous pourriez intérioriser votre connerie? Voilà, donc il essaie de le faire mais il a du mal. Bon, pour ceux qui nous suivent d'habitude de 23h à 2h, vous savez qu'on appelle des gens tous les soirs de 23h à 2h par rapport à des sujets X ou Y. Au final, on s'en fout, c'est pas vraiment l'important. Le principal, c'est qu'on les appelle et on a besoin de vous d'ailleurs, hein, si vous avez des numéros de téléphone à proposer pour qu'on appelle des gens que vous connaissez, qui sont encore debout évidemment, qui sont debout dans l'absolu jusqu'à minuit, et bien n'hésitez pas à les envoyer bien entendu. Vous faites un mail à toph@funradio.fr, de préférence un peu nerveux. Oui, c'est les plus sympas. Ah, voilà, c'est les plus chouettes. Bon, et Polo qui va nous faire un petit concert de pipo là pour Noël, non? Ouais. Ça me paraît un bon plan ça. Minimum syndical, et j'ai envie de dire. Je fais Vienne, Londres, New York, Shanghai, Tokyo, et comme les grands DJ quoi. Et Perpignan. Je siffle, ouais, Perpignan. Tu passes là-bas aussi? Bah, je suis pas fan, mais je vais y aller quand même. Bon, d'accord, ça sent un peu mauvais là-bas. Oh, juste, mais j'embrasse Stéphane et j'embrasse mon ami Franck, qui m'a beaucoup fait rire. Ah oui, tout à fait. Bon, d'ailleurs, c'est un ami commun que nous avons avec Polo, d'ailleurs, il nous a raconté une histoire, je vous raconterai ça tout à l'heure. Restez là, parce que ça vaut quand même le détour. Hein. Ah, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ah oui, je te le dis, ça vaut vraiment son pesant de cacahuète. Bon, et puis on aura aussi le son de Showtek ce soir avec Bouya. Il y aura Showtek, il y aura Lady Gaga. Il y aura aussi Afrojack avec The Spark. Un de mes sons préférés également. Le son d'Eminem et Rihanna avec The Monster. Et puis quitte à rester dans les sons préférés, on va enchaîner aussi avec Pharrell Williams. Hein. Ah. Et celui-là, il va nous être bien. Si vous êtes un peu de mauvaise humeur aujourd'hui, normalement, ça devrait vous remettre ami avec ça, je pense. Hein. Voilà, bon, ce son de Pharrell Williams, ce sera tout à l'heure. Et puis également des tonnes de cadeaux à vous offrir. je vais m'étouffer donc. Ah bah, ouais, c'est trop de cadeaux. Non, c'est quand tu t'aspires en même temps et du coup t'as un peu de salive qui passe. Enfin bref, une histoire. Du coup, ça m'a fait. J'ai failli décéder. Non! Mais non, ça va, t'es un warrior toi. Ouais, tu parles. J'ai failli décéder. Je disais donc, une tonne de cadeaux avec des Samsung Galaxy Tab 3 à vous offrir ce soir. Une sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Je vous ai mis la photo sur le Facebook. Il suffit d'aller faire un like et un partage. Et si vous êtes tiré au sort, eh ben vous gagnerez peut-être votre Samsung Galaxy Tab 3. Ce sera avant minuit. Le jeu est gratuit, donc profitez-en. Et puis la deuxième, ce sera avec la colle de Thomas dans quelques minutes. Avant ça, il y a Manu qui dit j'aime trop ce que tu fais. Bah merci Manu, c'est gentil. Let's be freaks, il dit Mikael et Sandro ont besoin d'un massage. Je suis là pour les massages également. Bah, mais oh, c'est mignon, toi, t'es déjà avec Toff là, on peut pas tout voir. Il n'y a pas de souci, je suis prêt à partager. Oh, bah, n'hésitez aimable. Pas, profitez. Il y a Ness qui dit aussi hello tout le monde, bonsoir toute l'équipe. Bah, salut Ness et Pauline qui dit merci à toute l'équipe pour le gros merde pour mon permis de conduire hier que je passais ce matin. Tout s'est bien passé en attendant la réponse. Je vous fais une grosse dédicace. Bah, tu devrais savoir quand même si t'as réussi ou pas là, à un moment ou à l'autre. Non, ils le disent pas. Ah bon? Tu dois recevoir le papier maintenant. Non! Si, ils attendent parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'agressions. Ouais, tu me le donnes pas. Il se faisait mordre, il se faisait taper. Oh, donc merde. Il se faisait mordre. Ouais, tu le sais une semaine après, je crois. Oh, c'est lourd ça. Il t'envoie un papier chez toi et tu sais. Ah, quelle violence. Ah, c'est chiant, t'es obligé d'attendre une semaine. Ouais. T'as le temps de décompresser avant. Grave. Il y a Adam aussi qui dit salut toute l'équipe, j'espère que que ça va bien, je pourrais avoir un message de bienvenue s'il vous plaît, bien sûr. Cause toujours enculé. Voilà. Le prince Nadia qui dit grand besoin de mon moral, que mon moral soit remonté ce soir. Heureusement Mikael, Toff, Polo et Sandro débarquent dès 20h sur Fan Radio pour Mikael No Limit. Bah oui, on est là. Et Oran qui dit je vous adore, vous êtes géniaux, je vous écoute tous les jours, vous êtes super et Mikael, t'es trop canon aussi. Oh, oh merci Oran, c'est bien d'avoir des auditrices qui ont bon goût. Ouais. En toute simplicité bien évidemment. Bon et Ariel également aussi, un petit dernier là pour le début. Bonne fête à tous les auditeurs. Bah bonne fête également à vous, merci d'être là tous les soirs, 20h minuit ce soir, 20h minuit également demain soir. On passera Noël, on passera le réveillon avec vous, puisqu'il y en a plein qui sont seuls et abandonnés. Et ben on a décidé de passer Noël en famille avec vous. Voilà, 20h minuit avec l'échange de cadeaux également qui aura lieu demain. Attention, échange de cadeaux. Wow. Si vous recevez un cadeau de merde, eh bien vous allez pouvoir l'échanger contre un truc bien. Donc on aura des ordinateurs portables, on aura des tablettes, on aura des consoles. Bref, on fera ça une fois par heure demain soir à partir de 20h sur Fun Radio. Bon, on va se faire la colle avec l'ami Thomas là maintenant. Là, Thomas, t'es là? Thomas ? Oui ? Ah, très bien, j'ai cru un moment qu'on t'avait perdu. Bon, Thomas, sois le bienvenu, t'appelles d'où, dis-moi ? À côté de Laval. À côté de Laval, très bien. Bon alors Thomas, on va y aller direct là, hein. Tu vas faire péter la colle. Si tu réponds correctement à la colle, tu gagnes la tablette. Si tu ne gagnes pas, si tu réponds bien, je dis n'importe quoi ce soir, ça va pas aller. Donc ouais. Je disais, tu vas donc poser une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, ça va aller. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, il repart avec la tablette. Si la personne qu'on appelle ne décroche pas ou n'a pas la bonne réponse, à ce moment-là, c'est toi qui repars avec la tablette. Bon, ouais. On t'écoute, Thomas, allez, c'est parti, fais péter la colle. Alors, je bois de l'eau, mais je ne l'avale pas. Qui suis-je ? Je bois de l'eau, attends, c'est quoi ? Je bois de l'eau, mais je ne l'avale pas. Qui suis-je, c'est ça ? Oui. Est-ce que c'est un rapport sexuel ? Non. Ça n'a pas de rapport sexuel. C'est animal ou végétal ? Ou c'est non. Une... Ah, je sais. Du jambon. Bon, arrête avec ton jambon, là. Bon, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Et Mikael, suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, je vous offre votre tablette ce soir sur Fun Radio. Voilà. Bon, allez, bonne chance. Je répète, je bois de l'eau, mais je ne l'avale pas. Qui suis-je ? Vous envoyez la bonne réponse au 60... Enfin, vous envoyez et Mikael et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Je vais vous mettre la colle aussi dans quelques minutes sur le Facebook de l'émission. Hein. Comme ça, vous serez... Vous pourrez la lire, la colle, ce qui est quand même plutôt pratique. Bon, Thomas, on te récupère et on donne la réponse avant 10h, ok ? Ok, ça marche. Allez, à tout de suite, Thomas. Bon, on va récupérer Jérém aussi dans quelques minutes, là. Jérém qui voulait parler de Noël. Alors, il est pour et il est contre en même temps. C'est bien ça, Jérém, si j'ai tout compris ? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, on va se marrer, alors. C'est parfait. Bon, si vous aussi, vous avez d'ailleurs un mauvais souvenir de Noël, est-ce qu'il y a des moments où ça vous est arrivé, tiens, tu sais, genre mauvais souvenir, vous avez passé un mauvais Noël, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, ou est-ce que vous n'aimez pas Noël, dites-nous pourquoi vous n'aimez pas Noël, ou au contraire, vous adorez, bah, appelez-nous, voilà, dans tous les cas de figure, 01 42 48 5000, et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Je vous l'avais promis. Je vous le cale dans un instant, le son de Showtech avec Bouya sur Fun Radio. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Venez foutre le bordel tous les soirs. Fun Radio. Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio. On est en direct dans toute la France comme tous les soirs. Il est 20h10 et on est les seuls à être en direct avec vous. Et on sera encore plus les seuls demain. Bah, à partir de 20h, on sera là pour passer le réveillon de Noël avec vous. Donc bah, n'hésitez pas à venir délirer justement en appelant dès maintenant 01 42 48 5000. On parle de Noël d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez prévu demain pour le réveillon? Est-ce que vous allez passer avec nous? Si vous le passez pas avec nous, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez passer en famille, vous pouvez passer avec des potes. Appelez-nous quand même pour voir un petit peu ce qui est prévu justement là. 01 42 48 5000. On va récupérer Jérémy aussi. aussi qui lui déteste Noël, mais il aime bien quand même un petit peu. Donc on entend dire qu'on va se marrer, je pense. Hein. Donc si vous aussi vous avez déjà vécu des trucs un peu spéciaux à Noël, vous vous êtes marré, vous êtes pas marré, un mauvais ou un bon Noël, eh bien appelez-nous 01 42 48 5000. N'oubliez pas qu'il y a également la Samsung Galaxy Tab 3 à gagner sur le Facebook de l'émission. Je vous attends maintenant. Facebook.com/MIKL officiel. Suffit de faire un like et un partage, hein, tout simplement, sur la page de l'émission. Et si vous êtes tiré au sort, hein, vous likez la photo où je pose avec la Samsung Galaxy Tab 3. Et si vous êtes tiré au sort avant minuit, elle sera pour vous. Bonne chance, on écoute Showtech maintenant, c'est Bouya sur Fun. Yes, all we care about is some party, keeping them good vibes in the end. Sur Fun Radio avec Bouya, il y aura Lady Gaga au suivre dans quelques minutes, ou encore un Project avec The Spark. Là il est 20h15, on est en direct sur Fun Radio. Il y a Léa PSG qui a envoyé un message qui dit l'émission est en direct ou pas, Mickaël. Bonne soirée à tous. Et ben voilà, t'as ta réponse. Je vais lire le message, donc oui c'est en direct. Ou alors on est très fort, voir Prédict, allez envoyer le message à 20h14 et le lire à 20h15. Je trouve que là on est quand même très très bon. Le Prince Nadia qui dit pas de Noël pour moi cette année, enfin si, car je le passe avec vous demain soir dès 20h et ça me fait très plaisir. Bah écoute, on est content, c'est aussi pour ça qu'on est là demain soir à partir de 20h. Il y a Mr Steven qui dit moi perso j'aime pas trop les réveillons de Noël. Let's be freaks, il dit hello, ça va merci, en retard, sinon ça se passe plutôt bien pour les fêtes, un cadeau de retard mais ça va, bonne soirée à toi. Stéphanie qui dit j'aime plus Noël depuis que le Père Noël passe plus chez moi. Ah bah oui, mais Stéphanie, c'est que t'as fait des conneries ça, hein, qu'est-ce que je te dis. Et Dame Snertic aussi qui dit je n'aime plus Noël depuis des années, à chaque fois j'ai la poisse, je suis tout le temps malade. Ah oui, ça arrive aussi. Dylan qui dit c'est parti pour une superbe émission qui va déchirer comme d'hab. Et puis heureusement que vous êtes là, sinon ce serait nul. Bah écoute, merci beaucoup, hein, on est là aussi pour ça, cela dit. Fabienne qui dit hello les barjots, grosse bise à vous quatre. Merci à vous, en tout cas, merci à toi Fabienne. Et Ness qui dit j'adore Noël, pas juste pour les cadeaux, mais surtout parce que c'est sympa de se retrouver avec toute la famille. Ouais, après tu peux te retrouver aussi avec toute la famille sans pour autant être là pour Noël. Est-ce qu'on a des nouvelles de Toff? Non. Il a peut-être une petite diarrhée. Bah oui, parce qu'il est parti chercher des auditeurs là, qui sont là. Comment ça va les gars? Appuyez sur le... Attends, je vais vous allumer votre micro là. Hop là. Ça va, c'est cool. Merde. Ça va bien les gars? Ça va bien, ça va bien. Prenez bien le micro devant vous, hein. On vient de loin. Voilà. Moi personnellement, je viens de Vichy, on vient de loin, donc ça va. Ah, de Vichy? Voilà. Ah merde, et toi, comment tu t'appelles? Jérémy. C'est Jérémy, et... Moi c'est Romain, je viens de la plaine Saint-Denis. Très bien, oui, ça c'est plus près hein, pour le coup. Ouais. Puis il y en a un autre aussi qui est là, il est petit là, on l'entend quasiment pas. Là. Non mais je le vois pas avec les micros là. Comment tu t'appelles? Moi j'appelle Thibaut. Thibaut, très bien, parfait. Lui il vient de Val-de-Marne. Val-de-Marne, d'accord, ok. Bon bah bienvenue en tout cas à vous. Non, parce que Toff est parti vous chercher, puis tout d'un coup il est plus revenu. Donc... Je suis allé leur chercher des casques. Oh Jean. Je pense qu'il y avait une meuf à qui il a dit viens à cette heure-là, il est parti. C'est ça, il a dû aller la voir dans les chiottes, en deux speed, non? Mais ouais, grave, je viens lui mettre une cartouche et tout. Mais oui, c'est ça. Là, elle est en train de frotter ce qu'on a mis sur le mur. Ça ira. Toff c'est pas possible. Ah, il est dégueulasse. Il est que 20h16, là, ça fait qu'un quart d'heure que le JT a défoncé. C'est ça. On fera aussi le top Twittos ce soir. C'est vrai qu'on en avait pas parlé dans le début de l'émission. Comme tous les soirs, on offrira un sextoy dans le top Twittos. Hier, on a vu plein de nouveaux dans le classement. Donc, si vous voulez finir dans le top 5, sachez que c'est possible. Il suffit d'envoyer un maximum de tweets avec le hashtag Mickaël. Et puis, à la fin de l'émission, on donnera le classement des 5 meilleurs. Et le numéro 1 ce soir. Le numéro 1. Non, le numéro 5. 5. Ouais, parce que 1 c'est trop facile, il suffit d'envoyer un max de messages, alors que 5ème, c'est compliqué, faut y arriver. Hein. Donc le numéro 5 ce soir repartira avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Évidemment, voilà. Donc si vous voulez jouer, hashtag et Mickaël, et ajoutez-moi aussi tant qu'à faire hein, sur le Twitter si c'est pas encore fait. Si vous me suivez, je vous suivrai également. Vous tapez Mickaël _, c'est le petit tiré en bas. Officiel, c'est aussi simple que ça. Puis j'ai une information également capitale avant de parler de Noël avec Jérémy là. Information capitale qui vient de tomber. Truc de ouf. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs ça mérite la musique ça mérite la musique des infos, c'est important. Il est 20h17, bienvenue sur Fun Radio, l'info présentée par Mickaël. Tout à fait, information capitale, on s'est trompé depuis des années. On dit cunilingus, alors que non, il fallait pas dire ça en fait, c'est pas cunilingus, il fallait dire cunilinctus. Non. Du latin cuni, le sexe, et linctus, léché. Donc toi, faut que tu donnes l'information là, faut prévenir tout le monde. Ah bah il faut prévenir effectivement. Bah, c'est impératif. Attends, donc Gilou a raison. Quand il dit clitoris. Le clitoris. C'est pas un clitoris, mais un clitoris. Exactement. Oh, et donc, nous qui on se fout de ça. Voilà, donc on ne dit pas cunilingus, mais cunilinctus. Et donc c'est important, et je pense qu'il faut effectivement prévenir tout le monde. Mais il faut appeler. C'est même plus qu'urgent. Mais allons-y. On est au-delà de l'urgence là. Mais complètement. Donc on appelle le premier là. Bah allons-y. Ah bah grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On y va, on appelle le premier, il faut prévenir tout le monde, c'est plus qu'important, c'est parti. Allez. Et puis on récupérera Jérémy hein, juste après avec l'histoire de Noël. Hein. Oui, hello. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous pratiquiez le cunnilingus, monsieur. Le quoi? Le cunnilingus. C'est-à-dire? Bah, c'est quand vous léchez le clito de votre femme. Qu'est-ce que vous me racontez là? Bah, quand vous savez, votre femme, quand vous lui léchez le sexe. Oui, alors? Eh ben, ça s'appelle le cunnilingus. Et alors? Et vous pratiquez? Et alors? Bah, c'est une question, monsieur. Non, mais qu'est-ce que vous me racontez là, vous? Et alors? Bah, moi, je veux juste savoir si vous pratiquez ou pas, monsieur. Et qu'est-ce que ça veut vous foutre? Bah, c'est parce qu'en fait, il y a eu un problème de traduction, et donc il faut plus dire cunnilingus, mais cunnilinctus, monsieur. Ah là là, c'est très important, ça, oui. Bah oui, quand même, monsieur, c'est pour oui, le... Non, mais comment vous avez eu notre numéro de téléphone, là? Bah, on l'a trouvé, monsieur. Ah oui, comment vous l'avez trouvé? Bah, par hasard. Ah oui, par hasard, oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui. Bon. Hein? Mais c'était, oui, oui, c'était bon. Pour vous prévenir, quoi, monsieur. Bon, vous savez que vous êtes passible de poursuite pénale, hein? Ah. De poursuite pénale, monsieur. Oui, monsieur, oui, oui. Ah, oui, bah, oui. Vous allez loin, là, quand même. Ah, ben, bah, oui, c'est comme ça, vous êtes très mal tombé, vous savez, monsieur. Vous êtes très, très mal tombé. Alors, faites attention lorsque vous téléphonez. Vous êtes juge? Je n'ai rien à vous dire, rien à vous informer, je ne vous répondrai pas. Non, d'accord, mais, non, parce qu'il y a un juge la dernière fois qui m'a dit qu'il... Faites attention, hein, vous savez, ce genre de conversation, vraiment, c'est un peu primaire, hein, comme conversation. Hein. Oui, non, mais je vous disais oui, ça oui. Parce... Bon, bah écoutez, bon, ça va, j'ai autre chose à faire que d'écouter vos conneries, monsieur, hein, alors bonsoir. Oui, mais la dernière fois qu'on m'a dit ça, allô? Ah non, il est parti, attends, on va le rappeler, dis donc, bah, oui. Avec un peu de bol, on aura une deuxième plainte, enfin bah, toi. J'aimerais bien déjà avoir la première. Oui, c'est vrai qu'elle est toujours pas arrivée, la plainte de l'autre, là. Ouais, moi je pense que pour un ceux mytho, qui n'étaient pas là, je pense qu'il faudrait quand même le remettre, non? Oh bah avec plaisir. Attends, pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'on faisait ça, évidemment, c'est arrivé, je crois, un soir, il était minuit et demi, je crois, un truc comme ça. Donc pour tous les auditeurs qui n'ont pas l'habitude de nous écouter tard, on est tombé sur un mec qui voulait absolument porter plainte contre Toff, alors qu'on lui avait rien demandé, hein. Oui, juste si on lui avait posé une question. Quand ouais, même. On lui avait posé une question, mais l'autre il s'est mis dans un état de nerf. Oh là là. Et menacé de porter plainte. Il a porté plainte, on a reçu une lettre, mais ça s'est arrêté là. On vous le remettra tout à l'heure, là. Restez bien là et rappelez-le moi, je vous le mets d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes. Bon, on rappelle le monsieur là, il avait l'air gentil. Mais oui, allons-y. Allez, c'est parti. Allez, monsieur, j'espère qu'il est pas trop loin de son téléphone. Oui, allô? Oui, non, je m'excuse, monsieur, mais parce que la dernière fois, on m'avait déjà promis une plainte et je l'ai toujours pas reçue. Donc, du coup, je me disais que peut-être vous pourriez le faire. Papa? Allô? Il s'était allumé le numéro. Tu le voyais, le numéro? Le numéro, il s'affiche plus. Mais vous voulez mon numéro? Je peux vous le donner, hein, si c'est plus simple. Comme ça, vous prenez pas la tête. Allô, monsieur? Ouais. Non, vous voulez que je vous donne mon numéro? Non, parce que demandez-le, c'est plus simple, hein, monsieur. Je vais vous mettre là. Oh merde, mais c'est vrai qu'il suffisait de demander. Bah hein. Oui, moi j'étais prêt à le donner. Bah oui, on demande, nous on donne, on n'est pas comme ça, y a pas de problème. Bon, bah tant pis, alors on fera d'autres appels, si vous en avez d'autres d'ailleurs, n'hésitez pas. On va rappeler le JAP, c'est Flo du 5-9. Oui, c'est ça, c'était le juge d'application des peines, parce qu'il était juge, enfin d'après ce qu'il disait en tout cas. Il a rien appliqué là. Hein. Bah il a pas appliqué grand-chose, hein, ça c'est sûr. Il y a Train Lover qui dit en vous écoutant, j'ai la bouche B tellement vous cartonnez depuis le début. Vous n'avez pas changé, continuez comme ça, on va rappeler le JAP. Bah écoute, merci Train Lover. Ayoub qui dit merci Mickaël pour rester avec nous pendant les fêtes de Noël, avec plaisir. Bah merci à vous d'écouter aussi d'ailleurs. Il y a Let's Be Flix qui dit le cunnilinctus, c'est chelou mais ok. Et Vanessa également qui dit heureusement que vous réchauffez mes soirées, car moi je suis gelé comme gelé. Bonne soirée et et bien entendu à l'écoute. Ah bah très bien, bah j'espère bien. Mais si je la réchauffe, il y a pas de souci. Ça ira, Toff, elle n'est pas intéressée. Et Maëva également qui a envoyé, je le sais. Et Maëva également parce que mes auditrices ont bon goût. Ouais. Voilà, mais c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas t'intéresser par toi. Donc, je disais, Maëva qui avait envoyé également un message depuis l'application. Je rappelle qu'il y a une application qui est sortie gratuite sur iPhone, iPod et iPad, sur Mickaël, No Limit. Vous tapez ça sur iTunes pour la télécharger. Ça suivra aussi sur Android et Windows Phone, vous inquiétez pas. Et Maëva qui dit ouf, après une journée de merde, je vais enfin pouvoir rigoler avec la famille. Eh oui, Maëva, merci à toi d'être là tous les soirs, c'est gentil. Retour avec Jérémy avant de faire d'autres appels. Jérém. Ouais. Ouais. Bon, Jérém qui nous a appelé parce qu'il a un problème avec Noël. Ouais, ça me rappelle des mauvais souvenirs, on promet des emplois. Tu promets quoi? Des cadeaux que tu n'as pas? Parce que moi aussi, ouais. Hein, plusieurs fois, j'avais fait une lettre au Père Noël, j'ai toujours eu dans le cul. Hein. J'ai demandé une Porsche plusieurs fois, elle est arrivée. C'est bizarre, effectivement, ouais. Non mais bon, bah, alors dans l'absolu, là, maintenant, t'aimes pas Noël? Ah non, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Oh, non mais d'accord, j'ai... mais bon, ouais. Après, on s'en fout des mauvais souvenirs. Après, c'est quoi le mauvais souvenir? Oh, des disputes avec des membres de ma famille, tu vois. Oh, mais c'est rien, ça. La famille, c'est fait pour ça, pour s'engueuler. C'est normal. On se dispute toujours avec Toff, mais on l'aime bien. Enfin. Et puis, dis-toi que nous, on va passer Noël avec la gueule de Toff, t'imagines? Bien vite fait, quoi. Ouais, mais c'est vrai. C'est dur, quand même. Ouais. cette ordure. Mais c'est juste ça en fait, un Père Noël pour ça. Ouais, c'est pour ça. Mais alors, ça, si jamais tu te disputes, j'en sais rien moi, 21 juin, tu vas pas aimer l'été ? Bon, ça dépend. Ah, ça dépend. Ça dépend en quoi ? Ça dépend si c'est grave ou si c'est pas grave. Ah, voilà. Et donc si tu te disputes un premier de l'an, tu vas pas aimer le nouvel an ? Non. Ah d'accord, non mais bon, pourquoi pas après hein, Mais une fois que tu te seras disputé tous les jours de l'année, tu vas faire, qu'est-ce qui va se passer? Bah il va déprimer. Bah oui. Ouais. Enfin quand tu l'entends là Ah oui oui bah déjà c'est déjà pas mal. Bon et donc du coup qu'est-ce que t'aimes bien? Parce que tu disais que t'aimais bien et t'aimais pas en même temps. Donc qu'est-ce que t'aimes bien dans Noël? Bah les cadeaux. Ah bah voilà. Bon, je te le dis direct, t'en auras pas ce soir, hein, comme ça moi on met les choses au clair. Non non mais, j'ai pas envie après qu'il y ait de mauvaise entente, tu vois. Hein, voilà, c'est sûr. Mais donc voilà, donc t'aimes bien les cadeaux, mais t'aimes pas le reste. Non. Non, c'est bien. C'est un peu comme les mecs qui aiment bien l'oseille, mais ils aiment pas bosser. Bah c'est à peu près le même principe. Mais tiens, forcément, c'est marrant. Mais en plus dans les repas de famille, c'est normal, il y a toujours les petites embrouilles de famille qui ressortent. Ouais, ça c'est rien. C'est marrant même presque, faut en mais rire. Mais oui, moi mais en général, je reste assis, je regarde. Ouais, et c'est ça, pour les écouter. Et je compte les points. Et je regarde et je regarde et je compte et je compte et, ouais, et je compte et puis voilà. Quand Pépé a un petit verre dans le nez, c'est marrant. Exactement, ouais. Bon, et là tu vas faire quoi du coup, dis-moi Jérém? Bah, je vais rester seul pour. Non! Mais non, on est là, Jérém, il faut nous écouter, on sera là en direct on demain. Est là. Ah, ouais, d'accord, ouais. Ah, bah, oui. Ouais, bah voilà, tu savais pas? Aussi, j'étais au courant. Ah, bon, bah très bien, bah alors parfait. Bon, et dites-nous les autres, qu'est-ce que vous avez prévu pour Noël? Bon, bah alors nous, évidemment, on va passer Noël avec vous, hein, on sera là à partir de 20h. Mais les autres, qu'est-ce que vous avez prévu? Noël en famille, Noël entre amis, Noël seul, Noël avec votre mec, votre meuf, je sais pas. En vacances. Est-ce que vous avez prévu de passer Noël avec plein de personnes en même temps, mais séparément? Et là, vous êtes un peu dans la merde, hein. voilà, je pense à notre ami commun avec Polo que nous avons vu ce midi. Ou même à Toff, hein, qui a certainement promis monts et merveilles à plein de meufs et puis au final, rien. Rien. Voilà, c'est ça. Quel enfoiré. Donc, dites-nous, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Tiens, les auditeurs qui sont passés là, vous avez prévu quoi pour le réveillon? On a rallumé votre micro là, voilà, c'est fait. Bah moi j'ai prévu, c'est très classique comme d'habitude avec la famille, juste la famille, voilà. Famille, d'accord, voilà. Ok. Et là, prévu quoi alors? Moi ça va être la prostitution, c'est le travail. Très bien, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi? Je travaille dans un parking. D'exploitation, je suis bien exploité. Ah oui, là oui, surexploité. Je croyais qu'il se prostituait vraiment. Ouais. J'allais l'aider, tu sais. Eh ben, je vais faire le tapin, pas de problème. Quand j'étais petit, il me disait que ça aurait pas d'avenir de travailler dans un parking. Bah maintenant, ça paye. Ouh. Ah bah, ça paye. Le SMIG. Bah écoute, c'est déjà pas mal. Bah ouais. C'est mieux que rien. Bah c'est mieux que rien. Bah c'est vrai. Et dernier, hein. Et moi, bah je veux dire la vérité, hein, on passe Noël chez ses parents. C'est moi. D'accord, ok, très bien. Petite couille. Non, mais c'est bien. C'est bien. Il faut s'incruster comme ça parfois. Nous, avec Toff, on a prévu de fourrer de la dinde. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà, donc s'il y a des dindes qui et qui veulent venir à la radio, n'hésitez pas. On est prêt à fourrer toute la nuit. 20 rue Bayard, ce sera demain. Bon, on écoute Lady Gaga maintenant sur Fun Radio avec Do What You Want. On va vous rediffuser l'appel du Jap aussi, hein, le juge d'application des peines. Ça, c'était juste énormissime pour ceux qui n'écoutaient pas de 23h à 2h. Là, on va vous le remettre. Vous allez voir, c'était du pain béni. Il y a Nicolas qui dit merci à vous. Vous détendez mes soirées, les gars. Continuez comme ça. Ben, merci Nico d'être à l'écoute. C'est Lady Gaga qu'on écoute tout de suite sur Fun Radio, bonne soirée. Lady Gaga sur Fun Radio avec Do What You Want. Bienvenue si vous arrivez, il est 20h30. On est en direct à 20h minuit sur Fun Radio. On est là également, on sera là également demain à partir de 20h pour passer réveillon de Noël avec vous. Il y a Cheapest Baby qui dit Mickaël, moi je fais pas Noël avec mon mec sous la couette, ça va être mon cadeau. Waouh, cool Cheapest Baby, profitez-en bien. Daoud Douida qui dit je pense qu'il serait important de savoir si Gilou pratique le cunilinctus et si Mélissa aime ça aussi. Ouais, effectivement Daoud Douida, on va essayer de se renseigner. Je passe Noël avec ma main gauche, c'est Gloire qui va envoyer le message. Et Megumi qui dit le cunilingus, ça se dit pas, ça se pratique. Oui, c'est une manière de voir les choses. Ouais. On fera d'autres appels pour ceux qui viennent d'arriver. On s'est rendu compte apparemment qu'on faisait une erreur. Hein. On dit pas cunilingus, mais cunilinctus, ouais. Paraît-il. Et Adam aussi qui dit une pensée pour tous les étudiants qui ont leurs examens juste après les vacances et qui n'ont pas vraiment de vacances. Ça me détend un peu de vous écouter. Merci les gars. Ben, merci Adam. Et Maëva qui dit ouf, après une journée de merde, je vais enfin pouvoir rigoler avec la famille. Et Echo qui dit Toff, meurs étouffé dans ta chiasse, sinon la team de taré vous rendez du rêve. Merci Echo. Allez, tous vos messages en direct sur le Facebook de l'émission avec le hashtag et Mickaël sur Facebook, sur Twitter, pardon. Et puis vous m'appelez aussi, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Retour avec Jérém là qui déteste Noël. Il y a Mickaël également d'Arras maintenant. Salut Mickaël. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va. Bon, tant mieux. Bienvenue à toi, Mickaël. Alors, toi, t'appelles d'Arras, toi aussi. Qu'est-ce que tu vas faire pour Noël? T'as prévu un truc? Oui, alors je vais fêter Noël avec des amis que j'avais pas vu pendant 10 ans. Ah bon? Comment ça se fait que tu vas les revoir là tout d'un coup? Comment ça se fait pour Noël en plus? Comment ? Comment ça se fait pour Noël ? Bah parce que on s'est revu grâce à Facebook. Et ah, Facebook, puis, Facebook. Oui. C'est une mode, dis donc. Ouais. Et puis bah là, ils m'ont proposé si je voulais faire Noël avec eux, bah j'ai dit oui. D'accord, bon bah très bien, bon plan plutôt alors. Enfin en même temps, bon plan, on sait pas, si tu les as pas vus depuis longtemps, ça se trouve tu vas te faire chier. Non, parce que j'ai passé 15 jours, il y a 15 jours avec eux, on a bien rigolé, on faisait la fête comme on faisait avant. D'accord, bon bah ça va, c'est plutôt tranquille alors. Oui, bah, je vous avais appelé il y a 15 jours que j'avais eu un problème sur le bon coin pour... Oui, on était à Montpellier d'ailleurs, c'est il y a 3 semaines je crois. Oui, et j'ai eu des... Bon, attends, c'était quoi encore le... Donc t'avais acheté un truc sur... c'était une moto, je crois, ou une voiture, non, c'est pas ça ? Non, une moto. Une moto, ouais. T'avais acheté une moto et en fait, t'avais pas les papiers pour l'immatriculer, donc tu te retrouvais avec une moto qui servait à rien, quoi. Voilà, et là, j'ai eu un coup de téléphone de commissaire de police. Les commissaires de police, ils ont eu le gars. Ouais. Le gars, il a redonné le chèque, tout ça. Et puis je rends la moto à cette personne. Ah bon bah très bien, pour ceux qui étaient avec nous, comme ça au moins vous avez le fin mot de l'histoire. Eh bah merci Mickaël d'être passé, tu reviens quand tu veux hein. Voilà, et puis là bah j'ai prévu de racheter une moto, mais là. Ah bah oui. Au magasin. Ah bah c'est mieux hein, tu vois, c'est parfois un peu plus cher, mais bon au final c'est mieux ouais. Bah bon, bah merci. On a la garantie du produit. Bah ouais c'est ça, et puis on peut l'immatriculer surtout. Merci Mickaël et passe une bonne soirée et bonne fête hein. Merci, aussi, au revoir. A bientôt, ciao à toi, bye bye. On aura Yona aussi dans quelques minutes. Et avant cela, attends, Yona qu'on peut déjà prendre. Yona, t'es là ? Oui, je suis là. Ça va, Yona ? Ça va et toi ? Bon, t'as eu hier en fin d'émission, on n'avait pas eu le temps de finir avec toi. Ouais, ouais. Voilà, donc on va te reprendre maintenant dans quelques minutes. On parlera de quoi, Yona ? Bah, c'était pour poser une question, en fait. C'est-à-dire ? Bah pourquoi les mecs prennent les filles pour le cul en fait ? Non bah voilà autre chose, ça faisait longtemps tiens. Pourquoi les mecs prennent les filles pour le cul ? C'est un peu vrai, ils sont nombreux. Non mais c'est un peu le débat du est-ce que sucer c'est trompé ? Non n'importe quoi. Voilà donc faisons le débat ce soir. Non mais c'est vrai que la nouvelle génération est pas terrible. Ah pour toi si t'es avec ton mec et qu'il se fait sucer par un autre mec c'est pas grave ? Non je parle pas de ça. Ah d'accord, ok. Je parle de Yona, de son sujet. Ah oui c'est ça. Bon bah Yona reste avec nous, la bouge pas de là, on va se faire la colle également avec Thomas. Allô Thomas. Allô Thomas. Thomas, si tu ne décroches pas, tu auras perdu, Thomas. Allô ? Ah, très bien. Bon, Thomas qui va donc poser une colle ce soir et il faut évidemment trouver la bonne réponse à cette colle. Si vous avez la bonne réponse, il faut envoyer M-I-K-L, les 4 lettres suivies de la réponse, au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Alors, vas-y Thomas, quelle est la colle du jour ? Je bois de l'eau, mais je ne l'avale pas. Qui suis-je ? Je bois de l'eau, mais je ne l'avale pas. Qui suis-je ? Vous avez la bonne réponse, ou en tout cas, vous pensez avoir la bonne réponse. Eh bien, vous de jouer. Vous envoyez M.I.K.L. suivi de la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Il y a Pierre qui proposait un buvard. Non. Non, une plante. Non. Un poisson. Non. Le feu ou une baleine. Non. Un requin. Non. Il y a Enzo qui proposait une femme avec une gorge profonde qui boit sans avaler. Oh, merci, classe, Enzo. Non. C'est pas ça ? Bon, si vous avez la bonne réponse, il y a une Samsung Galaxy Tab 3 à gagner. Il faut répondre à la colle de Thomas. Je bois de l'eau, mais je ne l'avale pas. Qui suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous envoyez M.I.K.L. suivi de la réponse. Vous envoyez ça au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Et vous pouvez même jouer, bien sûr, depuis le Facebook de l'émission, facebook.com/M.I.K.L. On donne la réponse avant 22h. Thomas, tu restes avec nous. On te reprendra d'ici un quart d'heure, 20 minutes, ok ? Ok. Allez, bouge pas de là. Et Yona, tiens, est-ce que t'as écouté l'émission quand on avait appelé un juge d'application des peines ? Ouais, ouais. Bah, évidemment, sans le savoir, on avait appelé le juge d'application des peines. Ça t'avait fait marrer ou pas ? Ah bah oui, on était entre copines, on était mort de rire. Eh ben on va le remettre parce qu'il y en a plein qui ont pas pu entendre, parce que bah forcément 23h-2h c'est un peu tard. Et donc bah du coup il y en a plein qui avaient pas pu entendre ce passage. Donc on l'a appelé pourquoi encore ? Je me souviens plus. Alors il y a eu une première fois, c'était pour... je sais plus. Bon je sais plus, on va l'écouter maintenant. Tu sais il cherche, genre il se souvient et après il arrête. Teuf, quoi. Voilà. Bon alors Yona reste avec nous, on te reprend juste après. On va parler Noël également avec toi, avec Jérémy également et avec vous. Et puis bah écoutez, c'était un appel qu'on avait eu l'occasion de faire à quelqu'un, on ne savait pas. C'est un numéro qu'on a reçu par vos mails hein, sur toph@funradio.fr. Hein, on vous invite à envoyer des numéros de téléphone tous les soirs pour qu'on puisse appeler les gens afin de voir un peu comment ça va là-bas et surtout prendre des nouvelles. Hein, voir s'ils vont bien, les prévenir de toutes les nouveautés, etc., etc. Et on avait appelé celui-là, on est tombé sur un juge d'application des peines et vous allez voir que le monsieur était très fâché contre Tof. Ah ouais, trop. Bah, on ne peut plus fâcher. Hein, écoutez, ça vaut le détour. Hein, attendez, écoutez bien. Allô ? Oui, bonsoir. Oui ? Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous seriez prête à vous faire retrécir le vagin pour donner plus de plaisir à votre mari.

Non, je veux tout savoir ce soir, moi. Moi, sinon, je vais me coucher, je vais être frustré, donc. Bah, justement, c'est bien, comme ça, ça vous donnera l'envie qu'on se rappelle demain. Et qu'on sera content. Non, c'est pas possible. Mais vous avez lu comment t'es musclé, hein, t'es pas musclé, vous avez, comment, lu, enfin, vous avez lu Le Petit Prince? Oui. Eh ben, on va faire comme avec le renard. Hein, on se rapprochera un petit peu plus tous les jours. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais moi, je veux savoir. Ce soir, ça m'intéresse de nous rapprocher, là, tu vois. Oui, mais non, regarde, dans Le Petit Prince, regardez, dans Le Petit Prince, il se rapproche tous les jours un peu plus. Et. Ouais, non, mais toi aussi, tu l'as lu, Le Petit Prince? Non, moi, je connais que ce passage-là, hein, c'est tout. Le reste, j'ai pas. Ah, ouais, toi, tu connais Le Manège Enchanté, non? Le Manège Enchanté. Ouais, avec, je connais pas Le Manège avec Enchanté. Zébulon? Ah, mais tu vois, tu connais. Mais quand même, hein. Ah, oh, là. Je suis sûr que je vous ai surpris sur ce coup-là. Ah, ouais, tu m'as surpris, ouais, absolument, ouais, tu m'as surpris, ouais. Bon. Mais bon, surprends-moi encore parce que là ça me. Eh ben regardez, je vais vous surprendre, je vais appuyer sur un bouton, ça va raccrocher, mais ne vous inquiétez pas, on se rappelle demain. Hein? Non. Allez, non, regardez. Là, une bonne soirée, regardez. Hein? Non, dites-moi au revoir, ça va couper. Non, mais écoute, non, je suis très enthousiaste d'avoir au téléphone un homme comme toi, un personnage comme toi, tu te rends pas compte. Mais donc là il veut pas raccrocher. C'est formidable. Voilà, ça dure 2 heures encore, donc on va l'arrêter là, hein, il voulait pas raccrocher, on va vous mettre la suite dans un instant. Donc la suite c'est le lendemain quand on l'a rappelé, et là vous allez voir que là il est gentil, là, tu vois, il veut pas raccrocher, il est content, t'as l'appel. Puis après il y a eu madame qui s'est mise dans le bordel, et je peux vous dire que là, il y a du lourd qui va arriver. Hein. Alors là, il y a Frojack aussi qui va débarquer avec The Spark. Et puis appelez-nous, hein, pour parler de ce que vous voulez. 01 42 48 5000, on est en direct. 02 851 4x0 depuis la Belgique. On revient dans un instant sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à minuit. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël No Limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio et c'est 20h minuit, hein, le concept, hein, l'horaire original évidemment c'est 23h, 2h, mais là c'est 20h minuit toute la semaine, jusqu'à demain inclus. On sera là pour passer le réveillon avec vous, bien entendu. Il y a un message de Ness qui dit: j'avais pas entendu cet appel, merci de le repasser, j'aurais loupé quelque chose, c'est énorme. Attends, on n'a pas encore entendu écouter le meilleur, Ness. le meilleur arrive dans quelques minutes sur Fun Radio. L'appel avec notre ami le Jap. Et puis je rappelle également qu'il y a toujours le Samsung Galaxy Tab 3 à gagner sur Fun Radio. Alors deux solution pour le gagner, soit avec la colle de notre ami Thomas, soit en allant simplement sur le Facebook de l'émission, en faisant un like et un partage sur la photo où je pose avec le Samsung Galaxy Tab 3. Donc belle voilà, photo, vous faites... d'ailleurs, magnifique. Mais t'as vu un peu, magnifique. Ouais. Vous faites un like et un partage sur cette photo, on vous tire au sort parmi ceux qui auront liké et partagé, et à minuit on vous appelle, on appelle l'un d'entre vous pour vous filer la Samsung Galaxy Tab 3. C'est la dernière tablette de chez Samsung à gagner ce soir sur Fun Radio sur le Facebook, facebook.com/mickaël officiel. Je vous l'avais promis tout à l'heure, Le son d'Afrojack, on va vous mettre dans quelques minutes comme promis, donc avec The Spark. Ça va arriver dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis avant cela, évidemment, eh bien nous allons nous faire la suite de l'appel au juge d'application des peines. Le Jap. Charmant. Eh ouais, on l'a. Bon, c'était un moment qu'on avait utilisé, qu'on avait fait quand on était de 23h à 2h du mat pendant l'année. Hein. C'était quoi, il y a 3 semaines, je crois, un truc comme ça. Ouais, un mois. Ouais, 3 semaines, un mois à peu près. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, on vous le remet, puisque c'est vrai que d'habitude on fait pas 20h minuit. Donc il y a plein d'auditeurs qui nous découvrent là ce soir, forcément, puisqu'ils ont été abandonnés comme des merdes par les autres radios qui, elles, ont préféré partir en vacances. C'est scandaleux. Je tiens à le rappeler. Abandonnés comme les chiens, tu sais, pendant les vacances. Ouais, c'est ça, sans laisse. Sur le bord de l'autoroute, voilà. Et ben, nous, on est là, voilà. On passera Noël avec vous demain soir aussi, d'ailleurs, entre 20h et minuit. Et donc, on avait fait cet appel au juge d'application des peines. Évidemment, on ne savait pas que c'était un juge d'application des peines. Et donc, là, c'était le lendemain où on l'avait rappelé. Hein, ah, il m'avait demandé. Il avait demandé qu'on le rappelle, et donc, on l'avait rappelé. Voilà, ça, c'était le premier appel. Et vous allez voir que là, ça va être rock'n'roll. Ah ouais, là, je peux te dire. Allô? Oui, bonsoir. On s'en branche ce connard là, je vous casse pas les couilles alors. Bah oui, mais vous t'as m'avez. Autre chose à foutre du con là. Bah je sais pas, c'est vous qui voulez que je vous. Bah oui, mais vous m'avez demandé de vous rappeler hier, monsieur. J'ai 32 ans aussi et j'ai de la jugeote moi dans ma tranche. Bah oui, mais vous on m'avez. Pas les gens, hein. Bah oui, mais c'est vous qui m'avez demandé de vous rappeler, monsieur. Ah ben là il avait raccroché, donc tu vois, il avait demandé de rappeler, puis finalement il a pas voulu. Bah oui, c'est pas sympa. Et donc, on avait rappelé, et là madame va se mettre en jeu, la juge d'application des peines. En attendant, il y avait des messages qui étaient arrivés aussi. Il y a Ariel qui dit: en fait Toff a été attaché sur la croix par le Jap. Oui, c'est vrai peut-être. Phoenix qui dit: je suis mort de rire avec le juge d'implication. Non, c'est pas un juge d'implication, c'est d'application des peines, Phoenix. Angélique qui dit: il a une voix de tapette le Jap, mort de rire. Et DJ qui dit: il m'a vraiment fait délirer cet appel. Dame Snortic qui dit: le Jap était un grand moment, tout comme l'histoire du lion avec Amine. Ah ben si vous voulez, on vous le remet remettra tout à l'heure l'histoire du lion avec Amine, tiens. Rapport, mais ça date d'il y a encore un peu plus longtemps, ah, mais oui, on s'était bien marré quand même, hein, c'était improbable. Cheapest Baby qui dit super. Attends, non, ça c'était par rapport à Suisse, il s'est trompé. Et alors un message aussi qui est arrivé, Léa PSG qui dit pourquoi je t'ai demandé si l'émission était en direct ou pas, car dans d'autres radios c'est des best-of. Oui, je sais Léa, et nous sommes là d'ailleurs, hein, pendant que les autres vous ont abandonné, nous sommes en direct avec vous. Bon, on remet la suite du Jap. Allons-y. Allez, c'est parti, juge d'application des peines, round 2. Allô ? Oui, je m'excuse, on a été coupé. Oui. Ben oui, parce que j'étais en téléphone avec votre mari, mais on a été coupé. Oui. Voilà. Ben non, parce qu'il m'avait demandé de le rappeler hier, et du coup, je le rappelle. Oui, et aujourd'hui, c'est pour me demander quoi ? Pour me demander si mon mari baisse bien. Oui, il baisse bien. Pourquoi ? Ça vous dérange ? Non, je voulais savoir... Il y a un problème avec ça ? Non, je voulais savoir si vous aviez déjà... Si je dois passer à la radio, je vais vous foutre la honte, moi. Par contre, arrêtez de me casser les couilles, parce que sincèrement, le jour où je vais m'énerver, si jamais j'arrive à vous retrouver, je vais vous mettre une grande pelle dans la gueule. Mais j'en prends si déjà... Si vous voulez, je vous donne même mon adresse, si vous voulez, vous venez chez moi. Par contre, vous êtes sûr d'être mal reçu. Donc soit vous arrêtez de m'appeler et de me casser les couilles comme vous faites, ou alors ça va très mal aller pour votre gueule. Et ça, je peux vous l'assurer. Oui, allô, moi je suis 20 rue Bayard à Paris. Bien sûr, mais vous vous foutez pas un peu de ma gueule ? Ah non, pas du tout, c'est l'adresse où je suis. Oui, bien sûr. Eh ben, vous voulez jouer, sincèrement, on va jouer. Ben d'accord, mais parce que par contre, la question d'aujourd'hui, je voulais pas encore poser. Vous voulez quoi comme question ? Ben, vous voulez savoir si j'ai un grand clitoris ? Oui, j'en ai un. Non, est-ce vous voulez savoir quoi ? Si mon mari baisse bien ? Oui, je baisse bien. Si je suis bien ? Oui. S'il lâche ? Oui. Oui, pour tout. Ça vous dérange ? Il y a un problème avec ça ? Pas du tout, mais la question d'aujourd'hui portait sur l'anulingus. Est-ce que vous avez déjà essayé ? Non, mais je vous emmerde, je vous demande pas si votre femme, elle baisse bien. Qu'est-ce que vous allez me casser les couilles, votre femme baisse bien ? Vous l'enculez bien ? Oui, ça m'arrive de temps en temps, oui. Je sais pas quel est le con qui vous a pris mon numéro, mais ce con-là, il va très bien s'en enculer. Et là, c'est moi qui vais l'enculer. Oui, d'accord. Vous avez entendu ? Bien sûr. Même vous, s'il faut que je vous encule, vous enculerez aussi. Il y en aura le cul de vos conneries. Mais vous avez un goût de ceinture ? Hein ? Est-ce que vous avez un goût de ceinture ? Parce que ça fait pas... J'en ai rien à foutre d'avoir un goût de ceinture ou pas. Je vous emmerde. Ma vie, c'est ma vie. Ça, ma vie ne vous regarde pas. Je vous demande si vous allez vous faire enculer le soir. Mais non, mais c'est vous qui venez de me proposer. Parce que si jamais... Vous attention, le juge arrive. Vous enculer et que vous faites pas assez ramonner ou que vous vous ramonez pas assez votre femme, je peux passer des contacts, moi. C'est vrai ? Et dans ces cas-là, je vous avertis que vous allez bien vous faire enculer. D'accord, mais parce que ça fait pas... Alors arrêtez, s'il vous plaît, monsieur, si vous avez un minimum de respect pour vous et pour les autres, arrêtez de me casser les couilles, vous supprimez mon numéro de téléphone, vous arrêtez de me harceler, ça devient gavant à force, mais ça devient chiant. Mais je vous ai pas harcelé, c'est vous qui m'avez demandé de vous rappeler. C'est du harcèlement, monsieur, c'est du harcèlement. Mais non, le harcèlement, c'est quand... Vous m'appelez deux fois de suite. Oui, c'est pas du harcèlement, ça, madame. Si, c'est du harcèlement. Deux fois de suite, vous m'appelez. Le troisième, on vous dit, vous me rappelez pour savoir si vous avez le culot de rappeler. Et vous avez réellement le culot de rappeler. Bah oui, vous m'avez demandé... Vous prenez pour qui, sérieux ? Moi, je m'appelle Toff. Mais vous m'avez demandé de vous rappeler, je vous rappelle. Mais je m'en prends de savoir si vous vous appelez Toff ou pas Toff. J'en ai rien à foutre de Toff. J'emmerde. Bah oui, je vous emmerde. Me demandez pas, alors. Voilà. Donc, ouais. Arrêtez. D'accord. Arrêtez de jouer à la con avec moi. D'accord. Ça sert à rien du tout. D'accord. Mais pour l'anulingus, alors ? Je m'en branle de votre truc. Arrêtez de me casser les couilles. Ça suffit, j'en ai marre. Oui, oui, j'ai compris. Mais si vous répondiez, on aurait raccroché, on n'en serait pas là. Mais je m'en branle. Je m'en branle de vos questions de merde ou pas de merde. J'en ai rien à foutre. Ah, le juge arrive, il revient. Alors, écoute-moi bien. Tu vas composer un numéro de téléphone, d'accord ? D'accord. D'accord. Alors, c'est quoi le numéro ? Alors, tu vas le composer. Oui. C'est le 17. Ah oui, mais le 17, tout le monde fait le 17, tout le monde connaît ça. Non, t'appelles le 17 et tu demandes à être mis en relation avec Eric Gardra. D'accord. Attendez, alors... Et tu lui dis surtout qu'il n'oublie pas qu'il trace ton numéro, parce que lui va le tracer. Ici Police Secours. Pour une urgence, ne quittez pas, un opérateur va vous répondre. Police Secours ? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas d'harceler ma fille pour lequel j'ai déposé une plainte qui a été enregistrée ce soir. En l'occurrence, cette personne-là, je lui ai dit, écoutez, maintenant, il y en a suffisamment assez. Mais il me dit, j'appelle la police et je vous mets en relation. Donc, il m'a mis en relation avec vous. Qui vous a mis en relation ? Ah ben c'est ce, cette personne pour laquelle on a, j'ai porté plainte aujourd'hui. Il s'appelle Tof de Fun Radio, TOF de Fun Radio. Il n'arrête pas d'appeler tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Tous les soirs. Il me demande maintenant si mon homme il a... Voilà, alors maintenant il arrête. Au commissariat déposer plainte, vous avez fait? Ah mais ça y est, c'est fait. Donc vous voyez, alors je sais pas comment il fait ce monsieur, mais il appelle sur le téléphone de ma fille. Il lui pose de ces questions mais horribles. Et puis attends, deux secondes, c'est le gendarme. Et puis de ce faire. Ça veut dire que c'est en direct? Non. Non, bah non. Mais écoutez, vous voyez, il était au téléphone, hop, il m'a basculé sur vous. Je sais pas comment ils font, hein. Alors passez-moi son téléphone. Vous l'avez? Ah ben alors, le numéro de téléphone qu'il donne, c'est le 01 40 48 50 00. Là, vous pouvez pas voir d'où est arrivé l'appel? Bah non. Ah ben le 01 40 48 50 00, oui, c'est le numéro qu'il m'a donné hier, parce que moi je l'ai questionné. Mais ce monsieur, ah oui, c'est Colombo. Moi j'ai rappelé ce matin, et ce numéro, ça correspond au siège général de EDF à Paris. Ah mais le numéro s'affiche pas quand vous recevez un appel? Non, c'est un numéro inconnu. Ah. Mais il arrête pas ce guignol, il arrête pas, c'est énorme. Eh ben il faut des... il faut le... mais j'ai porté plainte, donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus, moi? Bah après vous pouvez faire la liste rouge. Ah non non non, mais je vais pas prendre une liste rouge pour un portable, non, faut pas rêver quoi, je veux dire, c'est, ça c'est bon, d'accord, bah, de toute façon moi je peux plus vous aider là. Si c'est vous pas avez le bon pas la numéro. Possibilité de les retracer? Bah non non. Bah, je peux retrouver l'adresse si j'ai le numéro, mais là c'est en l'occurrence si c'est EDF, c'est pas son numéro. Il a donné, là vous il avez a quoi, je vais prendre, quoi. Attendez, je vais prendre de quoi noter là, parce que là j'ai porté plainte, donc je vais recommencer. De toute façon, on n'arrête pas, donc on va faire sans arrêt, hein. Alors, on va recommencer. Par contre, j'ai beaucoup d'appels, madame, donc je vous laisse, hein. Madame, non, mais plainte, vous dites à quelle heure vous avez reçu les appels. Ils vont demander une réquisition à l'opérateur, c'est et ça, ils vont ressortir ça, les ça. Numéros. Très bien. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Non, non, là, ils sont pleins d'appels. Bon, ben voilà, c'est bon. Oh merde. La merde, il avait raccroché. Mais du coup, on l'avait rappelé une dernière fois. Là, c'était plus court. Hein. Attention, hein, parce que bon, madame le juge d'application des peines, même le flic, il l'a saoulé. Oui, maintenant que vous avez toutes les infos, vous pouvez répondre à la question. Quelle question? Bah, de savoir si vous avez déjà fait un annulaire. Mais arrêtez de me casser! Tu vas commencer à me casser les couilles longtemps, espèce d'enculé, là? T'as bien compris, là? Maintenant, on a tracé ton numéro. Oui. Eh ben, tu vois, on a tracé ton numéro, tu vois, guignol. Tu te fais niquer comme un âne. Donne-le. Non, non, je l'ai niqué. Et ils sont en train de s'engueuler à la fin. Non mais écoutez, non mais sur la fin, parce que vous avez peut-être pas bien entendu, parce qu'on a rigolé dessus. Quand il commence à s'énerver, il dit donne-me-le, tu sais, parce que t'as c'était sa meuf qui a repris le téléphone et il a pas voulu. Non non, je lui ai niqué. Ah attends, merde, on entend mal. Maintenant on a tracé ton numéro. Ah écoutez. Oui. Eh ben tu vois, on a tracé ton numéro, quand tu vois, guignol. Après. Tu te fais niquer comme un âne. Donne-me-le. Non non, je lui ai niqué. Je l'ai niqué. T'es vraiment un chien, Tof. C'est pas oh, c'est mon dieu. Oh là là. Oh mon dieu. Ah, on n'y peut rien, nous on appelle pour poser une question. On leur a pas demandé de tenir 12 minutes au téléphone. Non mais sérieux, c'est vrai. Ouais, on leur a rien demandé, nous. Hein. Tout ça pour gueuler. Et encore gueuler. La réponse, on aura raccroché. Exactement, il aura fait oui. Oh, merci monsieur, au revoir. Ouais. Et à bientôt, c'était tout quoi. Enzo qui dit tu me tues avec ton appel. Là, il y a Angélique qui dit trop fort. Antoine aussi, je peux avoir un message de bienvenue. Bah, avec plaisir. Pose toujours, enculé. Voilà. Il y a Evan aussi. Qui envoie un message qui dit Tof, mort de rire, il me tue à chaque fois. Il y a Gérald qui dit est-ce qu'il y aura Jean-Pierre Sauzère ce soir? Il me fait rigoler à prendre tout le monde de haut. Ouais ouais, bah t'inquiète, on va l'appeler ce soir. Jean-Pierre, appelle-nous. Non, si c'est tu fait, veux. C'est fait, on l'a eu. Ah, déjà. C'est fait. On te rappellera Jean-Pierre. Bah, prends tout à l'heure Jean-Pierre. Cédric qui dit mort de rire, canular, je rigole tout seul. Le mec il est vraiment perché chez Angélique. Et Chloé qui dit comment elle parle la meuf, elle est la femme du juge en plus. Non mais je crois qu'il était pas juge en fait, hein, a priori, mais bon. Et Maëva qui dit putain, je suis plié en deux, j'en peux plus. Il y a Train Lover qui dit si on me proposait 500 euros pour arrêter de vous écouter, je ne le ferais pas parce que les 500 euros tu nous les offres déjà en liquide et en cadeau. Oui, par contre vous pouvez payer 500 euros si vous voulez, hein. Oui, avec plaisir. Ah, aucun problème. Oui. Hein. Et leur shippers baby qui dit sucer c'est trompé, même parler à une pute c'est trompé. T'en bats le shippers baby là. Je vous avais demandé un sujet. Alors c'est un truc comme ça, on a eu l'idée tout à l'heure et on s'est dit putain c'est quand même assez exceptionnel parce que aucune autre émission n'a jamais traité ce sujet. Non, jamais. Et jamais. C'est quand même un truc exceptionnel que jamais personne n'a parlé de ça. Mais oui, moi j'ai envie de dire osons. Osons ce soir en parler. Voilà, est-ce que sucer c'est trompé? Un grand débat culturel que nous lançons ce soir. Moi je suis pas d'accord. Trompé c'est quand t'aimes deux, une autre personne. Ouais, mais si moi... tu te fais pomper le dard, tu t'encules et tout, ça, ça marche pas. Ouais. Non, sucer, c'est goûter, c'est pas tromper. C'est goûter, ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, donc 21h là, 01 42 48 5000, appelez-nous. Et 02 851 4x0 si vous voulez. Je suis polo. Voilà, c'est ça. Si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus. Retour avec Samuel dans quelques minutes qui voulait parler de Noël, Cédric également et Georges par rapport à Yona, donc qui disait pourquoi les mecs sortent avec les filles que pour leur cul. Ce qui est faux d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser. On va s'écouter le son d'Afrojack, je vous l'ai promis, avec The Spark. On écoute ça maintenant. Et toujours la Samsung Galaxy Tab 3 à gagner sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Venez faire un like et un partage. Et c'est aussi simple que ça. En plus, le jeu est gratuit, donc profitez-en. Et si vous êtes tiré au sort à minuit, je vous offre votre Samsung Galaxy Tab 3 sur Fun Radio. 20h minuit, on est là en direct ce soir sur Fun Radio. Demain également, soirée de réveillon de Noël, on sera là quand même. Juste après Afrojack, on revient sur Fun Radio. Afrojack sur Fun, je vous l'avais promis, The Spark, on vous l'a mis il y a quelques minutes, enfin là, à l'instant plutôt. Et dans quelques minutes, je vous calerai aussi le son de Jason Derulo avec Dirty Talk. Il y aura aussi Martin Garrix avec Wizard le nouveau. Et puis bien sûr, je l'avais promis aussi tout à l'heure avant 10h, Demi Lovato, Neon Lights. Et si vous avez envie de choisir un son ce soir dans l'émission, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, vous lâchez le hashtag Mickaël avec la demande que vous voulez faire, n'hésitez pas. Il y a le prince Nadia qui dit: Mickaël, est-ce que le Père Noël demain soir va amener une croix de Saint-André à Toff? Il en serait ravi, on verra s'il a ça en sa haute. Oh oui, bah, j'imagine qu'il serait ravi. Bon, je rappelle d'ailleurs cette croix Saint-André, pour ceux qui nous écoutent pas d'habitude, c'est que Toff qui nous a avoué il y a deux semaines maintenant qu'il aimait se faire attacher dans une cave sur une humide croix et se faire pompelle d'art, hein, par une fille et en même temps se faire sodomiser. C'est ça. Voilà, exactement. Donc offert par passagedudésir.fr. Voilà. Je rappelle que toute l'histoire de la sodomie est inventée. C'est faux, vous êtes un menteur. C'est ça, menteur, va. Menteur, bon, va retracer ton numéro et tu verras. Voilà, et je t'emmènerai jusqu'à Furiani, tu vas voir. Il y a Lorenzo qui dit vous me tuez, sérieux. Bah, merci Lorenzo. Et Megumi qui dit je tiens à Yuna qu'on peut faire pareil, hein, prendre un garçon et le jeter comme une merde après. Et Let's Be Freaks qui dit cunilinctus, c'est moche quand même, je crois que je vais continuer à dire cunilingus. Ah mais tu feras une faute, une Let's Be Freaks. D'ailleurs faudrait qu'on appelle l'Académie française. Ah mais allons-y. Pour voir où ça en est ces conneries là. Bah oui. Bah ce serait pas mal. Bah écoute, on va l'appeler dans quelques minutes, l'Académie française, on va chercher le numéro. Yannès qui dit rendez-vous demain dès 20h avec Mickaël pour réveiller dans la joie et la bonne humeur, évidemment Ness. Et DJ Coma qui dit Taras mon toff on t'encule. Et Tom Smile qui dit aussi vous écoutez, c'est trop cool. Merci Tom. Et Tom d'ailleurs qui n'a pas pu terminer dans le top tweet, dans le top tweet, top tweetos hier soir, puisqu'il y a son père qui a voulu qu'il aille dormir à 10h30. Enculé. Non mais c'est vrai quand même, du coup t'as raté, t'as fini 10e Tom. Bah, ouais. Et Stéphanini qui dit bon c'est décidé, demain je veux être une dinde. Quelle horreur. Et Fabienne qui dit nous pour le réveillon on sera avec vous, vous êtes notre Père Noël, merci Fabienne. Et Echo qui dit tu peux mettre un gros coup de bazooka dans la gueule de Toff. Écoute, oui c'est possible, c'est plus qu'une possibilité, je préfère plutôt lui mettre une claque. Parce que sinon ça va gaspiller. Oui, donc on a le numéro. Bien sûr. Ah, l'Académie, bah très bien. Puisque je rappelle que nous sommes tombés sur une information qui. Information capitale. Bah qui oui, dit qu'apparemment, ça... on s'est trompé depuis des années, on dit cunilingus, alors qu'en fait, il faut dire cunilinctus. Oui, c'est la face du monde en échangé. Voilà, donc on va appeler l'Académie française pour leur demander, hein. Bah oui, c'est vrai. Seuls eux peuvent répondre. Et surtout clitoris ou clitoris. Ah oui, c'est vrai. Attends, on va appeler l'Académie. Alors. Allez l'Académie. Il n'y a plus personne à 9h là. Si, il y a une permanence. Bah, il y a une permanence, ça décroche pas. Faut le temps. Les mots n'attendent pas. Faut le temps qu'ils arrivent jusqu'au téléphone, ouais. Tu sais, c'est à l'orage, c'est pas évident. Hein. C'est des immortels, je te rappelle. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'ils sont durs d'oreille. Ouais, enfin bon, là déjà, il n'y a personne là. Je connais qui ont passé toute la nuit à attendre. Bon, et bonne nouvelle, on a retrouvé le canular avec le lion, donc on vous le remettra aussi tout à l'heure, hein, puisqu'il y en a un qui nous en a parlé tout à l'heure, je me souviens plus de son nom. On le remettra tout à l'heure, vous allez voir que ça aussi c'était un grand moment. Bon, bah je pense qu'on va faire une croix dessus, hein, sur l'Académie française là. Oh, ils sont chiants. Oh, ils sont relous. Bon, je laisse encore deux sonneries, mais après on ferme. Pour une fois qu'ils peuvent servir à quelque chose. Bon. Allez, l'Académie. Les lignes de votre correspondant sont momentanément interrompues. Ah, oui, interrompues, oui, d'accord. Ne peut aboutir. Ah, oui, on peut la demander. Je croyais que ça allait être les lignes de votre correspondant sont toutes surchargées. Ouais, c'est genre tout le monde appelle l'Académie. Oui, alors j'ai un problème avec un mot aussi. Bah, oui. Il y a Chloé qui dit ils vont pas répondre, c'est des fonctionnaires. Bah, ouais, mais bon, écoute, ouais, mais qu'est-ce que je te dise, moi. On pensait pourtant qu'ils allaient répondre. Bon, enfin, c'est pas grave, tant pis. On va prendre Yona qui est avec nous là. Yona, toujours là? Oui, je suis toujours là. Bon, tant mieux, Yona. Alors, t'avais entendu le canular qu'on avait fait avec le lion? Oui. Ah, t'es une fidèle toi, Yona, c'est bien, t'écoutes tout le temps. Bah ouais, souvent. Bah, j'ai rien d'autre à faire, mes parents ils veulent pas que je regarde la télé, bon, non, ils ont coupé internet. Non, mais tu... mes parents ils s'en foutent un peu. Ah, ils s'en foutent. Non mais écoute, tu fais bien dans l'idée d'écouter, c'est bien Yona. Bon, alors toi tu nous appelais parce que tu avais une question existentielle, un peu comme le sucier s'est trompé. Pourquoi les mecs sortent avec les filles pour le cul? Voilà, et il y a Megumi sur le Twitter qui avait dit que les meufs pouvaient également sortir avec des mecs que pour ça, hein. Bah ouais, mais c'est souvent le contraire. Hein. Non, c'est faux, c'est du faux. Non, c'est vrai. Non, c'est faux, je suis désolé, c'est totalement faux. Il y a Georges également d'ailleurs qui est là de Saint-Denis. Salut Georges. Salut. Comment ça va? Ouais, ma gueule. Bon, tant mieux, sois le bienvenu Georges. Alors toi, tu voulais réagir à Yona, toi? Oui. Bon, alors vas-y, on t'écoute. En fait, ma meuf, elle a... Attends. Tu peux dire à Yona, tu peux dire à tes copains de Ster parce qu'on comprend pas ce que dit Georges. Sors le téléphone de ton nez, Georges. Voilà, Georges, enlève le téléphone du nez. Parle fort, ouais. Hein. Voilà, parle plus fort. Ok. Ah, vas-y. Toi, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ouais, c'est parfait, vas-y. Bon, je disais, ma meuf, elle arrête pas de me lécher. Non, vas-y, il y a toujours son téléphone dans le nez. Moi, je propose là, on que pas, genre... les solidarité avec Georges, on parle tous comme ça. Georges, au début, on te comprend et après, tu parles avec le nez bouché. Ouais, là, c'est mieux. Non. Oui, là, ça va, ouais, alors vas-y. En fait, je disais que... meuf, non, mais Georges... Georges, au début, tu pars bien et après, t'as voir au dessin. En fait, voilà, c'est un peu comme si tu faisais comme ça. Tiens, oui, alors en fait, c'est-à-dire que... Je voulais vous parler d'un truc. Non, parle plus fort, Mickaël. Pardon. Okay. Si. Bon, ça y est, c'est bon? Oui. Bon, allez, vas-y, Georges. En fait, je disais en fait que ma meuf, elle arrête pas de me faire lécher le cul et puis. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Georges, à 21h11? On va te reprendre plus tard, Georges, parce que là, le temps. Que, d'habitude, on commence à 23h, il y a plein de trucs qu'on peut dire. Là, à 21h, c'est un peu tôt encore, Georges. Et puis, on va exciter l'autre pervers de voilà, Tof. Voilà, c'est là. Ça, Tof va étouffer là, donc restons calmes. Calme-toi, Tof. Georges, reste avec nous deux secondes, on va prendre Cédric d'abord, chacun son tour. Cédric? Oh, c'est dommage, j'avais des croix pleines la tête. J'imagine. Ça va, Cédric? Allô? Ça va et vous? Eh ben ça va très bien, on est en pleine forme là, on est en pleine forme Cédric. Bon alors, toi t'as 30 ans, t'appelles de Marseille? Proche de Marseille, mais là en fait tu as Clermont-Ferrand, je viens sur Paris en plus. Ah bah très bien, passe nous voir. Enfin quoi que t'arriveras pas ce soir à mon avis, hein, mais bon. Ouais, je vais arriver sur les coups de minuit, une heure. Ah bah juste quand on a fini dis donc, c'est dommage. Bon c'est pas grave, c'est pas grave. Bon alors, qu'est-ce qui t'arrive toi? Tu voulais réagir aussi par rapport à Yona? Ouais, déjà aussi par rapport à Yona, et en fait je voulais aussi vous souhaiter de bonnes fêtes à tous. Eh ben merci beaucoup, bonne fête à toi aussi. Merci. D'ailleurs il y a Tof qui va te le souhaiter aussi, tiens. Oh, bonne fête. Quelle horreur. Bon alors vas-y Cédric. Ouais, en fait moi c'est par rapport à Yona, a dit qu'on prend les meufs pour déjà pour des plans de cul, et eux c'est un peu pareil. Donc moi je dis il y a du 50-50, et quand nous on se fait prendre pour des piches. Des piches. Eh ben, c'est un petit gâteau avec du chocolat à l'intérieur. D'accord. Non, pour des cons. Ah d'accord, pardon. Ah, ok. Voilà. À force, nous, on a envie de prendre les meufs pour des. Voilà, pour des salopes. Hein. Mais pourquoi vous faites des généralités de tout comme ça, c'est un truc de dingue. C'est comme si vous tombez. Imaginez que vous sortez avec Tof, c'est quand même un gros trou du cul, hein, faut quand même le dire. Oula, c'est Tof, Et que juste après vous faites une généralité, vous pensez que tous les mecs sont des connards comme lui. Bah non. Mais non, c'est faux. Il y en a des pires. Bah non, parce que moi je fais amour et je suis le romantique. Ouais, tu parles. C'est ça, bien sûr. Et quel romantisme, hein. Oui. Quelle est la dernière phrase qu'il t'a dit, Il m'a dit je peux te baiser là. Véridique. Dans le coup. Ouais, véridique en plus. Non, c'est vrai. Bon, et Cédric. Oui, c'est polo. T'es déjà tombé romantique au max. T'es déjà tombé sur une meuf comme ça qui est venue que pour le cul? Ouais, plusieurs. Ah, plusieurs, ouais, t'as bien de la chance, hein. Tof, il rêverait de ça tous les soirs. Ouais, ça m'arrive jamais. Hein. Bah, si, ça arrive, mais rarement, quoi. Non, jamais, voilà. En fait. Ah, jamais. Ouais, bon, si d'accord. Si je ne pas au minimum, j'ai rien, moi. Ah, d'accord. S'il promet pas mon émerveille, s'il dit pas qu'il fait de la radio, etc. Ouais, déjà, ouais, ça fait partie des trucs qu'il faut dire rapidement dans la conversation, sinon, ça, c'est mort. Que tu fais de la radio? Ouais. Ah, et ça marche mieux, hein. Ah, bah, c'est pas que ça marche mieux, sinon, ça marche pas. C'est ça. Bon, attends, il y a Lady Buflix aussi qui dit Georges parle du léchage de queue avec le nez bouché. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Tu disais Cédric, vas-y continue. Non, en fait ouais, j'ai eu plusieurs aventures avec des femmes. Maintenant bon voilà, j'ai 30 ans, j'ai envie de me caser, mais c'est sûr qu'il y a un temps où ouais je prenais les meufs pour voilà, que pour un plan cul. ça me suffisait largement. Ouais, mais voilà, à un moment, t'as envie de te caser aussi, hein, c'est normal. Bah, j'aimerais bien avoir l'avis des filles aussi, parce que là, on a l'avis de Yona, évidemment, mais je voudrais avoir l'avis de filles. Appelez-moi les filles, 01 42 48 5000. On va en parler dans quelques minutes. Reste avec nous, Cédric, on va prendre Samuel aussi dans un instant. On va se faire la colle avec Thomas. Et je rappelle qu'il y a toujours la Samsung Galaxy Tab 3 à gagner, hein, sur le Facebook de l'émission. Tirage au sort à minuit. Facebook.com/MIKL officiel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous l'avais promis, le son de Jason Derulo va débarquer. Ce sera Dirty Talk sur Fun Radio. On fait ça dans quelques minutes et si vous voulez nous envoyer vos messages, hein, vous n'hésitez pas, vous envoyez vos et Mickaël, suivi de votre message. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900 sur Fun Radio. Mickaël, limite, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France, on sera là demain soir avec vous, hein. N'oubliez pas d'ailleurs, on sera là demain soir à partir de 20h pour passer le réveillon avec vous. Voilà, il y a Félicia qui dit les meufs sont les mêmes, c'est tout le monde pareil, les mecs nous prennent pour des connes et les meufs prennent pour des cons. Oui, c'est pas toujours pareil, après il y a des gens normaux aussi, hein, Félicia. Donc appelez-nous les filles, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y en a qu'on va récupérer dans quelques minutes, Georges également, on va se faire la colle avec Thomas, toujours pour gagner la tablette ce soir. Et puis on va saluer également tous ceux qui sont sur le Twitter de l'émission. Merci à tous les nouveaux qui viennent de débarquer également. On est plus de 22 000 sur le Twitter de l'émission. Donc si vous voulez vous aussi venir, n'hésitez pas, vous simplement vous m'ajoutez, je vous suivrai également. Donc on se suivra mutuellement. Vous suivez donc MIKL, les 4 lettres, underscore, c'est le petit tiret en bas, officiel. Voilà, MIKL, underscore, officiel. Et puis bah, si vous me suivez, je vous suivrai également et vous serez comme ça tenu au courant de tout ce qui se passe dans l'émission. Merci beaucoup d'avance. Il est 9h17 sur Fun Radio, je vous l'avais promis. On s'écoute maintenant le son de Jason Derulo sur Fun Radio. C'est Dirty Talk sur Fun. Bonne soirée. Le son de Jason Derulo à l'instant sur Fun Radio avec Dirty Talk. Allez, il y a Quentin qui a envoyé son message aussi. Le mec qui se fait lécher le cul par sa meuf trop fort. On peut dire que c'est un mange-merde. Oui, merci Quentin. Ness également qui dit tous les mecs ne sont pas forcément à la recherche de plan cul. En tout cas, je l'espère. Et Angélique qui dit mon ex avait souvent... Attends, c'est quoi? Mon ex avait été SFR, sucé par une meuf. Se faire sucer. Ah, se faire, oui, d'accord, ok. Qu'il avait rencontré, oui, désolé, hein, sur un chat quand je. Mais c'est écrit comme ça. Quand je l'ai su, je lui ai pardonné parce que ça m'en faisait une en moins à faire. Ah ouais, donc sucer, ce n'est pas trompé, ça arrange certaines personnes. Des fois, surtout quand le mec pue. Oui, merci Angélique, je ne vais pas plus loin, mais on a bien compris de quoi on parlait. C'était très classe, très glamour, très. C'était top ce soir. Voilà, c'était très joyeux Noël. Flora qui dit aussi, passez de bonnes fêtes, ne changez rien, vous êtes juste au top. Merci Flora. Et Amélia qui dit, trop mortel les horaires de vacances, big up à toute l'équipe et un message de bienvenue, ma mère à côté en pleure de rire. Ah bon? Bah écoute, avec plaisir. Je t'emmerde. Voilà, il y a Chloé aussi qui dit le pauvre Tof, il s'en prend plein la gueule. C'est bien fait pour sa gueule, t'inquiète c'est pas, t'inquiète pas. On venge toutes les filles auxquelles il a fait du mal, t'inquiète pas. Et Megumi qui dit moi qui ne suis qu'amour. Ouais, c'est ça. Oh putain, Polo, t'as été con tout à l'heure avec ta connerie du pitch, tu m'as tué. Et tous vos messages, allez-y, hein. Hashtag Mickaël sur le Twitter, sur le Facebook, vous pouvez envoyer vos messages sur Mickaël officiel sur Facebook. Hein. Et puis vous pouvez m'appeler évidemment 42 48 5000 et 02 851 4x0. Je vous avais promis tout à l'heure la rediff du canular avec le lion. C'était avec Mehdi, si mes souvenirs sont bons, un auditeur qui s'appelait Mehdi, je sais ouais, plus. Mais c'était Mehdi et son patron. Cousin, non, son Amine. Cousin. Amine. Avec Michel, son oncle, voilà. Qui avait un accent de l'Est et qui exactement. Avait peur. Exactement. Et qui avait peur de plein de trucs. Enfin, ouais. Vous allez voir, on lui a fait croire qu'il y avait un lion, qu'on avait été kidnappé. Enfin, bref. Toute une histoire, on vous mettra tout à l'heure. Et dans 30 minutes, on fera un chéri, je peux te faire cocu également. Hein, si vous voulez jouer, n'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire dès maintenant. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bon, alors, Yona, t'as lancé un débat, hein. Ça, c'est sûr, hein. Ah, Yona est partie, c'est pas grave. Il y a Lamia qui est avec nous de Montargis. Salut Yamea, Lamia. Oui. Ah voilà, elle est là. Lamia bien profond ou pas? Ça va bien Lamia? Oui, ça va. Bon, bienvenue à toi Lamia. Alors t'appelles de Montargis, t'as 26 ans. Et Lamia, ouais. Tu voulais donner ton avis donc sur ce grand débat que Yona avait lancé, pourquoi les mecs sortent avec les filles pour le cul, sachant évidemment que ça marche dans les deux sens. Lamia, on t'écoute, bienvenue à toi. Bah moi je trouve que ouais certes ça marche dans les deux sens mais le souci c'est que une femme malgré tout quand elle est pas sur le net quand elle sort en soirée ou quand voilà quand elle est trop un peu alcoolisée ben c'est pareil ça revient en même là à la femme elle sait plus quoi faire donc voilà où est-ce que tu veux en venir à ton propos j'ai pas très bien compris Lamia. Attendez, je vais changer. Ah bah ça ira mieux. C'est le coussin. Non mais en changeant de pièce ça ira mieux je pense effectivement. Ouais, ouais. Voilà. Donc c'était. Oui, tu disais justement, oui. Je disais qu'une femme, malgré le fait qu'il y ait internet et tout ça, en réalité quand elle est avec des personnes en soirée ou quoi que ce soit, ou qu'il y a de l'alcool et tout ça, une femme ça écarte quand même les jambes dans tous les cas. Bah pas non, attends, ça veut rien dire. Je suis heureux que ce soit une femme qui ait dit ça. Mais oui, mais je l'aurais dit, on m'aurait traité de tous les noms, mais comme tu es une femme, ça passe beaucoup mieux. Mais non, mais attends, mais c'est vrai. Mais comment ça, c'est logique? C'est logique, elle a raison. Bah oui, je... la mienne, je suis d'accord avec toi. On dit qu'un homme, il a la bite entre les jambes. Enfin, il a le cerveau entre les jambes. Ouais, ou qu'il a la bite à la place du cerveau. Ouais. Bon, ça marche dans les deux sens. Enfin, ça marche dans les deux sens, mais dans l'autre sens, c'est pareil. Oui. Comment ça, c'est pareil? Mais non, mais d'accord, mais attends, Il y a des filles, effectivement, qui sont peut-être très attachées au cul et qui en font une fixette, évidemment, comme les mecs. Et puis après, t'en as qui sont, qui ont pas spécialement, ou t'en as qui ont pas envie, qui sont peut-être frigides, et puis t'en as qui sont normales. Tu vois, tout simplement. Voilà, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'être dans l'extrême. C'est pas parce que tu vas boire un verre que d'office, comme tu dis, ah bah ouais, les filles, elles vont écarter les jambes. Bah non, en fait. Attends, tu peux nous refaire le truc de la bagnole la dernière fois? De la bagnole. La comparaison. C'est-à-dire? Avec, je sais pas, le yaourt et la bagnole, non? Ouais, mais là, c'est pas à propos, là. Ah bon, pardon. Mais je l'ai bien, moi. Oui, non, mais dès que j'ai l'occasion, je le ferai, hein, c'est pas un problème. Bah, là, je vois pas très bien comment faire le truc, mais je vais réfléchir. Ouais. Bon, on va aller manger un yaourt. Bah, écoute, si tu veux, ouais. Pardon, excusez-moi. Non, mais voilà, c'est. Mais du coup, donc toi, t'es comme ça, la mienne, alors? Bah, non, je suis pas comme ça. Bah, la mienne a deux bières et après, tu la décapsules. Je vois certaines personnes, même des gamines de 16 ans. Quand tu compares des gamines de 16 ans, des gamines de 16 ans d'avant et que tu arrives à des gamines de 16 ans de maintenant, excuse-moi, quand tu les vois en boîte ou quand tu les vois un peu éméchées, excuse-moi, c'est que des trucs gore. La mienne ? Tu vois de tout. La mienne, t'as quel âge ? Non. 26. J'ai 26 ans. Et comment tu peux parler des filles de 16 ans avant ? Avant quoi ? Bah avant la chute du mur de Berlin. Mais non, mais. Avant. Quand toi, t'avais 16 ans ? Enfin, quand j'avais 16 ans, non, quand moi j'étais plus jeune et que moi je voyais les jeunes de 16 ans, que je voyais les jeunes de 16 ans. D'accord, ok. Bon, très bien, ça va. Ça a aucun rapport avec ce qu'il y a maintenant. C'est vrai qu'elle a pas tort, la nouvelle génération de filles de 16 ans d'aujourd'hui, elles se lâchent quand même beaucoup plus facilement. Je suis désolée, Polo, il dit des horreurs en antenne, je peux pas dire. Il a rien dit. Mais attends, qu'est-ce que tu racontes, Polo? Il a rien dit, t'es sérieuse là? L'autre, elle pète un plot toute seule, tout ça parce qu'elle a des chocobons sous le nez. Alors du coup, des chocobons, c'est comme la drogue chez Sandro. Tu vois, t'as l'impression qu'elle se sniffe un rail. Et du coup, ça la met dans des états bizarres. C'est dingue. Scandaleux. Non, mais c'est vrai que les jeunes de 16 ans d'aujourd'hui, faut le dire, elle se lâche vachement plus facilement. Ça dépend lesquels, qu'à l'époque. Bien sûr qu'il y en a. Faut pas faire de généralité. Pour la morphologie des jeunes de 16 ans de maintenant, même pour la morphologie, avant à 16 ans, tu les voyais pas dehors, enfin, tu les voyais pas ni en boîte. C'est quoi la différence avec la morphologie? Enfin, maintenant les filles de 16 ans, enfin, faut l'avouer, elles ont vraiment des belles formes. Enfin, elles sont vraiment plus. Oui, parce qu'elles se mettent, elles se mettent en forme. Plus en valeur. Voilà. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Mais oui, mais c'est normal. En même temps, il y a plein de trucs à la télé, donc après elles suivent. Parce que bon, elles voient certainement l'évolution. Elles voient. Elles voient. Mais c'est parce que ça m'agresse dans l'oreille alors. Non, mais en gros, elles vont mettre des strings plus tôt que nous quand on avait 16 ans et plus tôt elles vont mettre des talons. Elles se ressemblent plus à des femmes, en fait. Même en boîte, ça passe mieux. Oui, voilà, et puis pour rentrer aussi. Des gens qui arrivent à rentrer en boîte, c'est un peu abusé, quoi. Et il y a Nathan aussi sur le Twitter qui dit: la logique de cette fille est fabuleuse, elle est honnête. Merci, Fun Radio. Yannès qui dit: si la fille s'habille comme une traînée, faut pas s'étonner que le gars pense plus au cul qu'elle a marié. Et alors Vanessa aussi qui dit: ah, mort de rire, la petite gamine au téléphone. N'empêche qu'elle a raison, car quand je sors en boîte, les jeunes filles d'aujourd'hui n'ont pas froid aux yeux. Bah, la petite gamine, mais par contre, elles ont froid au cul. La petite gamine, Vanessa, elle a 26 ans quand même, hein, donc pas vraiment ça, mais je t'en prie. Et Megumig aussi sur le Twitter qui dit: la mienne, c'est pas la copine à Flou, non, parce que je capte rien. Oh, oui, Flou était une auditrice qui nous avait mitonné sur son âge et qui avait envoyé une photo d'elle complètement floue pour cacher le fait qu'en fait elle avait 16 ans et pas 22. Donc du coup, on l'a appelée Flou depuis. Voilà pour la petite explication. Bon, attends, la mienne, il y a également Cédric, t'avais encore un truc à ajouter, Céd? Oui. Ah bah vas-y, on t'écoute. Ouais, d'un côté, en fait, elle a tout à fait raison. Maintenant, les gamines de maintenant, c'est clair, ils ont même pas de culottes. Putain, on voit qu'on parle à deux vieux, là. Ils ont même pas de culottes. Ouais, mais ça c'est pour l'aération, ça n'a rien à voir, c'est pour les odeurs ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça pue trop après. Tu te trompes, elle. Même en boîte, quand elles se mettent en string, c'est pire. Mais en boîte, ça, en string meufs, Elles schlinguent. Ça schlingue, une fois qu'elles se mettent à danser, à transpirer, ça schlingue. Ça schlingue, ouais. Mais ouais, ok, ouais. D'accord. Là, mais pourquoi tu vas souvent aller vérifier là en dessous si ça sent, si c'est bien. Attends, tu vois, c'est quand on le dit. Ça sent, ça sent. Ah non, non. Ça sent, elles sont, hein, ça sent. En chaleur. Dès qu'elles voient des bonhommes, ça y est, ils sont bien sapés, ils sont en costard, ça y est, c'est ouais, bien. Ouais, et toi, quand tu vois un mec bien sapé, tout le bordel, moi, t'es pas. Personnellement, je suis casé. Moi, non, et alors je suis casé et je suis. Arrête de crier, Lamia, on est presque dans la même pièce, tu me donnes mal au crâne. Elle a de la chance. Ah voilà, ça va mieux. Bah tu vois, en plus t'as une plus belle voix quand tu parles normalement. Parce que là t'es ah bah bah bah bah bah, on leur dit une poissonnière. T'as du poisson là ou pas? Ah bah oui, bah là on n'entend plus rien, comme ça c'est parfait. Bon, alors attends, il y a bah Georges, on va le garder pour tout à l'heure, il vaut mieux. Et il y a Romé également qui est avec nous là. Salut Romé. Coucou. C'est Romé alors ou c'est Romain? Romé, c'est une fille. Ah, t'es une fille. Romé. D'accord, mais ça me rassure, hein, parce que si tu t'appelais Romain avec cette voix-là, je m'inquiétais un peu quand même. Ouais, quand t'en as plus assez, t'en Romé. Et dis donc, t'es en forme, t'as fait quoi? T'as un livre ou quoi? Public. Il est venu avec son public, là, il fait un one-man show depuis tout à l'heure. Bon, Romé, alors toi, tu voulais donner ton avis aussi en speed avant de partir? Ouais. Ah bah, on t'écoute, Romé, bienvenue à toi. Merci beaucoup. En fait, le problème, c'est que beaucoup de gens font des généralités. Par exemple, rien que le sujet qu'on a là, ouais, une généralité, c'est genre beaucoup de filles vont pour coucher, beaucoup de mecs, etc. Mais la question que je me pose, c'est... Et si reviens. Romé, non, mais c'est parce qu'elle va se poser la question à côté et puis elle revient. On t'a entendu partir là, reviens avec nous là, Romé. Je posais juste le téléphone puisque d'accord. Mis sur haut-parleur. Très bien. Heureusement que Sandro t'a dit de pas le faire. Hein. Oui, heureusement qu'on t'a dit de ne pas mettre sur haut-parleur parce qu'on s'est passé moins bien l'antenne. On m'a dit quitte main libre. Bah, non, quitte main libre et haut-parleur. Mais c'est pas grave, Romé, reprends le téléphone. Ok, bah j'ai enlevé le haut-parleur. Ah, parfait. Ok. Wow. Bah, en fait, selon moi, non, il n'y a pas. Enfin, il y a beaucoup, je connais autour de moi, malheureusement, je connais beaucoup de mecs comme on l'a décrit et très peu de meufs comme on l'a décrit, mais je sais qu'il y a beaucoup d'exceptions aussi et il faut savoir les voir. Enfin, voilà. Oui, mais voilà, mais non, mais bien sûr, après, mais encore une fois. De toute façon, le résumé du truc, c'est qu'il n'y a pas de généralité. Évidemment, t'auras toujours des salopes, t'auras toujours des connards, et puis t'auras toujours des gens bien. Et les gens bien, en général, se feront quoi? Voilà, parce que quand tu vois une meuf, par exemple, tu vas voir, on a déjà reçu des meufs dans le studio, hein. Elles savent, parce qu'on les prévient avec Polo, que Toff est un connard, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont chez Toff et elles se disent, ouais, mais c'est un connard avec toutes les meufs, mais ce sera pas le cas avec moi. Mais si, moi, ce sera le cas avec toi. Ouais. Ce sera le cas avec toi et avec les autres. Y a pas de raison que ça change. Je serai toujours moi-même. Voilà, c'est ça, hein, sale con. Mais oui, mais c'est vrai. On dit pas ça pour emmerder le monde, hein. Non. Au contraire, on dit ça pour aider notre prochain. Ouais. Et tout à fait. Non, mais c'est vrai. Vous êtes très généreux. Eh ben, écoute, avec plaisir. Merci, Romé, en tout cas. Moi, parfois, ça me fait chier un peu, mais bon. Bah oui, mais bon. Bon, ben, Romé, Lamia et Cédric, merci à vous d'être passés, en tout cas. On a perdu Yona sur le cours de route, c'est pas grave, hein. Oui, Cédric. Merci. Tu voulais, Cédric? Attends, Cédric. Aïe, aïe, aïe. Bah, merci. Eh, je voudrais juste faire une dédie déjà à toute la radio, après à Marseille. Très bien. À Légion, sinon c'est une seule personne normalement, Cédric. Alors là t'en cites des dizaines de milliers puisque tu cites carrément les départements, enfin les villes. Ouais. Après ils s'en branlent, hein, ils continuent. Non mais une personne, Cédric. Une personne. Ok, alors sois-y la bonne. Bonjour. Voilà, à Aurélie qui est en Seine-et-Marne dans le 77. Que t'as envie de pécho. J'arrive dans 4 heures. Que t'as envie de pécho. Ah non, franchement, elle, c'est une bonne amie. Et oui, voilà, t'inquiète, regarde, je te fais un clin d'œil. Tout va bien. Mais on a compris. Ne t'inquiète pas, c'est pas la peine qu'elle prépare le canapé. Voilà, ne t'inquiète pas, on embrasse Aurélie. Allez, salut Cédric, et bonne route, et brûlant. Okay, et bonne fête. Content, merci. Salut Céd, okay, à bientôt. Lamia, tu voulais dire un truc? Oui, je voulais faire une dédicace à mon à une seule personne, déjà. Un gros bisou à mon fils et à mon chéri, c'est tout. Eh ben voilà, donc ça en fait deux, Lamia, hein, bravo à toi. Hop là. Oui, mais c'était mignon. Oui, c'est vrai. Salut Lamia, salut Romé. Salut. Gros bisous à vous deux, à bientôt. Eh ben voilà, salut à vous. On aura Samuel aussi dans quelques minutes pour parler de Noël. Et puis la colle avec Thomas qu'on va faire maintenant avant de se faire les appels avec Toff. Là, t'es là, Thomas? Ouais. Très bien, on se fait la colle en speed là. Allez, c'est parti, je rappelle qu'on donne la réponse dans 30 minutes. Si vous pensez avoir la bonne réponse, eh bien vous repartirez peut-être avec votre Samsung Galaxy Tab 3. Il suffit tout simplement de répondre à la colle de Thomas. On t'écoute, Thomas. Alors, je bois de l'eau, mais je ne l'avale pas. Qui suis-je? Je bois de l'eau, mais je ne l'avale pas. Il y a Stéphane qui proposait un chameau. Non. Il y a Marc qui proposait un verre sur Facebook. Non. Un éléphant ou une bouteille. Non. Les toilettes. Non. Une carafe d'eau. Non. On proposait un arbre également. Non. Et Myriam qui dit bonsoir Mickaël, je pense que c'est un poisson. Non. Une vase ou une cruche pour l'énigme. Non. Une feuille essuie-tout ou du sopalin, c'est Alex. Non. Et on proposait également un nuage. Bon, c'est nuage ou pas? Non. Bon, bah voilà, bah il reste moins de 30 minutes là pour jouer. Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour les Belgiques par SMS. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer gratuitement sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Bon, bah Thomas, à tout de suite, on te reprend avant 22h pour peut-être t'offrir cette tablette. À tout à l'heure, Thomas. Ok, ça marche. Allez, à tout à l'heure. Et on va continuer maintenant, évidemment, avec les appels avec Toff, puisqu'on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas dire cunilingus, mais bien cunilinctus. Oui, c'est une erreur de traduction. Tout à fait. Voilà, donc du coup on fait un appel maintenant, là, direct. Hein. Bah on y va. Et je rappelle que si vous avez des numéros sympas à nous communiquer, n'hésitez pas, bien entendu. Hein, vous envoyez les numéros des gens qu'on peut appeler, des gens un peu nerveux éventuellement, ou en tout cas encore debout, encore levé, sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On y va, c'est parti. Allez. Allez, hop, on y va, c'est parti. Puis on écoutera tout à l'heure le son de Demi Lovato, Ion Light qui va arriver. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous pratiquiez le cunilingus. Un instant. Oui, je vous en prie. Oui, je n'ai pas bien compris. Oui, est-ce que vous pratiquez le cunilingus, madame? De quoi? Le cunilingus. Non, on ne connaît pas. Ah, vous ne connaissez pas? C'est quand vous lui léchez le clito, monsieur. Ah, oui, oui. Oui. Ah, donc, en fait, je vous appelais pour vous expliquer qu'il ne faut plus dire cunilingus maintenant. D'accord. Hein, il faut dire cunilinctus. Ah bon, d'accord. Voilà, hein, vous avez bien noté la différence? Oui, on va essayer. Eh ben très bien, monsieur, je vous remercie. Vous savez pas nous dire comment on fait? Si, vous prenez, en fait, votre mari, il prend sa langue, hein, et il vous lèche l'entrejambe. Ah, oui, c'est ça, d'accord. Voilà, et ça, c'est le cunilinctus. Ah oui. Voilà. On sait pas, vous savez pas venir faire une démonstration? Ah si, si vous voulez, madame, hein, y a pas de problème. Moi, je peux me déplacer, hein. Vous êtes libre quand? Ah, oh, ben, écoutez, on va dire au 1er janvier. Écoutez, 1er janvier, avec plaisir. Hein, on se dit pour le 4 heures, hein. On se mangera... Oui, on se recontacte, hein, monsieur. Bah, avec plaisir, madame. Allez, alors, une bonne soirée. Bah, vous aussi, hein. Au revoir. Hein, et vous n'essayez pas tant que je ne suis pas passé, hein. Non, je vous le promets. Eh ben, je vous remercie, madame. Une bonne soirée. Merci, au revoir, monsieur. Eh ben voilà, très bien, bonne affaire. Bah écoute. Hop, c'est ton premier regard pour 2014 eh ben, voilà, déjà. 2014 part sur les chapeaux de roue. Exactement, tiens. Je vais être bien. Eh ben voilà, on fera d'autres appels tout à l'heure. Les gars, n'oubliez pas qu'on est en 2013, les filles sont en point 4G. Tactile, plus rapide et sans pare-feu. Elles ont chaud au cul, qui d'ailleurs sont sponsorisées par McDonald's dès l'âge de 12 ans. C'est bon ça. Félicia qui dit tout le monde fait des généralités, mais il faut arrêter de voir que les cons. Si vous voyez que les cons, c'est que vous les cherchez. Ariel aussi qui dit il faut arrêter de croire qu'on peut changer quelqu'un. Si c'est un connard, c'est un connard et c'est tout. Oui, ah bah on le voit bien avec Toff. Shona également sur le Twitter qui dit il y a des gens qui sont sympas, mais comme on dit, trop bonne, trop conne. Megumi qui dit lol, Toff a sucé un clown ce soir. Bon, il a essayé, mais évidemment ça a raté. Et Nathan qui dit au fait, elle devient quoi flou, je l'avais presque oublié. Je vous souhaite un joyeux Noël par avance, c'est Xavier. Bah écoute, elle devient quoi? Je ne sais pas. C'est une auditrice. Flou, si tu nous écoutes, appelle-nous. Et Garance qui dit j'adore cette émission, je n'ai pas eu mon message de bienvenue depuis que je vous écoute. Comment ça se fait? Cause toujours enculé. Voilà, et Amélia qui dit lol, Toff qui explique le truc là et qui en plus veut faire une démo. Très fort. Oui, mais il a toujours un peu de chance. Encore que après, on n'a pas vu les modèles non plus. Hein. Ah oui, mais ça après, moi je suis pas regardant ça. Ah bah oui, mais bon. Déjà, si on veut de moi, c'est pas mal. C'est pas faux, effectivement. Samuel qui est avec nous maintenant de Paris. Salut Samuel. Salut Mickaël, ça va? Ça va bien? Ouais, toi? T'as enterré ta famille? Hein? T'as enterré ta famille? Non. Ah bon, d'accord. Non, mais c'était pour être sûr, hein, parce que là, il y a un excès de mollesse, là. Non, ça va, t'inquiète. Ah, si, il y a un petit excès de mollesse, là, quand même. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi t'es tout beau comme ça? Tu veux une patate? Non, ta gueule. Qui sont à côté, quoi, je peux. Ah, d'accord, ok, donc discrètement, très bien. Bon, toi, tu voulais parler de Noël, dis-moi. Bon, ouais, en fait, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais aller à Disney, en fait. Ouais. Mes parents et tout, et en fait, voilà, on va kiffer, on va aller à Disney, on va... Mais qui va kiffer, toi ou tes vieux? Bah, moi, et en fait, comme je suis non-voyant, donc ce qui fait qu'en fait, je peux sauter toutes les queues. Donc, ce qui fait qu'en fait, genre, je pourrais faire... Je ferai pas de vanne, promis. Je pourrais faire toutes les... Toutes les attractions. Voilà, en fait, genre tranquille, je pourrais... Genre je passe et tout, en fait, j'ai une carte et genre je dis, bon, ouais, je dois passer, tu vas passer, il y a tout le monde qui est derrière, qui attend 4 heures, puis moi je passe. Quel enculé, il est content. Par contre, tu vois, là où t'es, là où ils sont tous vengés, là où t'es puni, c'est que demain ils annoncent un temps de merde à Paris. Ah, bon ah ouais, il paraît qu'il va faire dégueulasse, hein. Paraît-il, après, je sais pas, on verra bien, hein. Mais ouais. Apparemment, ouais. Donc, bon, enfin, au final, c'est bien, parce que, tu sais, tu prends un parapluie, ouais, tu passes devant tout le monde quand même, quoi. Ouais, c'est sympa. Mais t'as déjà été? Ouais, bien sûr, je suis déjà allé, c'est trop d'accord, sympa. Et l'autre, il a un abonnement, il va toutes les semaines. Hop, toutes les semaines, bonjour, tu connais tous les gens des attractions et tout. Salut, okay. Ça va, Samuel, tranquille, pépère, ouais, ouais, elle est cool. Tu voulais dire, Sam? Est-ce que je peux balancer mon compte Twitter à l'antenne? Bah, si tu veux, ouais. Donc, c'est C-A-N-U-T-E-L 2013. C-A-N-U-T-E-L, Canutel. Ouais, Canutel 2013. Canutel 2013. Et tu vas faire comment le 31 décembre? Bah, il fera un nouveau compte. Non. Va falloir le changer. Ouais, je sais pas. Bah, ouais. Il va falloir le changer, évidemment. Hein. C'est comme les mecs qui avaient fait 2000. Ah, ouais, c'est ceux qui. Eh oui, exactement. Comme les sociétés qui avaient fait, tu sais, genre, Assurance 2000, j'en sais rien, Enseigne 2000, enfin bref, n'importe Europe quoi avec 2000. Ouais. À l'époque, on les faisait dans les années 90. Sauf que maintenant, si tu veux, c'est un peu vieillot, quoi. Ouais, parce que 2000, on est quand même 13 ans plus tard. 14 ans plus tard. 14 bientôt. Carrément. Ouais. Bon, Samuel, tu voulais dire quoi? Ouais, je vais savoir, j'ai deux choses. J'ai jamais eu mon message de bienvenue. Bah, ça, on va arranger ça tout de suite. Un bien sale, bien dégueulasse dans ta gueule. Attends, j'en ai un pas mal là. Oh, il dit, oh, ça fait longtemps, tiens. Hey, t'as mis au monde, t'as gratté sous ton front, connard. Voilà, le message de bienvenue, ça s'est fait. Est-ce que je pourrais gratter un petit cadeau ou pas? Bah, tu peux avoir un pack fun si tu veux. Un quoi? Un pack fun. C'est quoi? Bah, y'a rien dedans, c'est un truc vide, une enveloppe vide. C'est une boîte vide et y'a écrit pack fun dessus. Ou alors y'a le pack tough. Ouais, alors le pack celui-là, tough. Par contre, il est blindé. Ah bah, il est encore plus bivide. Mais que de saloperies. Ah, mais que des crasses. Il y a des morceaux de peau, y'a des morceaux d'ongles. Que des dégueulasseries dans le pack tough, effectivement. Non, on va te filer ça, tu vas découvrir, Samuel. On va t'envoyer chez Sandro au standard, d'accord? Ok, merci. Bon, salut à toi, à bientôt et bonne fête, Samuel. Merci toi aussi. Ciao à toi et je vous rappelle qu'on sera demain en direct hein, d'ailleurs à partir de 20h sur Fun Radio pour passer le réveillon avec vous. Il y a des messages qui sont arrivés d'ailleurs. Bah oui, mais en même temps, Toff est pas dans le détail. Au pire, c'est un ton, il s'en fout, on peut. Oui, ah mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Et le prince Nadia qui dit, Mickaël, je rappelle à Toff qu'une voyante lui avait prédit qu'il trouverait l'amour en fin d'année. Bon, il a déjà un rencard pour le 1er janvier. Oui, c'est ça. Et je rappelle que la même voyante avait dit qu'il partirait dans un pays chaud alors qu'il démentait. Ouais. Il disait non. Vrai, à l'époque, ça n'existait pas. Et au final, où pars-tu? En Égypte. Voilà. Pays chaud. Donc. Tiède. Pays donc, tiède. Ouais, tiède, ouais. C'était un truc qu'on était en train de faire du thé ou quoi. Donc, donc, comme quoi la voyante avait raison. Il y a Ariel qui dit, en temps polo dans sa tête, c'est moins pire que si qu'il s'essuie dessus. C'est vrai. Et Daoud Douida qui dit, la différence entre les différentes générations, c'est que maintenant, elle ne se cache plus, elle s'en salope, le montrer en son fier. Et Enzo qui dit aussi, toute ma famille vous écoute. Bah oui. Toute ma famille vous écoute, vous êtes juste énorme, continuez comme ça. Vive le Cunilinctus. Oui. On va faire des appels d'ailleurs avec Cunilinctus encore tout à l'heure. Et puis, on va se faire un petit chéri, je peux te faire cocu. Dans quelques minutes, sur Fun Radio, si vous voulez tenter de jouer avec nous, chérie, je peux te faire cocu, vous êtes les bienvenus, suffit simplement de nous envoyer, de nous appeler maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On va s'écouter le son de 2000 Vato dans un instant, Neon Lights. Et toujours la Samsung Galaxy Tab 3 à gagner sur le Facebook de l'émission. Venez nous rejoindre, on est quasiment 312 000 en 5 mois d'existence. Ah d'ailleurs, hier, ça faisait 5 mois qu'on était là. Ouais. On n'a pas fait de gâteau, Sandro, là. Oh merde. Oh putain. Merde. Oh, on a tout raté, là. Oh bah, bouffe un chocobon, tiens, pour la peine. Il faut rattraper. Hein. Bah, bien sûr, évidemment. Voilà, donc, en même pas 5 mois, pardon, déjà, 312 000 sur la page Facebook. Merci à vous, en tout cas, c'est cool. Continuez à venir pour gagner la Samsung Galaxy Tab 3 ce soir, faites un like et un partage sur la photo où je pose avec la Samsung Galaxy Tab 3 et si vous êtes tiré au sort avant minuit, je vous l'offre, c'est pas plus compliqué que ça et en plus le jeu est gratuit, vous n'avez donc rien à perdre. facebook.com/mikaelofficiel. On revient dans un instant avec Demi Lovato, sera Neon Lights. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël. Nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio avec le chéri, je peux te faire cocu qui va débarquer dans quelques minutes. Le prince Nadia aussi qui m'envoie son message. Moi, ma famille, c'est Mickaël Toff. Sandro Polo, c'est pour ça que demain soir je passerai la veille avec vous. Merci le prince Nadia. Angélique qui dit moi je lui fais un gros bisou à Toff, je l'adore, il me fait trop rire. Bon, heureusement que c'est ça. T'embrasse. Et alors, prince Nadia encore qui dit pitoyable, mais n'est pas digne de pitié, cette phrase qui est extrait d'un appel de Toff, trop bon. Oui, c'est vrai, c'est un appel, je sais plus lequel c'était, mais c'est un chouette appel, effectivement. Ouais. Demain, on sera là à partir de 20h. Oui. Pour réveillonner avec vous, on passe le réveillon de Noël en famille, c'est-à-dire avec vous. Donc si vous voulez, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. On va donner la réponse à la colle de Thomas. On va vous offrir aussi votre Samsung Galaxy Tab 3 si vous voulez le choper. On est plus de 312 000 sur le Facebook. Bah, venez nous rejoindre, hein, les autres, hein, ceux qui n'êtes pas encore dessus. Vous tapez M-I-K-L officiel en un mot sur le Facebook. Vous faites un like et puis bah si vous êtes tiré au sort, vous repartirez peut-être avec le Samsung Galaxy Tab 3. C'est la dernière tablette de chez Samsung. Voilà, je vous souhaite bonne chance. Le chéri, je peux te faire cocu, on va le faire aussi dans quelques minutes. Le temps d'écouter, bah comme promis, hein, le son de Demi Lovato maintenant, c'est Neon Light sur Fun Radio. Be still my heart, cause it's freaking out. Be still my heart, cause it's freaking out. Le son de Demi Lovato sur Fun Radio à l'instant, c'était Neon Lights. Bienvenue, hein, si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limit. On est même pas à la moitié d'émission. Non. Autant dire qu'il y a encore des trucs à faire. On fera d'autres appels avec Toff tout à l'heure. On vous mettra le canular avec le lion là. C'était du caviar celui-là. On va également reprendre Johan qui est avec nous là. Bonsoir Johan de Nancy. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va plutôt bien Johan. On parlera de quoi dans quelques minutes avec toi, dis-moi. Là c'est pour faire une déclaration d'amour. Non, oh, c'est trop choupignon. Oh, c'est mignon. Tu vois, bon, ça existe ouais. Encore l'amour. Attends, déclaration d'amour à qui? À ma copine. Oui, bah j'imagine. Enfin, je veux dire, elle est, t'es avec elle depuis combien de temps? En fait, je suis avec elle depuis hier et je n'ai pas encore avoué mes sentiments. Ah, t'es déjà avec elle, mais t'as pas encore avoué tes sentiments, c'est bien. C'est compliqué votre histoire encore. Bah non, c'est simple. C'est juste que t'as fait le truc dans le mauvais sens, mais c'est pas très grave. Après, le principal, c'est d'être avec elle. Ne lui dis pas. De mens lui, dis rien, mens lui. Parce que là, ah, si, non. Oh là, bon. Mec, mais tu vas donc. Alors là. Bon, laissons pisser le mouton. Ne bouge pas, Johan. On va l'appeler dans quelques minutes, d'accord? Ok. Bon, reste avec nous. On a toujours Georges là avec son truc dégueulasse, mais on attendra. La loi nous l'impose 10h30 avant de parler. Hein, c'est obligatoire. On a hâte. Merci le CSA de nous avoir mis la règle à 22h30. Hein. Du coup, Georges, faut attendre. Hein. Oui, nickel. Bon, très bien. 22h30. Hein. Sois sage. Non, mais très bien. Ah, bouge pas. Étoffe ton histoire. Ouais, voilà, je crois qu'ils aient étoffe ton histoire. Non, mais qu'est-ce tu vois, qui nous ramène des. Ouais, des réfléchis déjà à ton histoire et comment tu vas l'expliquer. Ouais. Il y aura Vanille également qu'on a eu hier soir, là, qui elle aussi voulait avouer ses sentiments à sa meilleure amie. T'es là, Vanille? Oui. Oui. Bonsoir. Très bien, bonsoir. Donc, comment? Bonsoir, Fun Radio. Eh ben, rebonsoir, Vanille. Rebonsoir. Bon, très bien. Et dis donc, ça tombe bien en plus, hein, t'as comme une femme qui aime les femmes, là. Tu savais que le cunilingus, ça se disait cunilingus normalement? Non. Ah bah non. Voilà. Tu le sais voilà. Maintenant. Exactement, maintenant tu le sais, exactement. Bon, on va appeler encore d'autres personnes. Toi, tu voulais qu'on appelle ta copine, toi, pour lui faire une déclaration également. Voilà. Sachant que là, ça risque d'être plus drôle parce que ta copine n'est pas lesbienne. Ben. Elle sait pas trop. Ouais, tu sais pas encore très bien, quoi. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, en tout cas, on va le découvrir. Voilà. Bon bah très bien. Bon alors reste avec nous Vanille, on va faire ça dans quelques minutes. Et avant ça, eh bien c'est l'heure du chéri, je peux te faire cocu. Avec Karine qui est avec nous, 18 ans. Salut Karine. Salut. Ça va Karine? Ça va et vous? Mais oui. Très très bien, toujours quand il y a un chéri, je peux te faire cocu. On fait ça tous les lundis. Bon d'habitude on fait ça vers 11h45. Bon là évidemment on a changé d'horaire pendant les vacances. Donc du coup on va le faire un peu plus tôt pour faire découvrir ce magnifique jeu. J'espère qu'il va fonctionner ce soir à de nouveaux auditeurs. Karine, alors on va faire un chéri, je peux te faire cocu. On va donc appeler ton mec. T'as vécu depuis combien de temps? 3 ans. Ok, ah déjà putain 18 ans t'es avec lui depuis que t'as 15 ans? Ouais. Bon, c'est pas très bien, c'est pas mal. Non mais c'est bien. Bon et donc on va lui faire un chéri, je peux te faire cocu. Le concept est très simple, donc tu vas soi-disant avoir rencontré un mec beau sous tout rapport, hein, Michel, moi-même donc. Et voilà, je t'ai proposé bien entendu de coucher avec toi juste un soir, hein, après on est pépère, hein, ouais. Juste un seul soir. Et donc toi, bah, comme t'es une meuf bien, tu vas lui demander l'autorisation. Ouais, ok. Normal, voilà. Bon, est-ce qu'il a des défauts physiques? Non, enfin il est un petit peu gros, on va dire. Il a grossi récemment ou pas? Ouais, voilà, c'est ça. Ah, très bien. Donc il a un peu de ventre? Il a un peu de ventre ou pas? Ouais, voilà, c'est surtout le ventre. Ah, alors attends, je note. Alors, il a du bide. Il a pas des problèmes de cheveux? Ouais, genre un chute des cheveux, non. Des oreilles décollées, tu sais, quelques défauts, non? Bon, quoi qu'avec bide, c'est bon, je peux faire mon affaire. Très bien. OK, comment il s'appelle? Steven. Waouh. Ok, très c'est bien. C'est un américain? Ok, moi je m'appellerai Michel. C'est Steven Michel. Avec un M. Yeah, Michel. Comme motherfucker. Yeah, motherfucker. Michel, c'est très bien. Bon, alors, on va donc l'appeler maintenant. Hein. Tu vas lui. T'es où là maintenant? T'es chez toi? C'est moi. Et lui, il est où? Bah, je crois qu'il est rentré du boulot, je crois qu'il est chez lui. D'accord, donc vous habitez pas ensemble? Non. Parfait, donc on va dire que t'es chez moi, Karine, d'accord? Ouais. Comme ça on est tranquille, si jamais il pète une durite, il pourra pas te trouver pour venir te tuer, tu vois, par exemple. C'est tant que jamais, mieux vaut prévenir. Donc on va dire que t'es chez moi et puis bah on va y aller, on va le rendre fou un petit peu. Si jamais tu joues, tu gères bien, on te file une tablette numérique Samsung, d'accord ? D'accord. Bon, donc sois bonne, d'accord ? Ouais. Bon d'ailleurs accessoirement tu ressembles à quoi ? Parce que si je suis censé avoir envie de coucher avec toi, faut quand même que je sache à minima à quoi tu ressembles. T'as les cheveux de quelle couleur ? J'ai les cheveux noirs. Ok, ouais. Les yeux ? Marron. Marron, d'accord. Okay. Et combien mesures-tu ? Non, bon, on s'en fout, c'est dans le détail. Je... Combien pèses-tu ? 60 kilos. Quel est ton tour de poitrine ? Je sais pas. À peu près, comment à peu ça près. Genre, t'achètes jamais de soutif ? Je sais vraiment pas. Attends, pose le téléphone sur tes seins. Bah, viens. C'est bon ? Ouais, c'est bon. C'est du 95C. À peu près. Non. Si, si, ouais, à la louche. Ça, ouais, c'est ça, c'est sûr. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté ? Hein ? La taille du dernier pantalon que tu as acheté ? 38. Ah ouais. D'accord, ok, bonne. Mais c'est bien parce que je devrais pas forcément bonne. Imaginer le dossier. Bonne. Bonne. Oh, l'autre il est en chien là. Qu'est-ce qu'elle est bonne ? Qu'est-ce qu'elle est bonne ? Bon, très bien, comme ça j'aurais pas trop de mal à m'imaginer le corps. Bon, Karine, on y va, on l'appelle, sois bonne, sois douée, bien entendu, ça, je compte sur déjà toi. Bonne, ouais, non mais d'accord, mais bon, dans le jeu je parle. Ah, et puis bah, donc on n'oublie pas qu'on est chez moi, je vais certainement mal te parler, ne t'inquiète pas, c'est gentil. Hein. C'est de l'amour, c'est l'amour de Michel. Hein, si je te dis, va me chercher à boire, connasse, tout ça, etc. Bien entendu, tu es totalement soumise à moi. Hein, ça va l'énerver encore plus. Et puis moi, ça va m'exciter un peu. D'accord. Ok, Karine. Ouais. Bon, allez, c'est parti. Ouais. Allez, on y va, on l'appelle. Ok, Steven, come on. On arrive là. Allez. Et un message qui est trop bien votre émission. Je vous kiffe. Un méchant coup de pelle pour Toff. D'accord. Voilà, il l'a eu. Merci. Allez, donc là, il nous entend plus. En espérant que ça décroche. Allô ? Parfait. Coucou. Allô ? Allô ? Ouais. Pourquoi tu m'appelles en masqué ? Pourquoi tu m'appelles en masqué ? Ah, ça va ? Ouais, tu fais quoi là ? Ouais, je viens de rentrer du boulot. Oh, en fait, je voulais savoir. En fait, là, je suis chez un ami. En fait, bah, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Mais en fait, il m'a demandé de coucher avec lui. Mais je préfère demander avant tout. T'as dit quoi là ? Bah, j'ai rencontré. Il s'appelle Michel. C'est un très beau garçon. Il est très gentil et tout. Mais il m'a proposé de coucher avec lui et je préfère te demander avant. Ah mais qu'est-ce que tu me racontes là ? Ah bah qu'est-ce qu'il dit ? Attends, c'est qui derrière là ? Il est d'accord ou pas ? Et Michel, bah je vous laisse parler. Tu lui as demandé ou pas ? Parce que moi j'arrive pas comme ça comme un cheveu dans la soupe. Oui, je l'ai demandé. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est qui là ? Qu'est-ce qu'il dit ? Tu peux ou pas ? Mais oui, tu peux, évidemment. Mais t'es cinglé ou quoi ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Oh ! Allô ? Je peux coucher avec lui ou pas ? Dis-moi. Mais oui, évidemment que tu peux. Attends, tu me racontes quoi, là ? Eh, j'ai pas le temps, dis-moi vite, là. Je faut que je me déshabille et tout, là. Attends, je boulot. Non mais qu'est-ce qu'il dit ? Tes histoires, mais c'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il a dit oui ! Ah, il dit oui ! Ah bah, génial ! Attends, passe-le-moi, je vais le remercier. Où là ? Attends. C'est lui là. Attends, mais passe-le-moi, je vais le remercier. Allô ? Oui, allô ? Salut, ça va ? Eh, merci beaucoup, hein. C'est qui là ? C'est Michel. Et toi, t'es qui ? C'est son copain. Ah bah, enchanté. Mais merci beaucoup, hein. De quoi, merci ? Ah bah, elle m'a dit que t'étais d'accord qu'on couche ensemble, donc je te remercie. Mais c'est n'importe quoi, mais n'importe quoi, quoi. Bah, comment ça ? Non, mais parce qu'en fait, on s'est rencontrés, et on sait plus, moi, je savais pas qu'elle était avec quelqu'un, hein, tu comprends, hein. Bon, ta copine, elle est mignonne, c'est vrai, elle est mignonne. Donc du coup, moi, évidemment, moi, je suis arrivé, j'ai commencé à lui parler, elle m'a dit, ah, ben, j'ai un mec, et je lui ai dit, écoute, de toute façon, moi, je m'en fous, je suis pas de la région. Donc, moi, j'ai proposé un truc, elle m'a dit, bah, écoute, non, moi, j'ai un copain, donc je lui ai dit, bah, appelle-le, propose-lui, demande-lui s'il est d'accord. Donc, je m'attendais pas à ce que ça marche, j'avoue, mais là, je suis quand même surpris, donc c'est bien. Mais attends, toi, tu viens d'où, toi ? De la campagne, c'est ça ? De la campagne, comment ça, de la campagne ? Tu dis que t'es pas de la région. Oui, bah, je suis pas de Paris, quoi, je suis pas dans la région parisienne. Mais tu t'habites où ? Bah, pourquoi faire ? Bah, là, je suis à l'hôtel. Là, je suis à l'hôtel. Quel hôtel ? Bah, comment ça, quel hôtel ? Pourquoi faire ? Ah, mais moi, je veux pas faire un plan à trois, hein. mais tu vas voir toi. Fais le malin. Non mais je fais pas le malin, mais comment je comprends pas pourquoi tu veux l'adresse de l'hôtel. Va voir toi. Bah oui, mais pourquoi tu veux l'adresse de l'hôtel? Ah, je suis après. Non, bah attends, j'allais la ramener, hein. Non, mais je vais venir, t'inquiète pas. Non, mais pourquoi faire? Non, je vais te niquer ta race, tu vas voir. Bon, enfin, je comprends pas. Pourquoi? Bah, attends, mais moi, je lui propose de coucher avec moi. Elle te demande, tu dis oui, mais non, tu veux me niquer la race. Non, mais t'inquiète, tu vas voir. C'est quoi? Je vais vous faire de vous deux, mes putes. Comment? Bon, enfin, un peu de respect, dis-moi, moi, je vous ai rien fait, monsieur. Ouais, comment vous appelez? Tu t'appelles comment? Oh! Je m'appelle Steven. Steven? Tu viens de la série là, Beverly Hills? Ouais, c'est ça. C'est bien Steven? C'est ça, ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas mal. Bon, alors, attends, deux secondes. Bon, Karine! Oui? Bon, écoute, il est plutôt sympathique, hein? Ouais, je sais. Il est plutôt sympathique. Dis-moi, pendant que je continue à discuter avec lui, est-ce que tu pourrais me faire un petit truc à bouffer là, en speed? Oui, je pourrais te faire ça. Attends, j'enfile juste mon pantalon et j'y vais. Bah, regarde dans le frigo, il doit rester un truc, ou dans le minibar. Ouais, c'est ça, ouais. Ou alors t'appelles Ou t'appelles le room service. Elle est belle la vie, hein, elle est ouais, belle. Ouais, je l'appelle. Mais bon, bah, mine-toi, on va pas attendre deux heures, là, moi j'ai faim. J'arrive. Ouais, bah, dépêche-toi, là. Rien du tout. Oh, qu'elle est gourde. Oh, qu'est-ce qu'elle est gourde. Bon. Bon, bah, écoute, bah, voilà, donc ça va bien. Bah, d'ici, à mon avis, j'ai fini mon affaire dans une heure, hein. Ouais, c'est ça. Non, le temps de manger un petit truc. Mais dis-moi. Allô? Allô? Oui, dis-moi, comme le feeling passe bien, maintenant qu'elle est partie de l'autre côté de la chambre, tant plus trop, est-ce qu'il y a des trucs sexuellement qu'elle n'aime pas? Non, mais j'en ai rien à foutre, tu vas voir. Comment ça, je comprends pas. Non, mais c'est parce que je veux pas non plus arriver comme un goujat. Moi, j'aimerais bien que que ce soit bien fait, tu vois. Comme en plus, j'aurais droit qu'à une seule chance. C'est bien, c'est pas de beau malin. Mais je fais pas le beau, je te demande simplement, moi c'est pour faire plaisir à ta copine. Tout de suite tu le prends mal, c'est incroyable ça quand même. Allô? Non, je crois qu'il est parti. Ah, oui, bah oui, là il est parti. Mais... Ouais, dis donc Karine. Ouais. Il s'énerve. Il a quand même dit qu'il ferait de nous ses putains. il est chaud. Hein. Bah attends, je le rappelle, je vais un peu l'énerver encore un petit peu là. Attends, bouge pas Karine. Hein. Ouais, il a mérité. Il va me chercher à bouffer Karine, j'ai faim. Mais vite. D'accord. Allez. Attends que je vais être sa putain. Écoute très bien, on va savoir ce qu'il va me proposer. Allez hop, on le rappelle. Alors... Bon, je vais faire le coup d'où on a été coupé. Ouais, ça marche toujours bien. Ouais. Enfin, pour ces fous qui décrochent. Ce qui n'a pas l'air d'être gagné comme ça tout de suite. Ah, il fait... Oh putain, le relou. Oh Camille, Karine, on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. Bon, on rappelle. Allez. Ah, il est vénère. Allez, Steven, va pas nous mettre dans la merde là quand même. Bon, sinon, t'auras perdu ton mec, Karine. Hein. Bon, c'est pas grave, je t'en trouverai un an. Bon, super. Allez. Ou alors il a peur de moi. C'est peut-être ça. Hein, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Michel qui lui fait peur. Bah oui, c'est ça, il doit avoir peur. Bah, il veut pas de toi, Karine. Il veut plus de toi. Ah bah merde. Ah bah oui. Oh merde. Bon, c'est pas grave, hein, au pire, on le rappelle dans quelques minutes, Karine. On n'est pas à 30 secondes. Hein. Je le rappelle quand même encore un coup, on sait jamais. Et puis on va donner la réponse à la colle aussi, direct là. Allez. Oh qu'il est relou. J'espère qu'il n'a pas débarqué chez toi Karine hein. Ouais, j'espère pas. Bah enfin, en même temps on lui dit qu'on était à l'hôtel, donc normalement ça devrait bien se passer. Ah ouais. Bon Karine. Ouais. Merde. Ah là il m'a raccroché au nez là carrément, parce que sinon il veut plus me parler hein. Bon, on va laisser pisser deux secondes, le temps qu'il se calme un peu. On va reprendre Thomas en attendant. Karine, ne bouge pas de là, on va le faire, le chéri je peux te faire conquer en deux parties là. On va récupérer Thomas et on va filer la tablette comme promis. Allez, c'est parti, Thomas t'es là? Ouais. Très bien, on va appeler maintenant le gagnant ou la gagnante éventuelle. Je rappelle que si la personne qu'on appelle maintenant décroche et répond correctement à la question que je vais lui poser, eh bien il gagne et tu perdras. Si jamais ça ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, c'est toi qui gagne Thomas, d'accord? Ouais. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant. Je rappelle que t'as posé une colle depuis 20h ce soir et que on appelle le gagnant maintenant. J'avais dit avant 22h, bon, il est 22h04, on n'est pas non plus super méga en retard. C'est parti, et on écoutera aussi le son. Allô, allô, bonjour, comment tu t'appelles? C'est oui. Mickaël, t'es en direct sur Fun. Oui, c'est Mathieu. Salut Mathieu. Bon Mathieu, il y a Thomas qui a une colle à te poser. Oui, j'écoute. Alors, dis-moi, tu es de Corse? Non, non, du tout. Ah, très bien, voilà. Vas-y, vas-y Thomas. Je bois de l'eau, mais je ne l'avale pas. Qui suis-je? Je bois de l'eau, mais je n'avale pas. Qui suis-je? Une éponge. Ouais. Ah, merde, ouais Thomas. Eh ben voilà. Bravo Mathieu. Michel, merci. Ah non, c'est Michel. Michel, c'est dans le sketch. Mais non, Mathieu, c'est rien, c'est pas grave. Bon, bah la tablette est pour toi, on va te filer ça au standard. Tu restes avec nous, on va prendre toutes tes coordonnées, d'accord? C'est gentil, merci à vous. Avec plaisir, bonne fête à toi, à bientôt Mathieu. À bientôt, ça salut. Va. Et Thomas, bah désolé, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, tu retentes ta chance quand tu veux. Oh, je sais pas, je suis pas rageux. Bon, bah tant mieux, alors c'est le principal, ça roule. Salut à toi Thomas. Salut, joyeux Noël. Eh bah, joyeux Noël à toi également Thomas, à bientôt. Hein. Bientôt. Salut Thomas, je rappelle qu'on sera là demain aussi pour le soir de Noël. Le réveillon, on le passe avec vous à partir de 20h sur Fun Radio. Et puis on va faire la suite du chéri, je peux te faire cocu maintenant. En tout cas, on va essayer. Hein. Karine ? Oui ? T'as pas eu de nouvelles ? Il t'a pas envoyé de texto ni rien ? Non, rien du tout. Bon, eh ben écoute, bon, on va le rappeler. Hein. Allez, c'est parti, on le rappelle. Sinon, on le rappellera encore une fois après la pub. On va bien finir par la voir, un moment ou à l'autre. Hein. En tout cas, j'espère pour toi. Donc tu seras officiellement célibataire. Je suis libre. Voilà. On pourra officiellement te remettre sur le marché. Tout à fait. Oh, ok, c'est classe, ça. Te remettre sur le marché. On fera le oh, merde. Bonjour. Oh là, il a carrément coupé le téléphone, Karine. Alors, c'est parfait, ça. Oh merde. Attends, je réessaye encore un petit coup quand même. On sait jamais que ce soit qu'ils sont en train d'appeler quelqu'un. Bon, alors attends, Karine. Je sens que ça pue. Ah bah, t'es célibataire, Karine, ma chérie. Ouais. Ouais. Bah, tu vas pouvoir t'inscrire au pôle amour. Eh bah, voilà. Non, mais... Karine, envoie-lui un texto et dis-lui que t'as un problème de téléphone et c'est pour ça que tu essaies de l'appeler avec un numéro masqué. Oui, voilà. Peut-être qu'il est en train de tilter là-dessus. Tu lui envoies un texto et tu lui dis c'est bon chéri, c'est fini, on a déjà baisé. Ouais. Tu peux décrocher. Non. Envoie-lui un SMS. Par contre, si t'appelles, tu ne décroches pas, Karine. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Donc tu lui dis, t'envoies un petit SMS c'est et tu lui dis voilà, machin, j'essaie de te joindre, vas-y, décroche, faut vraiment que je te parle, ok? D'accord. Bon. Je suis ta petite pute. Voilà, c'est ça. Bravo, c'est ça. Il va être content, tiens, comme ça. Bon, on écoutera aussi dans un instant. Dit, hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Le son d'Eminem avec Rihanna de Monsters sur Fun Radio. Ça, c'est ce qui va débarquer. Et puis, on va rappeler la suite du chéri, je peux te faire cocu dans un petit instant. Yannès qui dit Steven est sorti chercher à l'hôtel, peut-être, c'est pour ça qu'il décroche plus. Bah non, heureusement, je lui ai pas donné de nom ni d'adresse. Et Brian qui dit salut l'équipe de Mickaël, je vous écoute tous les soirs, vous déchirez, j'ai une petite question à poser. Serait-il possible de passer un soir au studio de Fun pendant les vacances de Noël? Franchement, ce serait cool. Bah non, là, Brian, pour le coup, non, parce qu'on sera de retour après. Là, on fait la dernière demain soir, on passe le réveillon avec vous. Et puis, on prend quelques jours. Et puis, quand on revient, bah, ce sera plus les vacances de Noël. Donc, tu peux venir après si tu veux, mais pendant les vacances, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et Mister Steven qui dit Polo, il a le flair pour trouver le tour de poitrine. Mais oui, ouais, il est fort ce Polo. Il a le nez. Allez, restez avec nous. On revient dans quelques instants en direct sur Fun Radio. On est là également demain soir à partir de 20h pour passer le réveillon avec vous. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël, No Limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France, il est 22h08, la suite du chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. On aura aussi, je vous l'avais promis, l'ardif du canular avec le lion, là, vous l'aviez demandé tout à l'heure là sur le Twitter, on va vous le remettre évidemment avec plaisir. Et puis bah j'espère qu'on va réussir à joindre quelqu'un là avec Karine pour le chéri, je peux te faire cocu. T'imagines, la meuf est célibataire après. La pauvre. Alors qu'ils sont ensemble depuis 3 ans. Oh. Truc qu'on a pas du tout foutu le bordel, tiens, c'est parfait ça. Bon, ça va aller. Karine, t'as envoyé le SMS ? Ouais, j'ai envoyé. Il a répondu ? Va te faire enculer. Il a pas encore répondu. Bon, bah écoute, on va croiser les doigts. Hein. Ouais. Bah oui, t'inquiète pas, sinon je t'enverrai le service après-vente, Tof. Oui. Mais le service après-vente, c'est comme quand t'achètes une télé ou une voiture. Le service après-vente, la voiture de remplacement est toujours pourrie. Hein. Ouais. Voilà, donc je t'enverrai Tof en attendant. Mais au moins, elle aura un truc de remplacement. Oh, génial. Mais pourri. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, Karine, reste avec nous. On va prendre Georges également. Il y aura Vanny, il y aura Johan. Et puis, bah, on va se faire aussi, je vous l'avais promis, le son de Eminem et Rihanna sur Fun Radio. On écoute ça maintenant. C'est de Monster. On est là de 20h à minuit sur Fun Radio. C'est Mickaël, No Limit. Prévenez vos potes. Il se passe enfin quelque chose sur Fun Radio. Il y a enfin quelque chose à la radio. Eminem et Rihanna, on écoute ça maintenant. I'm friends with the monster, the son of my bed. Eminem et Rihanna sur Fun Radio, c'était de Monster. Et puis restez là, je vous cale aussi dans quelques minutes le nouveau son de Basto, le DJ belge avec Keep on Rocking. Et puis bien entendu, un de mes sons préférés que je vous cale aussi dans quelques minutes, ça ce sera le son de Happy. Histoire de se mettre de bonne humeur, hein. Hein, Karine ? Ouais. Ah, comme ça quand tu seras célibataire, t'entendras ça et tu vas repenser à nous. Hein, voilà, mais oui, t'inquiète. Bon, pour ceux qui viennent de débarquer, donc on l'a fait le chéri, je peux te faire cocu juste avant là avec Karine. On a essayé d'appeler son mec, on l'a eu, hein, ça de ce côté-là, on l'a bien eu. Il a dit qu'il ferait de nous ses putains. Ça c'était bon. De mais vous oui. Deux. Oui, oui, c'est ça. Donc Karine et moi, nous allons être ces putains. Et il a raccroché depuis, on n'arrive plus à le joindre. On tombait sur son répondeur avant, ça sonnait. Et bah on l'a essayé juste avant la pub. Et c'était plus le répondeur. Enfin, c'était plus, ça sonnait plus du tout. C'était le répondeur direct. Je t'avais demandé de lui envoyer un SMS. Est-ce qu'il y a eu du neuf, Karine? Oui, oui, il m'a répondu. Il m'a dit en fait, ils étaient attendus prendre ta voiture pour nous rejoindre. Non, mais il est con, il sait pas où on est. Putain. Oui, bon, c'est ça. On le rappelle. Attends, je vais le rappeler. Bon, on rappelle-le, puis moi je suis derrière. Attends. Ah, moi, je dois le rappeler? Ouais, non, mais on l'appelle nous, mais je veux dire, c'est toi qui parle. Ah. Et puis moi, je suis derrière. Je vais jouer le rageux. Allô? Allô? Pourquoi t'as raccroché tout à l'heure? Bah, je vais venir chez toi. Je vais tout dire à ta mère, tu vas voir. Eh, hey, dis-lui que je vais m'énerver, hein! Dis-lui que je vais m'énerver s'il raccroche encore une fois au nez, comme ça, là! Ferme ta gueule, toi! Ferme ta gueule avec ta voix! Sans déconner, là! Qui a à se faire foutre déjà qu'il a du bide, hein, gros porc! Ouais, on va voir si j'ai du bide, on va voir! Ah ouais, arrête, elle me l'a dit que t'étais tout gros là maintenant là, arrête un peu ton cinéma là. C'est pas pour toi, derrière ton téléphone hein. Quoi? Attends, je t'entends mal. Allô? C'est bien ta tapette hein. De quoi? C'est bien ta tapette derrière ton téléphone hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête ton cinéma là. C'est pas parce que t'as un peu de bide et tout là, tu te la ramènes. Ah, non. C'est une tapette ou quoi? C'est une tapette. Mais non, mais ça n'a rien à voir, attends. Mais ça n'a rien à voir, c'est celui qui dit qu'il est. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est celui qui dit qu'il est. Alors, c'est toi qui est une tapette? Moi, je suis une tapette. Bah, il paraît, ouais. Il paraît que ceux qui ont des gros bides, ils ont c'est des tapettes. Ouais, mon cul, ouais. Ah, bah, tu vois, c'est toi qui parle de cul, donc c'est bien la preuve, hein. C'est celui qui dit qu'il est. Ouais, mais t'inquiète. Bah, je m'inquiète pas, moi, tout va bien. Moi, t'inquiète pas, moi, je vais passer une bonne soirée, là. Enfin, une bonne soirée, ouais. Non, mais c'est bon, arrête de parler. Dis donc, c'était toi qui me raccroche au nez, moi je te rappelle, tu décroches plus et tout, en plus t'es impoli, en plus d'être gros t'es impoli. Et alors? Et alors voilà, moi je voulais juste te faire la réflexion. Déjà déjà n'oublie pas que je suis plus âgé que toi, tu me donnes respect, hein, ça c'est la première chose, hein. Hop, ça y est c'est fait. Tu me connais même pas et tu me parles. Bah ouais je te parle, mais c'est normal, on va partager la même meuf pendant une heure, il faut bien que je connaisse un peu. Déjà que je te demande la service, je te demande ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime pas, déjà t'es pas foutu de répondre. Ou alors c'est parce que tu la connais pas, c'est ça le problème. Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? C'est ça, tu la connais pas, t'as jamais couché avec elle, hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? T'as jamais couché avec elle? Elle t'arrivera à rouler avec le grand ventre? Hein? Allô? Non mais ferme ta gueule. Non mais ouais. Moi je te fais une vanne, tu rigoles même pas, putain on est entre brothers, tu vois, entre frères quoi. Hein? Elle est où là? Elle est où Karine? Elle est aux toilettes. Pourquoi? Non mais elle va voir. Elle va voir quoi? Ah elle va voir le petit oiseau, ça je te confirme. Vous deux vous allez voir. Non moi tu vas rien voir, tu sais même pas où je suis, qu'est-ce que tu racontes? Ah mais t'inquiète pas, je sais, je vais te retrouver, tu vas voir. Mais tu vas rien retrouver quoi du tout, tu sais même pas où on est à un hôtel, il y en a plein des hôtels. En plus on est sur Paris, alors je t'explique même pas comment il y en a beaucoup des hôtels. Hein. Non mais arrête de mentir, je sais où elle est à la maison. Mais qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi. Bon attends, Karine. Oh là là, putain, attends, elle est chouette. Attends, je vais voir où elle est là. Ah, Karine. Oui. Tiens, bah, je te repasse Steven là. Ok. Bon, on s'est mis d'accord, hein. C'était pas facile, mais on s'est mis d'accord. D'accord. Allô? Allô? Allô? Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais c'est quoi ces histoires de dingue là? Mais je te demande juste si je peux coucher avec lui. Oh Karine, c'est bon, tu vas pas lui reposer la question 100 fois là. Ça donc sert c'est à rien, ok, là. C'est bon. Hey ça va bien. Oh ça y est, tu t'as cru que c'était noir, oh et ça y est. Bah attends, c'est Noël, j'ai bien le droit de me changer les idées et tout, non? En plus, j'avais ton cadeau, et là, c'est bon, là. Oh ton cadeau, c'est ton cadeau, maintenant. Ah, moi, je vais lui faire un gros cadeau, hein. Elle va s'en souvenir, hein. Et puis moi, je pourrais aller au bout des choses, hein, j'ai pas de gros ventre. Ouais, ouais, dis-lui de fermer sa gueule, lui, hein. Hé hey Karine, hé hey. Je suis là. Ouais, bah, réponds quand je te parle, là, on dirait une paysanne. Pourquoi il y a du bruit derrière, là? Hé hey. Parce qu'on est à l'hôtel. Oh! T'as à quel hôtel? sur Paris. Oh, eh, lui dis pas, il va venir squatter la chambre. Moi, je partage pas. Je vais lui niquer sa mère et à toi aussi avec. Hey. Je t'ai juste appelé pour demander si je pouvais coucher avec lui. Je t'ai pas dit de venir nous niquer ou quoi que ce soit. Hein, pourquoi tu vas pas faire ta pute au bois de Boulogne? Oh, qu'il est con. Oh, qu'il est relou. C'est ce que tu veux, c'est ça? Oh, tu t'emballes un peu, là. Non, mais toi, je t'ai pas parlé, toi. Non, mais moi, je te parle. Bon, écoute. Non, mais attends. Écoute, mon frère, attends une seconde. On va faire un deal. Allô? Allô? Bon, on fait un deal. Allô? Allô? C'est quoi le deal? Ah voilà. Bon, alors écoute, je ne touche pas à ta copine et tu me présentes tes excuses. Mais t'es cinglé ou quoi? Bah pourquoi? Je comprends pas. Là, tu l'emmènes à l'hôtel et c'est quoi ça? Tu veux que je m'excuse? Non mais tu t'excuses parce que tu m'as quand même insulté, donc tu vois, tu t'excuses et voilà, je la ramène chez elle, je fais rien, on se fait une bise sur la joue et basta. Ou alors, et toi, tu trouves pas que t'es irrespectueux là, envers nous? Ah bah non. Ouais, tu te tapes ma meuf comme ça, mais c'est quoi ça? Mais j'ai rien fait, au contraire, je te dis voilà, tu t'excuses et je la ramène et voilà, tout va bien, c'est gentil, c'est génial et joyeux Noël. En plus, regarde, j'arrive à imiter le Père Noël, attends. Oh, oh, oh, oh. Alors? Hein? Allô? Allô? Bah c'est pas mal, non? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, alors tu t'excuses? Non, je m'excuse pas. Non, tu dis, voilà, Michel, je m'excuse. Bon, bah voilà, après c'est fini, j'accepte ou je refuse tes excuses. Et après, je ramène ta meuf, je ne fais rien, tout va bien, vous passez un joyeux Noël, tu lui offres ton petit cadeau, elle t'offre son petit cadeau, et puis mettez une cartouche et tout va bien. Moi, je m'excuse pas au téléphone, moi. Bah si, vas-y, et puis voilà, et puis on va pas... Non mais vas-y, excuse-toi. Non mais je m'excuserai si je te vois en face, tu vas voir. Mais non, parce que tu vas faire le malin, je vais te mettre par terre, et au final tu vas être là pour passer Noël avec un œil au beurre noir, c'est ridicule. Non. Tu vas voir si tu vas me mettre par terre. Mais évidemment que je vais te mettre par terre. Ouais. Tu sais pas qui tu parles. On m'appelle Big Michel. Allô? Mais tu me connais pas, c'est bon, allez. Mais justement, bon, tu t'excuses et je la ramène et puis voilà, c'est fini. Ou alors tu vas faire ton kéké là, il va falloir absolument que t'aies le dernier mot, gna gna gna gna gna gna, au risque que ta meuf te trompe. C'est quand même incroyable. Elle m'a déjà trompé de toute façon. Non. Ah, tu m'avais pas dit ça, Karine. De quoi? Eh bah bravo, hein. Eh bah félicitations, dis donc. Tout ce que tu mérites, c'est ça. Le pauvre, dis donc, Karine, ça se fait pas. Bon, Steven, oui. Allô? Oui. T'avais quoi comme cadeau pour elle? Un sac. Oh, ta merde, je viens de me rendre compte que j'ai tué le cadeau. Putain, quel con. Merde, putain, je suis vraiment un con. Bon, Steven, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Ouais, désolé. Franchement, je suis désolé. Désolé pour le sac. Je suis désolé. J'ai vraiment pas fait exprès. Je croyais qu'il allait me dire, va te faire enculer, ou tu vois. Mais oui, t'es sérieux, t'es sur Fun Radio, ben Steven. Oui. Ben oui. C'était le chéri, je peux te faire cocu. Viens faire les cons, hein. Bah ben oui, là, ouais. Désolé pour le cadeau, Steven, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Je te jure que je voulais pas le faire. Mais ça va, t'as encore le temps d'aller changer jusqu'à demain. Ouais, voilà, éventuellement, ouais. En plus, elle le mérite pas, elle t'a déjà trompé. Ben Karine, viens ici. Au pied. Scandaleux. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, j'appréhendais à ce qui allait se passer maintenant, là. C'est-à-dire? Je pensais qu'on était vraiment à l'hôtel. Voilà. Ah écoute, ça a failli, hein, parce qu'elle était chaude comme une baraque à frites. Et c'est moi qui l'ai calmé. J'ai dû mettre l'extincteur et tout le bordel pour arrêter ça, hein, parce que c'était le feu entre les jambes. Hein. Ouais. Ah bah je te le dis, moi. Ouais. Ah je te le dis, hein, je te le dis. Bon, Karine. Oui. Ce soir, congélateur. Ouais. Et t'as prévu un cadeau au moins pour Steven là. J'ai quoi? T'as prévu un cadeau? Oui. Ah oui, d'accord, te casse pas, on l'a compris. Oh, bon, eh ben bravo, eh ben bravo, eh ben bravo, eh ben félicitations, tiens. Vous faites quoi pour Noël tous les deux? Ben on se sépare. On va dîner, hein, je crois. Ah, je crois, bah écoute, très bien. Bon, bah Steven, en gros, si tu fais rien, il se passe pas grand chose au final, hein. Il va falloir bosser. Bon, on vous offre la tablette du coup. Bon, on va te l'offrir à toi, Steven. Hein, ouais. C'est toi qui as le plus morflé, c'est toi qui fais tout apparemment, là, pendant que Karine, elle ne fait rien du tout. Donc, Steven, la tablette, elle est pour toi, d'accord? D'accord. Bon, allez, joyeux Noël quand même, hein. Oh. Allez, avec plaisir. Salut à vous, à bientôt. Ciao à vous, tous les deux. Bye bye. Ciao, ciao. Oh là là là là là là là là là là là. Bon, désolé encore pour le 5, hein. Vraiment, je m'en fais exprès, hein. Ouais. Non, vraiment, je suis arrivé là, je me suis dit, l'erreur, quoi. Mais tu crois que c'est un plastic bag? Je crois pas, non, parce qu'il y a que toi qui a des mauvais goûts comme celui-là. Ah, hein. Ouais. je pense que c'est clair et net, ça. Bon, retour dans quelques minutes avec, avec Vanille, avec Georges également, qui va pouvoir enfin nous raconter son histoire dans 5 minutes. Il sera 22h30. Et puis, Johan également, qui voulait faire une déclaration à sa copine avec qui il est depuis hier. Je sais pas pourquoi il veut faire une déclaration alors qu'il est déjà avec elle. Mec. Mais c'est pas grave. Il y a Juliette qui dit les hey oh de Mickaël, les meilleurs morts de rire. Oh, on fait ce qu'on peut. Hein. Ayoub aussi qui dit je touche pas à ta copine si tu t'excuses, juste épique. Non, mais c'est vrai. C'est ça qui est dingue. C'est que le mec préfère risquer que je couche avec sa meuf plutôt que de se rabaisser à dire bon, allez, vas-y, c'est bon, je m'excuse. Hop, on oublie cette histoire. Non, non, non, le mec, il lâche pas l'affaire. Hein. Maëva aussi qui dit Maëva fan de Fun Radio. Ah, Mickaël, tu me tues, j'en peux plus, je suis plié en deux, je vais réveiller mon petit frère si je continue. Selena qui dit putain, vous êtes dingue. Il y a Clem qui dit hey, oh, le magique, évidemment. Ness qui dit aussi qui aime bien le VO. Il y a Blonde Belge aussi qui dit mort de rire, c'est trop bon. Et Kent DR qui dit quand on a Mickaël, on ne peut plus s'en passer. Écoutez Mickaël No Limite sur Fun Radio, ajoutez Mickaël et papotez. Bah oui, vous pouvez faire, il n'y a aucun problème, vous êtes les bienvenus. Et Jinka aussi qui dit Mickaël ou l'art d'énerver les gens, tu vas trop loin là, il va raccrocher, prendre sa voiture et venir à Fun. Non, Yvan, il peut pas, il savait pas que c'était fun. Bon, on va remettre le canular aussi tout à l'heure avec l'histoire du lion. Et puis, et puis on est toujours en direct avec, je rappelle, la Samsung Galaxy Tab 3 que je vous offre encore ce soir avant minuit. Pour la gagner, vous venez nous rejoindre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Vous faites un like et un partage sur la photo où il y a où je pose avec le Samsung Galaxy Tab 3. Et si vous êtes tiré au sort, c'est un jeu gratuit donc c'est facile. Si vous êtes tiré au sort, à vous la Samsung Galaxy Tab 3. Ce sera tout à l'heure sur Fun Radio. Et puis on va s'écouter Pharrell Williams dans quelques minutes. Et basto tout de suite, keep on rocking sur Fun Radio. Le son de basto sur Fun Radio avec Keep on Rocking. Il y aura Pharrell Williams dans quelques minutes. Avec Happy. Ah ouais, ça je vous mets dans quelques minutes sur Fun Radio. 22h30 là, eh oui. Il y a un message de Franck qui dit aussi je vous écoute depuis le début et toujours pas eu mon message de bienvenue, ce n'est pas normal. Je t'emmerde. Voilà Franck, Alexou qui dit ah ben voilà le retour du chéri, je peux te faire cocu mort de rire. J'adore quand Michel fait le rageux, je suis plié. Train Lover qui dit oh c'est trop mignon, il l'a dit, je vais tout dire à ta mère, tu vas voir, c'est clair enculé. Et Denis qui dit Tof il fait le SAV des célibataires. Ouais exactement. Et Valentin également, salut, c'est excellent ce que tu fais à l'antenne, continue. Bah merci Valentin. Et Clem qui dit un bisou à ma tendresse. Et Ness qui dit j'espère que Steven va décrocher. Bah il l'a décroché en l'occurrence. Et Maëva qui dit le pauvre s'il répond pas elle est dans la merde. Bah oui, bah là visiblement elle est dans la merde parce qu'elle a pas prévu le cadeau alors que lui va lui offrir un sac. Le prince Nedia qui dit j'attends l'appel de Georges avec impatience. Bah oui, bah justement à la 22h30 on peut récupérer Georges. Mais d'abord on fait un petit appel avec Toff, bien évidemment. Bah oui, petit appel maintenant donc, puisque on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas dire cunilingus mais cunilinctus. Oui, c'est une erreur de traduction grossière. Paraît-il. Et donc on appelle depuis tout à l'heure bah, les gens pour les prévenir en fait. Bah hein, oui, tout c'est simplement. Nouvelle orthographe. Tout à fait. Donc on y va, on appelle. Allons-y. Allez, c'est parti, on y va. On appelle depuis tout à l'heure grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez, on continue. Allô. Oui, allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonjour monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous pratiquiez le cunnilingus avec votre femme. Ça va, Michel ? Ah non, pas du tout. Moi, c'est Toff, monsieur. Pardon ? Oui, non, moi, je m'appelle Toff, monsieur. Ah bah, c'est bien Toff. Bah oui. Je suis bien content. Bah très bien, mais vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur. J'ai pas bien compris ce que vous disiez, monsieur. Bah, je voulais savoir si vous pratiquiez le cunnilingus, monsieur. Le toi ? Le cunnilingus. Très drôle. Ce n'est pas drôle, monsieur, c'est une question. Bah écoutez, que puis-je vous répondre, cher ami ? Rien du tout. Bon, je vais raccrocher. Vous en pensez ? Bah oui, mais ça répond pas à ma question, tout ça, monsieur. Donc je vais être obligé de vous rappeler, quoi. Ah, c'est chiant, hein. Oui, pour vous, parce que bon, moi, après, c'est pareil. Ah bah écoutez, bah non, bon, ça fait, non, c'est bien, super. Allez, à la prochaine, donc, hein. Allez, d'accord, bah à tout de suite, monsieur, je vous rappelle. Il est grave. Bon, on le rappelle. Bah oui. Du coup, allez, c'est parti, on y va. Où est-ce qu'il est ? Voilà, c'est parti, on y va, on l'appelle. Allez. C'est un con. Cause toujours, enculé. Je je crois que c'était lui. Je t'emmerde. Non, c'est pas lui. Non. Voilà, elle décroche plus maintenant. Allez, il est 10h30 seulement, ils sont sérieux là? Allez, il décroche. Ah bah non, il décroche. Ah bah non, il me dit de rappeler, il décroche. Bah oui. Bonjour. Oh, dommage. Voilà, oh, ça dit de rappeler, après ça décroche bah pas. Bah ouais, déception totale. Oh, tant pis. Bon, bah c'est pas grave. Anthony qui dit, j'ai trop l'émission des bars à chaque fois. Bonne fête à toute l'équipe, je vous kiffe grave. Merci Anthony, bonne fête à toi aussi. On sera demain d'ailleurs en direct à partir de 20h hein, pour passer réveillon avec vous. Alexou qui dit, l'enfoiré, comme tu as grave grillé son cadeau. Oui, je suis désolé. Et donc, bah effectivement, on sera là dès 20h pour passer Noël en famille, c'est-à-dire avec vous, pendant que tous les autres vous ont abandonné comme des merdes pour partir de leur côté. Nous serons là pour vous tenir compagnie pour passer Noël, le réveillon avec vous. Sandro ne sera là que parce qu'il a bouffé demain. Ouais, non, on va bouffer là gratos. Et donc, du coup, elle sera là, elle va bouffer. Et puis, bah, Polo se fera la dinde. Je vais la fourrer, la dinde. Voilà, tout simplement. Ouais. Bon, la ça y est, dinde. Le moment que vous attendez depuis tout à l'heure, nous avons l'autorisation puisqu'il est 22h30. Vous savez qu'avec le CSA, on ne peut pas dire de trucs dégueulasses avant 22h30. Ah. Et que nous avons eu Georges tout à l'heure à 21h30 qu'on a fait patienter parce qu'il avait lancé un sujet un peu particulier. Hein. Georges, t'es là? Ah, Georges. Je rappelle que par solidarité, nous parlons comme ça. C'est vrai. Oui, Georges, are you there? Oui. Yeah, you speak English? Speak English. Bon, ok, bon, très bien. Ok, alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Parce qu'à la base, t'avais appelé pour le sujet de Yona. Yona qui demandait pourquoi les hommes sortent avec les filles que pour le cul. Voilà, donc t'avais appelé et puis tout d'un coup, t'as pris un virage inattendu. Il est totalement inattendu. Ça lui pesait sur le cœur. Voilà. Et on l'a surpris. Oui, complètement. Et donc, du coup, alors... Ah ben il est parti. Georges ? Non, George. Je suis là. Eh ben, oui. Du coup, tu voulais parler de quoi ? Peux-tu répéter, en fait, Georges ? C'est que ma meuf, en fait, elle me lèche que le trou du cul. Ah, il croit pas. Attends, comment ça se passe ? Allez, mettons-nous en situation. Georges, vas-y. Ah, en fait, je m'allonge dans le lit. Ouais. Sur le dos, sur le ventre. Mais attends, elle te le demande avant ou elle te prend comme... Elle brûle pour point comme ça ? Elle me prend comme ça. Comme ça ? Ouais. Et après ? Et après, elle me fait l'amour. Elle te bouffe le cul, en fait ? Oui. Ah, c'est fou, ça. Et ça t'excite qu'elle te lèche la rondelle ? Vous avez remarqué qu'après 22h30, ils sont tous les deux arrivés. Hein. C'est-à-dire qu'on les a quasiment pas entendus depuis 20h, là. Et là, mais c'est génial, mais c'est génial. On a été bridés, on était attachés, on laisse au fond du studio. Non, mais attends, c'est génial. Mais qu'est-ce que tu trouves de génial, j'adore, ça j'adore, moi. Donc, c'est-à-dire que toi, t'aimes pas faire des cunis, mais par contre, t'aimes bien quand t'es le fion. Non, je déteste, mais c'est drôle. Moi, j'adore. C'est drôle, genre... c'est ça, ouais. N'importe quoi, des cunilingus. Et elle te fait quoi après ? Elle te met des wads ou pas ? Ah bah voilà, combien, bah combien. Non mais attends. Mais déjà, comment c'est arrivé la première fois? Et comment on en est à discuter de ça, sachant que tu voulais simplement appeler pour réagir à Yona qui voulait savoir pourquoi les mecs prenaient les meufs pour des connes? Parce que comment on est arrivé à ça? Il y a un doigt qui a glissé. Ouais, c'est ça. Non, parce que ça m'a donné envie d'en parler. Ah d'accord, ok, bah très bien. Bon, et donc comment c'est arrivé la première fois? À quel moment? C'est la première fois après que vous m'avez appelé. Non ! Est-ce qu'on a été le déclencheur ? Attends, après que nous on t'ait appelé ? Oui. Mais c'est-à-dire qu'on t'a appelé et là elle t'a mis un doigt dans le cul ? Oui. Non ! Mais gratos comme ça ? Oui. C'est Noël ! Attends, moi j'appelle des meufs, moi. Non mais je veux dire, c'est-à-dire que donc t'as raccroché et hop ! Ou alors t'as raccroché, on parlait peut-être d'un truc qui vous a donné envie de tester quelque chose, je sais pas. Ça nous a excité tous les deux. D'accord, mais moi pas je suis excité, c'est pas pour ça que tu vois ma meuf elle vient derrière moi, elle me met un doigt dans le cul, tu vois ce que je veux dire, elle lui bouffe le cul. Attendez, d'abord elle lui bouffe le cul. Ah oh, mais c'est dégueulasse. Ah bah oui, il y a un chemin quand même entre mais les deux. Mais vous vous embrassez après, j'espère. Ah non, oui, plus rien. Ah bah oui, dans la bouche. Mais vous êtes vraiment des gros porcs, je suis dégoûté là. J'adore. Bon, c'est comme la meuf qui avale après la sodomie. Non, ça ira. Oh merde, top, putain. Non mais ça c'est vraiment dégueu. Excuse-toi espèce de chien. Excuse-toi. Oh. Excuse-toi. Ah, pardon, je suis désolé pour toute cette vulgarité gratuite. Oh. Mais c'était gratuit, je te confirme. Oh. Putain. Pardon. Bon. Depuis qu'il se fait attacher sur une croix. Oui, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Oui, bon bah c'est bon maintenant. Yeah. Bon, Geoffrey. C'est Georges. Georges, pardon. C'est parce qu'à mon avis, je pensais que Geoffrey faisait pareil. Bon, Georges. Bon, alors. Oui, bah tant mieux. Mais et donc du coup, tu nous appelais pourquoi ? Juste comme ça pour nous le dire ? Oui. Ah merci, on est touchés, hein. Bon, pas autant que toi, mais on est touchés. Et pour aussi parler de demain, je suis tout seul pour le nouvel an. Ah, t'as pas un petit doigt ? Demain, il est tout seul pour nouvel an. Non, pour parce, que, parce qu'il est dans le futur, lui, en fait. Pour le réveillon, excusez-moi. Ah, d'accord, ok. Et comme, elle est où ta meuf ? Elle est chez elle demain. Ah oui, et toi, t'es chez toi, évidemment. Bah écoute, ça tombe bien, on sera là. Est-ce que je peux venir ? Où ça ? Non, non, demain, on est déjà blindé, là, Georges. Pour avoir un pack fait. Ah oui, bon, Georges, t'inquiète, je vais te repasser Sandro, on va prendre tes coordonnées, puis sans problème, Georges, y a pas de souci. Hein. Et on va te faire un moulage du doigt de Sandro, comme ouais, ça, voilà. On va l'essayer. Oh, classe, classe, classe, classe. Bon, bah écoute, Georges, bah merci pour cette petite histoire, hein. Je pense que merci. Tout le monde est ravi. Hein. Ah ouais. Il y a Mister Steven qui dit, Georges me tue de rire. Sarah aussi qui dit, oh, ça se voit, attends, c'est quoi? Sa voix, elle m'a fait peur à ce Georges, mais je préfère encore la voix de mon chouchou d'amour, Mika le plus beau. Oh, merci Sarah, c'est gentil. Et un message d'Alexandra qui dit, t'es parfait, Mickaël. Oui, c'est oui, vrai, ça, tu es parfaite également. Alexandra. Oui, Georges. Je peux passer une dédicace ? Oui, mais c'est pas grave, tu sais. Hein. Allez, vas-y. C'est pour faire une dédicace à tous les studios de Fun Radio. D'accord, ouais. Bah, c'est gentil, merci à toi. Studio et puis on t'embrasse. Ah bah, les deux, hein. Ah, on va pas faire en détail. Salut, Georges. Pas de jaloux dans les studios. Exactement. À bientôt, Georges. On va t'envoyer le pack comme promis, sans problème. Yo, non, on va prendre d'abord Vanille. Vanille, j'avais promis qu'on l'appellerait plus tôt ce soir. La Vanille, t'es là ? Vanille, après le chocolat, c'est pas mal. Merci. Oh, oh bravo. Oui. Oui, allô ? Fatigué. Oui, Vanille, ça va bien ? Oui, c'est moi. Très bien. Est-ce que tu peux couper ta radio ? Ma radio ? Oui, parce que j'entends au fond qu'il y a un écho. Ah. Ah oui. Et donc, on va... Hop, on va la couper. Voilà, c'est coupé. Eh ben, voilà. Tu vois quand tu veux, Vanille. Bon, donc, toi, tu nous avais appelé hier soir parce que tu voulais faire une déclaration. D'abord, tu nous as fait l'enfume d'une déclaration d'amitié à une amie. Et puis, en grattant un peu, on s'est rendu compte, en fait, que tu lui casserais bien les pattes arrière, quoi. Hein ? Ah oui, oui. Voilà. Bon, eh ben, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on l'appelle maintenant. Hein, puisque hier, ça répondait pas. C'est vrai qu'on l'avait appelé un peu tard. Donc, bah, on y va. Elle s'appelle Malika, c'est ça ? Voilà, ouais. Bon, et tu voulais qu'on parle ou tu voulais vous que m'aider, je... hein. Oui, bah bien sûr, tu sais bien qu'on tu nous connais. Donc on commence ou tu commences à parler ? Allez-y, déjà qu'elle décroche, quoi. Bon, d'accord. Ah oui, c'est Toff qui devait le faire ou c'est moi, j'oublie maintenant. Moi j'appelle, moi. Non, mais comme... non, je sais plus. Oui, oui, je crois que c'est moi. Oui, bon, bah alors vas-y, hein, si tu veux. Hop, on fera d'autres appels aussi tout à l'heure, là, n'oubliez pas. Et puis on appelle Malika maintenant, la bonne chance, Vanille. Merci. Mais sinon, il y a toujours le SAV avec Toff, hein. C'est... Bon. Mais je lui parle d'abord. À Allô. La fin de votre message. Ah bah voilà, bah très bien. Ah bah comme hier, tiens, très bien, Vanille, on est au top là, non ? On est au top là, on a bien progressé. Ah, on est au top ou pas ? Bah ouais, on n'arrive pas à la jante. Ah oui, ça va être compliqué, hein, ça je te confirme. Bon bah écoute, on peut envoyer des signaux de fumée ? Oui, on peut éventuellement faire ça. Demain, tu fais quoi pour Noël ? Demain, je suis dans la famille. Ah, dans la famille, oui, ça va faire mauvais genre, hein. Ouais, bah ouais. C'est surtout s'ils sont pas au courant, quoi. Bon, écoute, ce que je peux voir, c'est qu'on peut essayer encore de la rappeler avant la fin de l'émission, mais là, comme c'est son répondeur, j'ai peur qu'elle dorme déjà. Ouais, ou qu'elle, moi aussi, j'ai peur ou qu'elle aussi, est déjà tout coupée. Putain, merde. On va essayer de trouver une solution. Reste avec nous, Vanille. Au pire, tu voulais lui faire la déclaration là tout de suite ou pas ? Enfin, je veux dire, est-ce que ça peut attendre dans quelques jours qu'on revienne de vacances ? Ouais, non, on attend quelques jours. Bon, ouais. Alors très bien. Oui, bah, ouais. On va plutôt faire ça comme ça, alors. Parfait. Par contre, avant de raccrocher, je pourrais avoir un pack fun ? Oui, bien sûr, je vais te repasser Sandro. Et faire une dédicace ou pas ? Eh ben, sans problème, vas-y, il y a une seule personne, attention, n'oublie pas. Bah, c'est la famille bourgeois. Ah bah, comme ça, toute la famille est excitée, c'est très bien. Eh ben, salut Vanille. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Eh bien, pareillement. Et... Amuse-toi voilà, bien. Et elle a nouveau allumé sa radio, c'est quand même exceptionnel ça. Elle a nouveau rallumé sa radio, c'est dingue. Bon, Vanille, gros bisous à toi, je te renvoie au standard. Et joyeux Noël. À bientôt, Vanille. On aura Johan dans quelques instants qui voulait aussi faire sa déclaration alors que lui sort avec la meuf depuis un jour. Et puis on aura le canular avec ce fameux lion. Ah oui. Le fameux lion, exactement. Si vous n'étiez pas là quand on a fait le canular, c'était juste énormissime. On va vous le remettre dans quelques minutes, tout comme le son de Pharrell Williams qui va débarquer dans quelques minutes. Ça va être happy. Ah ouais, on va un peu chiller là. On va être bien là. Allez, restez sur Fun Radio, il est 22h42, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à minuit. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Non mais ce qui est dingue quand même, c'est que Sandro reçoit des bonbons, ouais. Même pas le partage, hein. scandaleux. Oh, rien moi, à je l'ai faire. Volé. Je l'ai spolié. Rien à faire. J'ai donné à tout le monde là. Oh, et après on est séparés d'une vitre avec Sandro. Elle me dit tiens je te le jette. C'est comme si c'était un animal au zoo. Il y a marqué ne pas nourrir. Et tu sais qu'elle lance quand même une cacahuète quoi, tu vois. Toff et le stagiaire se sont quand même se sont servis carrément. Ils demandent même pas. Ils sont à côté là. Ils sont à côté. Alors je vous jure, il y a plus de respect aujourd'hui. C'est quand même dingue. C'est scandaleux. Bon, je vous mets le canular avec Amine dans quelques minutes. Là, restez là avec l'histoire du lion. Et puis je rappelle qu'il y a toujours le Samsung Galaxy Tab 3. On tire au sort dans une heure sur Fun Radio si vous voulez le gagner. Enfin la gagner puisque c'est une tablette. Facebook.com/MIKL officiel. Voilà, si vous la voulez, cette tablette, elle est pour vous. C'est, merci le stagiaire, très bien, bah, parfait. Et bah, vous serez diminué de salaire. Facebook.com/MIKL officiel. Faites un like et un partage de la photo où je suis avec la boîte de la Samsung Galaxy Tab 3 en l'occurrence. Et puis on vous l'enverra. C'est cette boîte là, hein, l'appareil est dedans évidemment. Donc facebook.com/MIKL officiel. Bonne chance. On écoute le son de Pharrell Williams maintenant sur Fun Radio. C'est Happy tout de suite. Et ça fait du bien ça. It might seem crazy what I'm about to say. Est-ce qu'il est bon le son de Pharrell Williams à l'instant? Happy sur Fun Radio. C'est vrai. Non, oui. C'est une tuerie. On s'est mis bien, on a chillé là. On a chillé, on a dansé. Chillé, ben oui. Il y a Alexo qui dit Happy, c'est le cas de le dire. Quand je vous écoute, vous êtes les meilleurs. Merci Alex. Et Priscilien aussi qui dit je pourrais avoir un message de bienvenue. Bisous à toute l'équipe, vous gérez. Ben merci beaucoup. Je t'emmerde. Je t'en mets un deuxième. Cause toujours, enculé. Voilà, et Franck qui dit merci l'équipe, ça fait plaisir. Dédicace à vous tous. Merci Franck. Lucas aussi, j'adore ce que vous faites. À chaque fois, je suis mort de rire. Ben, c'est le but. Hein. Lucas aussi, encore un autre. Cette fois-ci, Lucas avec un S. Je vous kiffe, c'est trop bien, continuer comme ça. Et Christophe qui dit aussi demain je suis tout seul à Nouvel An, le Georges a franchi une faille temporelle. Ouais, demain à Nouvel An, effectivement, c'est à Noël, oh, il a fait une erreur. Et DJ Koma qui dit on aime bien la voix de Toff, ce petit enculé de merde là, on l'encule bien profondément. Merci, tout cet amour me va droit au cœur. Et Miss Mello qui dit grosse barre de rire, Toff, t'es dégueulasse, cette émission est juste magique, l'une des meilleures. Bah merci Miss Mello, merci beaucoup, mais c'est parce que vous n'aviez pas encore entendu, en tout cas pour la plupart d'entre vous, cet appel épique, comme beaucoup disent, l'appel où nous avons eu l'occasion, la chance de découvrir Amine qui était avec nous et qui voulait faire un canular, hein. C'était les canulars du jeudi. On vous le remet maintenant parce que c'est vrai que ça fait longtemps. Il y a beaucoup de nouveaux auditeurs qui sont arrivés depuis. Et puis surtout, comme on fait pas 20h minuit d'habitude, il y en a plein qui n'ont peut-être pas forcément écouté quand c'était diffusé en direct. Alors on avait justement reçu Amine qui est avec nous. Salut Amine. Ouais, salut. J'appelle pour faire une blague à mon oncle en fait. Une blague à ton oncle, c'est-à-dire? Je voudrais lui faire croire que en gros on a capturé un lion comme Un lion. Bon, et comment t'es censé avoir trouvé un lion? On l'a piqué dans un zoo, on va dire. Normal. Ouais, voilà, en gros on était bourré et... Ouais, mais voilà, t'sais, moi aussi la dernière fois j'ai vu un orang-outan, je l'ai pris avec. Bah tu vois, j'ai pris avec moi et on est rentrés ensemble, c'est main dans la main, on était cool quoi. Ah c'est vrai. Ouais, là vous l'avez chourave quoi. Ouais. C'est ton nouvel amoureux? Oui, exactement, oui, un orang-outan. Bon, et donc du coup, ouais, à la Very Bad Drift, donc genre tu te retrouves avec un lion, t'étais bourré, tu sais pas ce qu'il fout là et bah là t'es dans la merde quoi. Voilà en gros. Bon, très bien, ok. Écoute, on va l'appeler alors. Attends, est-ce que mon lion est là? Là. Il est là. Ah. Ouais, il est là, ouais. Là c'est bien là. Calme-toi, Minou. Ouais, il est vénère, hein, pour le coup. Hein. Bon, très bien. Des croquettes. Tu fais vite, Amine. Hein. Des croquettes, tu vas voir, des croquettes. Bon, on y va. Ouais. Et pourquoi tu veux le piéger, ton oncle, en fait? Il t'a fait un truc en particulier? C'est une vengeance ou c'est juste pour l'emmerder pour le plaisir? Ouais, non, j'aime bien l'emmerder pour le plaisir. D'accord. Bon, écoute, on y va. On l'appelle. Ah. Allô? Oui? Ouais, allô, Michel, ça va? Bon, ça oui, va ça bon, va. Ça va être un bon client. Ouais, ah, moi, ça va pas du tout, là. Putain, il m'est arrivé une grosse couille. Qui? Moi? Pourquoi? Parce que, vas-y, là, tout à l'heure, je suis sorti, là, putain, je suis parti au zoo, et vas-y, j'étais bourré, t'as vu, et on a piqué un lion, putain. Voilà. Non, putain, sérieux, c'est pas drôle, et là... Oh, vas-y, dépêche-toi, là, qu'ils viennent vite le chercher, là. Putain, et là je suis avec des potes et le lion, oh putain, et là le lion, on sait pas comment faire et on voulait le ranger chez toi, c'est possible? Comment? Je peux passer à Sanon, on le met chez toi? Mais il faut s'en débarrasser là, c'est-à-dire qu'il a déjà bouffé mon pantalon! Putain, on a piqué un lion, Michel. Comment? On a piqué un lion, Michel, on a volé un lion au zoo. On était bourrés, on a fait n'importe quoi. On a échappé un lion, il nous a suivi et là on voudrait le ranger chez toi, c'est possible, parce qu'à l'hôtel c'est trop petit et à l'appartement c'est pareil. Bon alors hein? est-ce qu'ils peuvent venir le chercher là? Vite Michel. Est-ce qu'ils peuvent venir le chercher? Michel, Oui. Ouais, on peut passer à Sanois, je le mets chez toi, s'il te plaît. Non, non. Pourquoi? Non, non. Bon, allez, t'as dit que c'était un pote, là. Qu'est-ce qu'il faut? Il arrive ou pas? Non, non. Bah ouais, Michel. Michel, fais pas ton relou. Ouais, Michel, en plus, ta femme, elle va rien dire, s'il te plaît. Non, non, non. Mais pourquoi? Ça te dérange pas chez toi, là? La non, vieille, non, elle va rien dire. C'est ça me dérange. Tu fais que de boire. On allez, il a bouffé la table. Pas un souci. Allez. Michel. Il a bouffé le pied de la table. Non, Michel. Oui. Ouais, parce que tu sais très bien, l'hôtel, je peux pas le garder. Et l'appartement, là où on est, il est trop petit, c'est même pas 20 mètres carrés. Et je sais pas, on peut pas le ranger chez toi, tu vois, le cacher dans un coin. Vas-y, passe-le-moi, sinon, passe-le-moi. Attends, je te passe mon pote, ok? Non, laisse. Allô? Attends, ouais, Michel. Je te passe mon pote, vite fait. Oui. Je m'appelle Michel aussi. Eh, hey, tu peux venir nous filer un coup de main, là? Parce que là, il est en train de bouffer tout l'appartement. Allez, salut. Non, Michel. Salut. Michel, raccroche pas, Michel. Oh merde, putain, il est déjà parti. Et donc, heureusement qu'il nous a dit ouais, t'inquiète, il est cool. Oh le bâtard, il s'en bat les couilles. Complètement, ouais. Attends, on va le rappeler. Et fais croire qu'il est en train de te bouffer. Ouais. Vas-y, on le rappelle. Allô, Michel. Oui. Ouais, elle, là, je suis vachement dans la merde, Michel. Faut que je trouve un truc, là, putain. Arrête, mais je sais pas, c'était des bruits. Mais Michel, ça. En plus, il y a eu un avis de recherche, là, pour Lyon. Putain, on est vachement dans la merde. Faut vraiment que je le cache quelque part. Mais alors, tu veux que les flics, ils vont venir chez moi? T'es malade. Où est-ce qu'il habite? Parce qu'on vient le déposer. Où est-ce qu'il habite? Michel, vas-y, on passe chez toi, à Sanois, ok? Amine, mais tu m'aimes. Fais pas des trous comme ça. Des brouilles, c'est fait ce que tu veux. Michel, hey, t'as vu, pour tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Non, je... Prends, amène-le à l'hôtel. Mais à l'hôtel, mon père, il va me tuer après, t'es malade ou quoi? Non, il faut qu'on le dépose chez lui, là, c'est urgent, là. On peut pas. Vas-y, on l'a déjà mis dans la voiture, il habite où, on démarre. Michel, je vais passer à Sanois, ok? Non, c'est pas la peine. J'arrive, ok, parce que là, c'est trop la merde. Si, bah je passe de toute façon, ok. Il bouffe la banquette, le lion. Allez, putain, dépêche-le, là. C'est quoi l'adresse, Michel, d'accord, je passe. Merde, okay. Attends, on t'emballe pas, il a raccroché nouveau, dis donc, il s'en fout, hein. C'est dingue, ça, quand même, là. En fait, il a peur que les flics viennent chez lui. Ouais, on le rappelle. Vas-y, ça marche. Vas-y. Il est dans une maison? Ouais. Ok. Allô, Michel? Oui. Ouais, là, franchement, je suis trop dans la merde, sérieux. Hey, vas-y, je passe chez toi, je le pose dans la cour et je me casse, ok? Non, tu fais pas ça. Mais pourquoi? Ça te dérange pas? Si ça me dérange, Amine. Mais ta femme, elle va rien dire, Michel. Mais tu es malade ou quoi? Il a bouffé ma chaussure! Ça y est, il a bouffé! Il a bouffé! Ah, Michel, s'il te plaît, tu peux me rendre service, s'il te plaît? Non, Amine! Mais pourquoi? Tu mets pas dans la merde. Non, Michel. Mais Michel, je vais pas te mettre dans la merde. Amine, tu es malade ou quoi? Michel, c'est moi qui irai dans la merde. Après, je vais aller en prison. Tu veux que je suis, moi? Mais toi, t'as déjà eu des problèmes avec la police, c'est bon. Laisse tomber tout ça. Vas-y. C'était des blagues. On peut venir ou pas avec le lion, là? T'as demandé à Michel. Est-ce qu'on peut venir? Michel, ne laisse pas dans la merde. Salut. Michel. Michel, attends. Michel, s'il te plaît, attends. Dis-lui que je donne 50 euros. Michel, on te donne 50 euros pour le garder, ok? Non, je veux pas. Et on lui donne sa boîte avec ses granulés. Écoute, Michel, écoute-moi, s'il te plaît, ok? Il faut juste qu'il sorte deux fois sur Amine, sur la lion, soirée. Écoute, je sais plus rien, ami. Non, Michel. Juste... Dis-lui qu'il ferme sa gueule. Ok, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut venir ou pas? Attends, Michel. Michel, écoute-moi 2 minutes. Merde, attends, il est parti. Bon, et donc du coup, là, on l'avait rappelé, évidemment, là, le Michel. Parce qu'il s'appelait Michel, hein, à l'époque, j'aurais dû m'appeler Michel aussi, mais bon, on pouvait pas faire une doublette. Il y a Blonde Belge aussi, qui dit l'oranger, mort de rire, c'est pas une peluche. Non, mais c'est vrai. Alexou qui dit casse de rire, ce canular, quelle idée, un lion. Bah oui, c'est lui qui avait eu l'idée, hein. Fabien aussi qui dit, on a chouré un lion, le truc improbable. Et j'avoue que au début, quand il est arrivé avec ça à Mine en disant, ouais, machin, on va lui faire croire que c'est un lion, je dis, oh là là, ça va pas marcher, quoi. Et je rappelle que la semaine suivante, il y a des mecs qui ont volé un lama. Et exactement, oui, c'est vrai. Et

Attends, j'ose pas. Bon, ouais, attends, je dégaine. Oh. Je pense que c'est bon, là. C'est bon ? Monsieur Michel, là, désolé pour votre animal de compagnie. Oui. On va pas pouvoir vous le ramener, hein. Oh, c'est bien. Vous n'avez pas l'air triste ? Ah non, pas du tout. Ah bon ? Bon, bah tant mieux, hein. Bon, Michel ! Oui. T'es en direct sur Fun Radio. Allez Michel, c'était une blague Michel, t'es à la radio, c'est sur Fun Radio. Bon ben voilà, hey, Michel, bonne soirée. Hein. Oui. Hein? Je dis bonne nuit. Merci. Allez salut Michel. Bon ben voilà, bon et on a galéré mais finalement ça va, il a quand même bien, il a quand même démarré, il a mis le temps à démarrer mais il a démarré quand même. Bon ouais, on va t'offrir un lion Amine. Ah là, je serais vraiment dans la merde. Ah, il avait bien kiffé le lion d'ailleurs. Ouais. Hein. Il avait bien kiffé. Voilà, bah, plein de messages sont arrivés. Ceux qui n'avaient pas encore entendu, bah, tant mieux. Hein, c'est aussi que ça sert. Alexo qui dit c'est un espèce de gros chat. Monsieur l'inspecteur, c'est un lion. Oui, bah oui. Mais c'était un peu énervé. Il hein. Y a Dean qui a envoyé un message. Mort de rire, mais pas du tout. Ça c'est quand les flics ils veulent débarquer chez lui. On sentait qu'il n'était pas tout à fait net. Hein. Non, il avait des trucs louches là-bas. Il avait des trucs à cacher, ouais. Et Tito aussi qui dit Mickaël, t'es énorme, tu me fais rire tous les week-ends et je resterai réveillonné avec vous demain. Bah c'est cool, merci beaucoup. Alors tous les week-ends, on est aussi là tous les jours de la semaine, hein, pendant l'année. Hein, 23h, 2h la semaine. Là c'est exceptionnel, le 20h minuit ce soir et demain soir également, puisqu'on sera là pour réveillonner avec vous, hein, puisque c'est une soirée familiale Noël ouais. Et qu'on a donc décidé de placer la famille en numéro 1. C'est-à-dire avec vous demain soir dès 20h on sera là. Bon, je rappelle qu'il y a toujours la Samsung Galaxy Tab 3 qui est à gagner tout à l'heure sur Fun Radio avant minuit. Il reste 50 minutes pour vous inscrire. Facebook.com/MIKAELOfficiel. On va vous en demander. On va vous demander. Alors checkez bien votre boîte à messages Facebook puisqu'on va vous demander votre numéro de téléphone en fait par là. Donc si vous donnez votre numéro de téléphone et que vous passez l'antenne, vous gagnerez peut-être votre Samsung Galaxy Tab 3. On tire au sort parmi ceux qui auront liké et partagé la photo où il y a où je pose avec la Samsung Galaxy Tab 3. Et il faut regarder dans la boîte autre sur. Oui, regardez aussi parfois dans autre, parce que comme Toff est un spammeur et qu'il gratte tous les numéros de toutes les meufs, parfois il est banni. Oui. Et donc du coup, ces messages arrivent dans la boîte autre et pas dans la boîte de réception lambda. Enfin normal quoi. Voilà, donc si vous voulez jouer avec nous, facebook.com/MIKAELOfficiel. Un message qui dit trop bien ce canular, ça fait toujours plaisir de le réécouter. Ah bah franchement même nous on s'est barré aussi hein, pour le coup. Il y en a aussi un que je me remets très bien, là, peut-être pas ce soir mais demain pourquoi pas, c'est Ils ont tué les deux. Ah oui, ils ont tué les deux. Oh, il était énorme. Le début de ma grande carrière. Ah bah cette grande carrière C'est oui de con effectivement cette grande carrière pour vous donner l'eau j'allais dire l'eau à l'anus, je suis con quoi. L'eau à la bouche, n'importe quoi. Mais c'est tough en même temps, donc ouais, l'anus c'est un peu normal. C'est ça, il y avait ça hein. Ah, allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Il était mauvais. D'ailleurs je n'ai pas encore été voir si j'étais dans les Golden Globes. C'est vrai, je te le dis, hein, c'est pas la peine d'y aller, hein, je sais très bien qui est pas. Ouais, Golden Gland, exactement. Ouais. Donc on va se le remettre tout à l'heure, on aura Jean-Pierre Sauzet qui va débarquer. Pour vous donner une idée. Jean-Pierre. Hein. Alors attention. Ah ça siffle, Jean-Pierre est là. Ce son Jean-Pierre va bien. Ouais, Jean-Pierre qu'on va prendre dans quelques minutes. Tu sais, c'est comme les billets, il y a le petit truc là et lui c'est pareil. Dès qu'il y a ce petit sifflement, c'est pas du fake. Il y a Salon Marseille qu'on va prendre dans un instant. Johan promis, on va appeler ta copine dans quelques minutes. Ne bouge pas de là. Et puis on fera encore des appels avec Toff. Le temps de s'écouter dans quelques minutes. Et bien le son de New World Sound sur Fun Radio. New World Sound avec The Flute, c'est ce qui va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. Soyez les bienvenus si vous venez de débarquer. 23h09, on est en direct jusqu'à minuit sur Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël, No Limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. En direct dans toute la France, il est 11h10 sur Fun Radio. Il y aura Party Fun tout à l'heure à partir de minuit, comme tous les soirs pendant les vacances de Noël. Hein, ouais. Comme tous les soirs, et à partir de mercredi, ce sera dès 20h sur Fun Radio. Party Fun jusqu'à 6h du mat. Voilà, comme ça, vous savez tout, vous connaissez le programme. Et là, on va donc récupérer dans quelques minutes Johan qui voulait faire une déclaration à sa copine. On aura Jean-Pierre Sauzet. On aura Salah également de Marseille qui va parler avec nous. Et puis bah vous en direct, hein, y a Megumi qui a envoyé un message aussi. Je suis comme ma princesse Nadia, vous êtes ma famille, sauf toi Mickaël, parce que je ne pourrais pas fantasmer sur toi. Non mais Megumi, tu t'es quand même pas déjà touché en pensant à moi, Megumi, je veux mais le savoir. Mais bien sûr que si. Non, je veux le savoir. Et c'était même sponsorisé par passagedudésir.fr. C'est vrai? Ah ouais. Bah écoute, bah dis-le moi Megumi, je suis quand même curieux de voir ça. Ça, on pourrait faire un top. T'imagines. Allez, The New World Sound, on écoute The Flute maintenant sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à minuit. Merci d'être là, tous les soirs de plus en plus nombreux. C'était New World Sound sur Fun Radio avec The Flute. Je vous cale aussi tout à l'heure le son de Jason Derulo. Il y aura également le son de Drake avec Hold On, We're Going On. C'est ce qui va démarrer. Ah, ça va être bien aussi là. Ça me donne envie d'aimer. Ouais, on va encore chiller. Yo. Ça me donne envie de baiser des trucs. Oh, voilà, tout à l'heure ça arrivera, le son de Drake, Hold On, We're Going On. Sur Fun Radio, il y a Clément qui dit j'adore votre émission, on passe de superbes soirées avec vous. Ben, merci Clément, Dobby aussi, qui dit des barres et des barres en vous écoutant, des barres de rire aussi, j'arrive pas à jouer à Call of à cause du lion. Bah oui, bah il faut écouter l'émission. Sonia qui dit sérieux, je vais exploser, vous êtes trop marrant, je vous adore. Et puis Angelica aussi, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année à toute l'équipe. Merci Angelica. Et pendant qu'on sera en vacances, merci. Rassurez-vous, hein, on pourrait suivre aussi tout ce qui se passe pendant les vacances sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Voilà, voilà. Alors, bon, on va prendre Johan maintenant là. T'es là, Johan? Ouais, je suis là. Bon, très bien. Alors, Johan, tu voulais donc appeler ta copine, toi, t'es avec elle depuis hier, et tu voulais faire une déclaration. Oh, ouais. C'est trop choupinou. Mais pourquoi tu veux lui faire une déclaration puisque t'es déjà avec elle? C'est la pire erreur de ta vie, mec. Non, pas du tout. J'ai pas encore dévoilé mes sentiments. Mais attends, mais tu sors avec elle, donc c'est que tu lui as quand même dit quelque chose. Ah, juste. Putain, je voulais genre juste sortir le grand jeu, et puis c'est tout. Mais t'as sorti quoi? C'est quoi le grand jeu? Monopoly? Ah, genre, je l'ai fait tomber amoureuse, c'est ça? Non, la bouteille de Jack en entier. Je l'ai fait tomber amoureuse. Je l'ai fait tomber amoureuse, ouais. Non, le mine balayette, tiens. Ouais, c'est ça. Hop là, elle est tombée amoureuse. Amoureuse. Et après, voilà. Justement, le seul problème, c'est que j'ai pas encore dévoiler mes sentiments. Est-ce que tu veux un conseil d'ami? Car je suis ton ami. Mens-lui, car elles adorent qu'on leur mente. Si tu lui dis que tu l'aimes maintenant, c'est mort. Elle va te tenir par la... Par, tu sais, comme les vaches, là. Par la queue. Par la queue. Voilà. Est-ce que tu veux un conseil d'ami? Non, non, a priori, il en veut pas. Tu l'as baissé? T'as raison, gros. Non, fais confiance à un mec. On a des gueules. On s'en fait confiance. Est-ce que tu veux le conseil de Sandro? Ouais, pourquoi pas. Mais oui, dis-lui que tu l'aimes. Elle va s'endormir avec un sourire idiot sur le visage ce soir. C'est magnifique. Ouais, et demain, elle va dire ça y est, c'est mon clébard. Je vais c'est pas vrai. Ne jamais se mettre en couple. Non, attention. Tu lui dis que tu l'aimes, ça veut pas dire que tu lui laisses tout passer à la moindre mais elle erreur. Le sait, Sandra. Bim. Elle le sait. Une fois qu'elle sait, s'il va dire je t'aime et tout, c'est mort. Mais non, c'est parce que mort. Vous, les mecs, vous quand vous aimez une nana, le jour où c'est fini, c'est fini. Non, c'est non, pas en général, je les aime toutes. Ouais. Encore et encore. Oui, bah, tant que tu peux les baiser, toi. Ah oui, on te connaît maintenant. C'est normal. Non, c'est mais les mecs, en général, quand ils ont une histoire d'amour, une fois qu'ils ont décidé qu'ils allaient se séparer de la nana, ils reviennent jamais en arrière. C'est rare bon, qu'ils reviennent en arrière. Attends, avant est-ce de l'appeler. Tu veux un vrai conseil? Non, surtout pas. Non, avant de l'appeler, je viens de voir un article qui parle de sujets qu'il faut absolument éviter quand on est en couple. Ça peut servir. Hein. Il faut éviter impérativement de parler de papa et maman. Oui, ah ouais, c'est mieux. Ne parlez pas d'argent. Ne parlez pas des ex, hein, de vos ex respectifs, oui, ça sert à rien. Ne parlez pas de poids également, hein, ça non plus, ça sert à rien. Oh chérie, tu as grossi un peu, tu reprends bien dans cette peu. Robe. Exactement. Ah, par contre, ça va être chaud. Pourquoi? Parce qu'elle a un cul démesuré. Non, c'est pas ça, c'est que j'arrête pas de lui parler de mes ex, mais pas vraiment tout le temps. Mais il faut pas, pourquoi jamais. Tu lui parles de tes ex? Mais comment tu l'as fait tomber amoureuse avec ça? Ouais. Bah, j'ai pas fait tomber amoureuse à cause de mes ex. Non mais t'as pour le même prix elle se barrait, hein, faut pas lui parler de tes ex, qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle en a à foutre de tes ex? Bah rien du tout. Et bah voilà, donc évite ça, hop, au placard, t'oublies. Et il faut pas non plus leur parler des prouesses sexuelles. En gros, si vous voulez, il faut pas être comme Toff. Il faut pas jeter de la poudre aux yeux. Et après, ne pas t'assurer, tu vois. C'est ça, c'est de la poudre. Il est aveugle avant de coucher avec. C'est les jacques faciales que t'as fait jeter de la poudre. Non, c'est pas ça, non. Donc voilà. C'est pas mon truc. Oui, non, bah très bien. Bon, non, en même temps, tu parles de tes ex. Faut pas commencer par ça, quoi, voilà. Direct. Donc venez nous dire aussi les sujets là sur lesquels vous, vous vous prenez la tête avec votre mec ou votre meuf. Là, on en parle encore jusqu'à minuit. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Quel est le sujet de prédilection qui fait que ça part en couille avec votre copain ou votre copine quand vous parlez d'un truc d'office, paf, ça part en sucette. Enfin, pas qu'elle vous suce, hein, mais ça part en couille, c'est ce que je voulais dire. Non, mais parce que sinon... bah oui, oui, enfin, ça part pas en couille. Ouais. Ça part... vous engueulez. Ouais. Voilà, parce qu'on peut plus rien dire maintenant, c'est un truc de ouf. Bon, on va l'appeler Johan. Ouais. T'as prévu quoi? Un petit texte là. Oh merde, attends. Il faut qu'on le valide parce que tous ceux qui ont fait des textes, ça a été une catastrophe, donc on va le valider. Alors fais-nous péter la. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah non. Ah si, mec. Ça c'est perso, je la garde. Bah, c'est perso, tu vas le dire à l'antenne là, c'est perso de quoi? Je la garde jusqu'à ce qu'elle soit au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Allô, c'est Thérèse. Oui, c'est Morgane, qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce que tu voulais me dire? Bah en fait c'était pour dévoiler mes sentiments, voilà. Ah bah très bien, bah vas-y, je t'écoute. Vas-y Johan, ta déclaration là, vas-y. Sois bon. Vas-y, je t'écoute Morgane. Merde, je t'écoute Johan. C'est top là, qui sort comme ça. Non mais c'est parce que j'aime mon prénom. Je me kiffe. Exactement. Allez. Bon bah Johan, t'es cramé, casse. Bon bah vas-y alors, écoute, qu'est-ce que tu voulais me dire? Allez. Vas-y, bah, enchaîne Johan. Eh Tof, t'es cramé d'avance. Mais c'est pas Tof, c'est Morgane. Mais c'est pas Morgane, c'est très mais bien. Mais si. Bon alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu veux que je te joue un peu de guitare? Bon alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Laisse-nous checker, on est des professionnels. Mais on est des professionnels. Écoute. Tu peux vite passer pour un bouffon là. Tu vas pas faire une compétition de course sans passer chez le garagiste pour vérifier que tout aille bien. Ah j'aime bien cette pas mal cette hein. Voilà, donc il y a un moment nous sommes les garagistes et toi tu vas être le compétiteur. Voilà. Et après on va te prêter un cric, mais c'est pour autre chose. Ouais, bon, enfin bon, merci Tof. Bon, alors. Sale con. Ah. Ah, c'est pour lui dire que voilà, depuis que j'ai parlé la première fois, bah c'était pour, parce que je suis tombé sur son charme. Ah, sur son charme. Ah, si, oui. Non, à côté de son charme. Sous le charme. Ouais, je suis tombé sous le charme. Vous êtes rencontré sous un arbre? Non, ta gueule, Tof. Pour lui avouer que voilà, je suis tombé amoureux d'elle, que pour dire que les sentiments sont... Bon, attends. Mais tu l'as écrit ou pas? Attends, est-ce que t'as écrit quelque chose ou pas? Parce que si tu bafouilles en l'écrivant, c'est bizarre. Ouais. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que Sandro va passer pour Morgane et on va faire une répétition. Ce sera mieux, au moins après tu connaîtras ton texte, tu sauras par où aller, et tout ça, ça va être bien. Tu veux de la musique ou pas? Non, ça ira. Je te mets une petite musique, petite musique de lover. Oh, tu vas dire, je peux te dire. Allez, je joue même moi la guitare. Attends, j'en ai à la foutre, moi j'ai peur de rien. Bon, on y va, alors attention. Accordé en ré majeur. Oh, exactement, on y va et c'est donc Sandro qui va jouer le rôle de Morgane avant qu'on l'appelle en direct, d'accord? Ok. Allez, c'est parti. Merde. Je suis emballé, comme ça, mauvais. Et tu mets pas le téléphone? Oui, bah, ring, hop, ça sonne. Oh, c'est nul, non? Voilà. Attends, tu laisses sonner au moins trois fois, c'est un. Oh, t'es relou, merde! Ah, mais non, mais c'est vrai, ça bien! Parce qu'une meuf relou a fait sonner trois fois. Parce que si je laisse sonner quatre fois, ça veut dire que c'est trop, et deux fois, ça veut dire que je suis une pute. ça veut dire que je suis une plus facile. Non, ça veut dire que j'attends son appel si je décroche tout de suite. Oui, trois fois. Bon, ça sonne, voilà, hop. Mais la sonnerie. Non, c'est pas ma sonnerie, ça. Mais si. Non. Mais t'en as des sonneries, mais nous une sonnerie. Mais merde, fais du jeu là. C'est quand c'est toi que tu lui mets une sonnerie de relou. Quand c'est moi, tu me mets jamais une sonnerie. Ta gueule, Chocobon. Ça s'appelle la discrimination. Exactement, oui. Moi, j'ai jamais les hommes d'abord. Une sonnerie. Bon, y a pas de sonnerie. Elle est partie. J'ai déjà tapé un poème pourri là. Elle est partie. Arrête, on sait non, pas encore. On sait pas encore. Bon, allez. Sonnerie plus guitare. Voilà, t'as eu ta sonnerie. Non, ça c'est que j'ai reçu un message, arrête. C'est ça, ouais. Bon, alors quoi? Mais j'ai pas de sonnerie, mais là, si que je suis en merde. Tout le temps, pourquoi, comme par hasard, là, t'en as pas? Eh ben non, bah, j'en ai plus, elles sont parties. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle est pénible. Bruit la sonnerie. Voilà. Allô? Allô? Oui, c'est qui? Oui, c'est Johan. Ah bah Johan, pourquoi tu m'appelles en numéro privé? Ah, c'est pour te dévoiler mes sentiments. T'es où, là? Je suis chez moi. T'es avec qui? Je suis tout seul. T'es tout seul? T'es où? Dans ta chambre? Ouais. Et tes parents, ils sont où? Ils sont en train de dormir. D'accord. On peut parler alors. Ouais. Ça va, mon chéri? Ouais, t'as. Bah oui. T'as mis du temps à m'appeler quand même. J'ai attendu toute la journée. Laisse pas faire. Tout à l'heure. La laisse pas prendre le dessus, ouais, putain. Le dessus là. Domi, putain. Il... Vas-y. Bon, tu fais quoi, mon cœur? Il faut qu'on t'appelle le Dominator après. Tu fais quoi là? Non, rien et toi. Je me branle. Bah, j'attendais ton appel. Si, tu fais quelque chose, je mais. Viens de dire. Mais tu donnes un peu de temps. Mais mon appel. Oui. Écoute, Polo. Vas-y, pose tes couilles écoute un peu. Écoute ton pote qui est derrière. Bon, stop, stop, pause. Rewind. Pause, pause, pause. Alors, ne jamais la laisser gérer la conversation. Elle va finir t'es par mort. Croire que c'est elle qui gère tout alors que c'est pas le cas. Ne jamais dire, bah je faisais rien, je me faisais chier donc je t'ai appelé. Sinon elle va dire, ah bah d'accord, bah donc si t'étais sur une partie de jeu vidéo, en fait ouais. Tu m'aurais pas appelé parce que t'en as rien à foutre. Mmh. Donc tu vois, ça il faut éviter hein. Et puis, bah, il faut l'appeler, il faut lui montrer que t'as géré toute la journée, mais que tu trouves quand même du temps pour l'appeler parce que tu la kiffes, mais qu'en fait t'es sur-overbooké, etc., etc. Mais voilà. T'as pris un peu de ton temps si précieux. Exactement pour la belle, car elle le mérite. J'étais en double appel, je te reprends. Oui, c'est vrai. Et donc, t'as pas été. Et alors, t'es en vacances, mais justement, t'es encore plus surbooké qu'avant. Mais ouais, tu dois voir les potes, tu voilà. Dois dormir, tu dois gérer, jouer à la console. T'as aidé une grand-mère à traverser, ça fait toujours bien, hop, vite fait. Et puis. Et puis voilà. Bon, on continue, double appel, le double appel est terminé. Hop, hop, hop, c'est parti. T'as combattu des elfes. Allô, ça marche toujours, ça. Allô, oui, excuse-moi, c'était un gros lourd qui veut sortir avec moi. Il veut quoi encore lui? Bah il est chaud sur mes côtes. Il est chaud sur mes côtes. Pardon? Passons son numéro. Oh là là. Mais on s'en fout. Eh hey, mec. Eh hey, t'es pas. C'est génial ça. Mais non. Mais non mais il t'es pas. Jaloux, mais non mais tais-toi, t'es pas en mode guerrier là. T'es là pour lui déclarer ta flamme. Non, commence pas à l'engrainer. Eh hey, tu sais quoi, je préfère que tu me fasses une crise de jalousie que tu me donnes ton poème pourri. Fais-moi une crise de jalousie, j'adore. Oh putain. Ah non, je suis pas fort pour les crises de jalousie, en plus j'en fais de temps en temps. Bon bah fais-moi ton poème alors. Vas-y fais. Mais te laisse pas dominer, putain, c'est pas possible. C'est bon, j'ai le dire mon poème. Mais t'écoutes, putain. Tu lui dis écoute, c'est quoi? Eh bah tu lui dis ouais, bah, tu sais quoi, arrête de me prendre la tête, faut que tu t'énerves là. Vas-y. Ah non, j'aime pas énerver les gens. Bon, je t'écoute mon cœur, dis-moi. Dis-lui ferme ta gueule et puis on en parle non, plus. Non, mais non, mais l'autre, c'est pas... Bon, allez, stop, on continue. Allez, dis-moi. Bah, bébé, depuis que je t'ai parlé pour la première fois, je suis tombé sous le charme. Non, oh, c'est trop mignon. Je vais t'avouer aussi que je suis amoureux de toi, que tes sentiments que j'ai pour toi sont tellement réciproques. Attends, la relation sens unique, les sentiments que j'ai pour toi sont réciproques. Eh chérie, moi je t'ai pas encore dit que je t'aimais hein. Voilà, erreur déjà, ça bon. Tu rayes. Voilà, donc déjà il faut pas la brusquette avec elle depuis hier. On a l'impression que vous allez vous marier, que vous allez avoir le monospace, la maison, le labrador et tout ça quoi. C'est pire que ça, il lui dit tes sentiments sont réciproques. Bah oui. Mais elle t'a rien dit, t'en sais rien. Elle t'a dit quelque chose ou pas? C'est prétentieux. Moi, elle m'a dit qu'elle m'aimait, c'est tout. Elle te l'a dit hein? Non, attends, elle t'a dit je t'aime bien ou elle a dit je t'aime? Ah, elle m'a dit je t'aime. D'accord, donc. Oh. Bon, vas-y, mais le dis pas comme ça. Ouais, ouais. Vas-y, plus à la cool, tu vois. À la cool. Love you, bro. Tu vois, dis comme ça. Non, mais franchement, le début, c'était bien. Moi, je trouve ça super mignon. Ah oh, putain, elle est aussi ringarde que les autres. Bah oui, bon, bah parfait. Hein. Bon, bah écoute, alors on y va. Mais attends, le poème, et le poème. Très bien. Et le poème. Bah, il est fait, là. Mais c'est pas. C'est ça le poème? Non, c'est un texte. C'est un texte. Ah, c'est pas fini, pardon, alors vas-y. Je recherchais une fille, toi. Je recherchais une fille pour avec qui me poser. Pour baiser. Vas-y, arrête, Mickaël. Arrête, non, mais sérieux. Il est trop mignon. Moi, j'aime bien. Et moi? Attends, mais t'as quel âge? 17 ans, man. Mais 17 ans, tu lui dis de poser, elle va me fuir. Ne tutez pas de poser, mec. Dis-lui que tu veux la chiller. Tu veux la démonter avec ta grosse bille. Mais non, ta gueule, pas, c'est pas vrai. Pas toi. Non. Vas-y, Johan, vas-y. Tu veux une compagne quoi, tu veux une meuf, tu veux vivre des moments importants quoi. Bah, c'est ça, ça on parle mais oui. Vous éclatez des boutons, des trucs comme ça quoi. Et rigole, rigole. Si, si t'as envie de lui dire que tu veux te poser, dis-lui, il faut pas mentir. Bon alors, on y va, mais on se pose pas si à cet âge-là, il a dit c'est balai. Mais non, mais dis pas comme ça, mais dis que tu veux une relation sérieuse avec elle, c'est important de le souligner si tu le veux vraiment. Bon vite. Avec quoi? J'ai pas compris. Non, elle disait que c'était parfait. Rien, allez, vas-y, rien, continue. Après, rien. Vas-y. Allez, vas-y, continue. Bon, je disais, je recherchais une fille avec qui me poser, avec qui me causer, certes, j'ai 17 ans, mais je suis en mode rêve quand je t'entends au téléphone, quand tu m'as ouvert. Que c'est ringard, que c'est ringard. Je te jure que j'en ai pleuré pour la première fois. Oh là là là là. Ah, si, moi j'aime bien. Le bonhomme. Pour te dire que t'es rentré dans ma vie, tu n'en sortiras pas. Oh là. Ne lui fais pas des promesses que tu ne peux pas tenir. Mais ils ont 17 ans, laisse-les, merde. Mais justement, dis-toi, hey mec Yoann, je vais te dire, hein, je vais être franc, hein. Il y a un moment, là t'es en kiff, mais sache que ce ne sera pas la femme de ta vie. Mais oui, il y en aura d'autres, elle va te tromper, elle mais va. Mais pourquoi tu lui casses son truc? Arrête, en il va le vivre, mec, laisse-le. Je crois que je vais parler à Sandro quand je suis venu à Nancy. Hein? Quoi? De quoi? Quand je suis venu à Nancy le 27 octobre. Ouais. J'allais dire à Sandro que j'étais avec ma avec mon ex depuis 3 semaines. Ouais. Oui. Bah, malheureusement celle-là m'a pris pour un con. Ah bah oui mais t'inquiète pas, l'autre fera pareil. Mais bon après on sait jamais hein, sur un malentendu, ouais. Qui sait. Non mais dis-toi que cet été t'en rencontreras une autre bon. Sur la plage qui baissera son string et on en parlera. Mais non. J'ai le temps pour l'été. Bien sûr, oui, bien sûr. Bah ben voilà, tu vois. Ne dis pas j'en ai pleuré par contre. Ouais, tu vas passer pour un regard là. Parce que c'est vrai ou pas t'as pleuré? Ouais, c'est vrai. Oh le bouffon. Oh c'est trop beau. Non, c'est pour rire. Non mais lui dis pas dès le. Là ça fait que deux jours que vous êtes ensemble, lui dis pas maintenant, ça peut lui faire peur. Bon Yoann, on y va, on l'appelle. Je crois que tout ça peut lui faire peur. Allez, c'est parti. Quoi ? Commence à parler par contre. Ah bah. Qui moi ? Bah non, c'est toi qui parles, mec. Non, ouf. Bon, attends, avant de l'appeler, on met une musique d'à propos. On va mettre Jason Derulo avec Marry Me. Oh, yeah, oh, trop choupinou. Oh, t'as vu comment je suis génial. Je l'avais sur Facebook. Allez, bouge pas, on arrive. 105 is the number that comes to my head. 105 is the number that comes to my head. When I think of all the years I wanna be with you. Oh si Jason disait ça dans le creux de l'oreille à Sandro là, en parlant comme ça. J'adore. That's precisely what I plan to do. Oh yeah. Ah c'est okay. Bon putain. Oh yeah, Sandra, do you marry me? Oh yes. I'm Jason Derulo. Of course. Of course. Ah ouais, c'est bon. Avec Sandro, il la déroule quand il veut. Ah bah là, c'est sûr. là, c'est sûr. Il y a Cheapest Baby qui dit: moi, si un mec me fait une déclaration au bout de un jour, il est cocu direct. Je préfère un mec qui dit rien, qui casse les couilles. Voilà. Bon, d'accord. Moi, c'est dit. Antoine qui dit: empêchez-le de dire ce qu'il a écrit, c'est absolument ridicule. Ah oui. Jesse qui dit: mort de rire, je vous écoute. Là, je sais. Attends, c'est quoi? Là, c'est trop marrant. Tous les soirs, je vous écoute. Je vous adore. Toi, Mickaël et l'équipe, je suis en train de vous écouter. En ce moment, dis bonjour à l'équipe. Joyeux Noël et bonne année. Merci, Jesse. Gros bisous à toi. Il y a Ness qui dit: mort de rire, génial la déclaration. Et enfin le prince Nadia qui dit: le questionnaire de Sandro est magique. Bon, alors on va continuer là. On va encore faire des appels, hein. On n'est pas en avance. Oui, allons-y. Oui. Bah, attends, on va d'abord d'abord Yoann, ou on fait d'abord un petit appel? Non, d'abord un petit appel. D'abord un petit appel pour le petit appel avant. Bon, ouais. Bah très bien, bah, tu je fais bien. Je suis égoïste moi d'abord. Bon alors Yoann, bouge pas, puisque depuis tout à l'heure on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas dire cunilingus, mais qu'il y avait une erreur de traduction. De traduction, hein, et en fait c'est le cunilinctus qu'il faudrait dire normalement. Bah, exactement. En théorie en tout cas. Cuni le sexe et linctus léché. Voilà. Donc on y va, on rappelle. On rappelle pas, mais on appelle d'autres personnes maintenant. Des numéros que vous avez envoyés directement sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on y va, on appelle la live and direct. Allez, espérons que ça décroche à 23h34. Allô ? Oui, bonsoir madame. Monsieur ? Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous pratiquiez le cunnilingus. C'est quoi ? Le cunnilingus ? Oui. Mais c'est quand le monsieur il vous lèche le clito, madame. Ah bah écoutez. Je sais pas trop. Et pourquoi vous me posez cette question ? Bah parce qu'en fait, il faut plus dire cunnilingus, madame. Ah, et comment il faut dire ? Il faut dire cunnilingus, c'est une erreur de traduction. Ah d'accord, oui, d'accord. Voilà. D'accord, je vois. Et oui. c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Voilà. Et sinon, à part ça. À part ça, tout va bien, madame. Ah, tout va bien. Bon, bah ça va alors. Vous m'envoyez ravi, monsieur. Vous êtes rassuré ? Oui, bon. Je pense, parce que là, quand même, je m'inquiète un peu pour votre santé mentale. Enfin, vous avez l'air à la voix comme ça, un peu. Ça a l'air d'aller, hein ? Ah, bon. Bon, voilà. Mais bon, hein ? Oui. Sinon, à part ça ? Bah à part ça c'est tout, je voulais juste vous prévenir que vous fassiez pas l'erreur quoi. Ah c'est gentil. Mais oui. Merci beaucoup. Bah je sais, hein. Je sais bien. Voilà, vous comptez prévenir plusieurs personnes comme ça? Ah oui, évidemment. Ah, oui, bon, c'est bien, c'est très bien. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et puis peut-être à bientôt pour un autre cours. D'accord, mais vous avez bien noté, hein, madame? Oui, ne vous inquiétez pas, j'ai bien pris note, il n'y a pas de problème. Ouais. Eh ben, c'était pour être sûr, hein. Ah, voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Voilà, très bien, là. Elle a bien pris le temps, plus, c'est nickel. Ah, bah oui, non, elle était bien aussi. Eh ben, impeccable. Et on fera encore un autre appel tout à l'heure, un petit dernier avant de partir. Oh oui. Eh ben oui. Et Yoann avec nous, de retour. Yoann ? Ouais. Bon, attends, il y a Hugo d'abord, appel de Nonjo. Salut, Hugo. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Bon, nickel. Bon, avant d'appeler Morgane, donc la meuf de Johan, Hugo, donc tu voulais donner ton avis par rapport à Johan et par rapport à la déclaration qu'il a faite en essai, hein, bien sûr, hein, pour du beurre à Sandro, afin de voir un peu à quoi ça ressemble. Heureusement qu'on a fait une déclaration. Hein. Ouais, heureusement qu'on a fait un essai, effectivement. Bon, alors, Hugo, qu'est-ce que tu avais à dire à propos de cette déclaration? En fait, moi j'ai... Non, je comprends pas. Est-ce que tu peux te mettre dans un endroit où il y a des meubles? Ah oui, voilà. Ouais. Non, bah alors, mais dans un endroit où il y a du réseau. J'ai oublié de lui dire pour le coup d'enlever son haut-parleur ou son kit main libre. Et t'as pas de kit main libre? Non. Bon, t'as juste pas de réseau alors, très bien. Non, c'est un téléphone pour moi. Je manque de réseau en fait. Ah, tu manques de réseau, mais tu peux pas te mettre dans un peu plus à gauche, à droite, je sais pas, quelque part où il y a du mais réseau. Sinon, quand vous avez pas de réseau, pourquoi vous appelez? Et pourquoi vous appelez pas avec un fixe surtout? Mais oui. Enfin, si t'en as pas évidemment. T'as un fixe ou pas? Oui. Ah bah voilà. Bah, attends, ça marche mieux là, on entend mieux. Bah oui, là oui, effectivement. Bon alors, Hugo, bouge plus. Ok, je bouge. Bouge plus, fais le poirier. Alors, voilà. Bon, et mets, lève la main pour faire antenne. Ouais. Eh ben voilà, nickel. Bon, alors Hugo. Hugo. Oui. Bon, alors tu voulais dire quoi? Bah, c'est mon fait que je suis en couple depuis plus ou moins 2 mois. Ouais. Et j'ai avoué que j'avais embrassé une de mes ex. T'as dit à ton ex, non, parce que j'essaie de traduire parce qu'on comprend pas tout, t'as dit à ta meuf que t'avais eu un rapport avec une de tes ex? Oui, parce qu'il y avait une de ses parents qui lui a dit, du coup j'ai dû bon, écoute, on va t'appeler sur la ligne fixe parce que je comprends rien. Yo, bouge pas Hugo, on va te rappeler. Non, mais parce que là c'est vraiment difficile. C'est déjà moi je comprends pas, les mecs dans leur voiture ou dans le camion, etc. Je crois que personne ne capte rien de rien. Bon, c'est pas grave. En attendant, Johan, on y va. Sois bon, t'es sois prêt grand, sois fort. T'as tes couilles en main là? Les couilles, je les porte avec mes deux mains. Voilà. Parfait. Ah bah dis donc. Très bien. Allez. T'as une maladie, mec. Fais attention. On y va. Il y a Dimitri qui dit, faut pas qu'il le dise. Le petit qu'il fasse sa déclaration à la Saint-Valentin, pas au bout d'un jour. Lol. Et Zédéric aussi qui dit, je suis triste. Attends, c'est quoi? Je suis triste, peux pas vous écouter car toujours pas d'électricité à cause de la tempête. Mais t'habites où, toi, Zédric? Une petite pensée dans le Calvados. Dans le Calvados. Ah d'accord, ouais. Une petite pensée pour moi dans le noir qui a peur. Bah oui, voilà, même si tu peux nous écouter, c'est dommage. En même temps, si tu nous envoies un tweet, c'est que t'as internet. Donc pourquoi t'écoutes pas avec l'application, par exemple, Mickaël No Limit sur iTunes, c'est gratuit. Bien vu. Bah oui. Enfin là, en même temps, il peut pas. Non, bah là, elle entend pas, mais on va tweeter, là, on va lui répondre. Y'a Mandy aussi, trop mignon, vous les garçons, vous connaissez pas le romantisme. Comment? Quoi? Alors là, Mandy, c'est bien de nous connaître. En tout cas, me connaître, autant Toff et Polo sont de gros porcs. Non, je suis romantique, moi. Ah, nous après, sommes le romantisme même. Je me suis dans les cheveux des filles. C'est génial. Je partage. Ah, super. Y'a Ludo qui dit, parler à une femme, ça sert à rien de tourner autour du pot. Hein, P-E-A-U, hein, donc du pot, P-O-T on dit, hein, ou de l'étourdir, parler avec le cœur et dire comme ça vient, cela est mieux. Et mais à 17 ans, c'est une amourette, reste toi-même. Ah, ça dépend, après il y a des gens qui sont rencontrés à 17 ans et qui sont toujours ensemble aujourd'hui. Et voilà, après, nickel. Ils se sont trompés 200 fois, mais ça c'est pas forcément. Pas forcément. Bah, comprends pas ta vie pour une généralité, hein. Voilà, c'est ça. Bon, Johan, on y va, on l'appelle. On y va, on l'appelle. T'y crois là? J'y crois. Sûr? Façon... Sûr. Mais t'emballes pas non plus, hein, parce qu'il y a quand même de fortes chances que ça termine en catastrophe. Hein, et puis, dis-toi que de toute façon, tu l'aurais quand même trompé à un moment ou à un autre. N'importe quoi. Non, moi je suis fidèle. Oui, oui, Johan. Allez, on y va. C'est parti, on l'appelle. Vas-y, yo. Pense que n'oublie pas que t'as aucune chance, on sait jamais. Sur un malentendu. À la fin de votre parfait. Ah bah tout ça pour ça, putain. On t'a sauvé. Oh merde. Oh, je suis content. Mais comment ça se fait que c'est le répondeur? Je sais pas. Mais elle roupie déjà à 11h30. Bah elle m'a envoyé un message, elle m'a dit qu'elle essayait de tenir avant de roupier. Ah parce qu'en plus tu l'as prévenu. Bah ouais. Non, ça se trouve elle a entendu tout ce qu'on vient de faire là. Elle a dit vas-y, j'ai honte, tu décroches pas. Non, répondeur. J'ai prévenu qu'elle restait un petit peu debout avant qu'elle se couche parce que je vais essayer de l'appeler après en rantaine. Bon alors elle dort debout là peut-être. Non, elle est pas comme ça. Bah, t'en sais rien. Écoute, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on essaie de la rappeler dans 5 minutes. Peut-être qu'elle est au téléphone avec quelqu'un d'autre, hein, c'est possible. Oh là, bah oui, elle a appelé ses copines. Pour dire, putain, la honte, il a appelé. Qu'est-ce que je fais, c'est chaud. Bon, Johan, reste avec nous, d'accord? Ouais. Bon, bouge pas. En attendant. Bah alors? Ah. J'ai eu peur. Écoutez le sifflement. Caractéristique de ce personnage énigmatique. Tout à fait. Qui est le Jean-Pierre Sauzet. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir. Comment ça va, Jean-Pierre? Bah, ça va très bien. Eh bah tant mieux. Et très... toi? Eh bah écoute, plutôt bien aussi, Jean-Pierre. Hein. Ok. Comment ça va depuis le temps? Je passe un peu tous mes excuses parce que hier j'étais un peu énervé, bon, c'est pas grave, hein. Bah non, c'est pas grave, Jean-Pierre. Sinon, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que il y a mon producteur, Monsieur Marchand, et tu dois l'appeler en direct, vous êtes au courant, là. Ah, je dois l'appeler en direct ? Geoffrey, il a son numéro. Donc ah, le stagiaire, c'est Dexter. Dexter le stagiaire, alias Geoffrey, effectivement. Hey, Jean-Pierre, fais attention parce que le stagiaire, il t'aime pas beaucoup. Hein. Oui, effectivement. Ouais. Y a un truc qui est bizarre. Et ouais. Jean-Pierre, j'ai ouï dire que tu n'aimais pas non plus Sandro. Ah bah alors ? Qu'est-ce que je t'ai fait, Jean-Pierre ? J'ai pas fait, avec Sandro, c'est-à-dire, il y a trop de moqueries. Moi, je suis un artiste, vous me respectez. Que vous rigolez avec les autres, je m'en fous. Mais Jean-Pierre, c'est toi-même qui l'a dit dans une émission de télé que t'étais un humoriste ? Oui, et que c'était pour rigoler. Non, mais peut-être humoriste, mais je veux qu'on me respecte aussi. C'est normal. À quel moment je t'ai pas respecté ? Non, de toute façon, Jean-Pierre, t'as raison, ce n'est qu'une fille. Et déjà qu'elle ait droit à la parole, c'est déjà pas mal. Pour moi, ce n'est qu'une gamine. Exactement. Bon, mais t'as raison. On va arrêter de parler ça. Non, mais t'as raison, Jean-Pierre. Vincent, oui. Bon, alors, donc on a le numéro de. Bon, on va l'appeler après la pub, alors, Jean-Pierre. Mais c'est quoi la bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est que. Après, je vais venir te voir. Ah. La radio avec mon musicien Jérémy, on fera un petit concert là-bas. Non. J'ai oublié, t'es ok. Oui, c'est une très bonne nouvelle, et Jean-Pierre. La nouvelle, c'est que oui. Je vais faire un concert aussi avec toi. C'est-à-dire à la discothèque, là. Ne rigole pas, Polo. Quelle discothèque? C'est pas drôle. Le 7 février. Ah oui, pareil, oui. D'ailleurs, effectivement, il y a Toff et Polo qui sont guests. Avec ah bon, Evans, oui, exactement, avec mais Evans. Pas, Toff, avec Evans ou les Timberland ? Avec Evans, exactement, oui. Non, mais oui, tout à fait, je suis au courant. Bon, alors, Jean-Pierre. Oui. Bon, alors, reste là parce qu'il y a la pub qui pousse là maintenant. Il y a plein de clients qui ont acheté de la pub là maintenant parce que t'es passé. Donc, on te reprend juste après et on appelle le producteur. Voilà. Et tu passeras une chanson de moi et quoi de oui, ah bah, mais évidemment. Pas de problème. D'accord, Jean-Pierre ? Okay. Ouais. Bon, ben reste avec nous, hein, bouge pas de là, on va revenir dans quelques minutes, là, bougez pas. Bah oui, je savais pas là, cette grande nouvelle. Et quelle bonne nouvelle. Ah ouais. Ah bah. C'est quoi cette histoire, je suis au courant, moi, tu nous expliques. Qu'on appelle les Vans là. Ouais, on va appeler les Vans, ouais. Bon, il y a Gwenaëlle qui dit je confirme, je comprends rien de ce qu'il a dit dans le camion. Ah voilà Gwenaëlle, voilà. Gwenaëlle a confirmé par rapport à Hugo qu'on comprenait pas ce qu'il racontait. Bon, on va récupérer Johan dans quelques minutes, Jean-Pierre Sauzère également. Vos toutes et vos tous en direct et dernière ligne droite, pardon, pour choper la Samsung Galaxy Tab 3, allez-y maintenant, facebook.com/mikaelofficiel. Bah vous venez nous rejoindre et puis vous jouez pour choper le Samsung Galaxy Tab 3, c'est la tablette qu'on vous offre ce soir. On fera le tirage au sort dans un quart d'heure maintenant, sera un petit peu avant minuit. On fera également un point sur le top Twittos, on fera même le résultat du top Twittos. Ce sera dans quelques minutes sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël, no limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, bon bah sauf qu'on est là de 20h à minuit évidemment, on n'allait pas changer le jingle pour deux jours évidemment. Bah, faut pas déconner évidemment. Demain on sera là aussi de 20h à minuit sur Fun Radio, donc soyez bien là également, je compte sur vous. Et puis dernière ligne droite, Samsung Galaxy Tab 3 à gagner dans 10 minutes, c'est le tirage au sort qu'on va faire en direct sur Fun Radio. Il y a David qui dit vous déchirez, rien à dire d'autre, une émission de folie, continuez, merci David. Et Angélique aussi qui dit c'est qui est Jean-Pierre ? Bah Jean-Pierre Sauzère, c'est un grand chanteur de talent que nous récupérerons tout à l'heure. Il y a c'est Malik qui dit un concert de JP où ça je veux venir. Bon, on vous donnera toutes les infos en temps et en heure. Vous inquiétez pas, on garde ça secret pour l'instant pour pas qu'il y ait trop de fans qui sont en train d'attendre. Bah ouais, c'est ça, qui fassent le pied de grue, qui dorment dans leur tente. Et qu'on ne vole pas l'idée parce qu'il y a des voleurs. En plus, hein, exactement. Le Prince Naya qui dit le 7 février, concert acoustique de Jean-Pierre Sauzère, exactement, oui. Et puis Stéphanie qui dit oh putain, je veux être là pour le concert. Mais on essaiera de faire venir un bus. Voilà, un quart avec les auditeurs. Le Jean-Pierre Tour. Exactement. Allez, et Mickaël officiel, balancez vos messages sur le Facebook. Venez nous rejoindre pour gagner le Samsung Galaxy Tab 3. Et c'est Drake qu'on écoute maintenant. I got my eyes on you. Le son Drake sur Fun, Hold On, We're Going On. Bienvenue à vous si vous venez de débarquer, il est 23h52. Il y a Sacha Dakota qui dit salut, terrible ton émission. Merci Sacha. Aurore aussi, vous déchirez. Je suis dans les Pyrénées Atlantiques où il y a une tempête, plus d'électricité chez nous et du vent au taquet. Je vous écoute avec mon téléphone, bisous à vous. Ouais, il paraît, merci Aurore pour l'info. Il paraît que ça tombe bien là-bas. Hein. Gros bordel a priori d'ailleurs. Prudent si vous êtes sur la route, faites gaffe les routiers, tout ça, faites attention. Christophe qui dit Jean-Pierre au Stade de France. Yes, tout le SAS sera rempli à condition que notre deuxième prochaine famille soit la Mickaël. Oui, c'est vrai. Alexou qui dit putain, quand j'entends cette musique de Drake, j'ai envie de faire un câlin. Ah bah alors Alexou, faut mais trouver viens, un. Je suis là, Alexou. Faut trouver, c'est un homme. Ah pardon, je suis parti. Non, je dis ça, j'en sais rien. Le prince Tania qui dit je vais te présenter pour le Jean-Pierre Tour. J'imagine déjà dans le bus en criant comme un fan hystérique Jean-Pierre. Et Titia aussi qui dit bonne fête de fin d'année à tout le monde. Mais merci beaucoup. T'as vu, Jean-Pierre, l'idée n'est pas mauvaise, non, de faire venir un bus, un car de toute la France, la Belgique et tout pour le concert. Ouais, bien sûr, parce que je sais que quand j'avais fait un concert à Fun Radio il y a 10 ans, qu'il y a beaucoup de monde qui était venu à oui, exactement. Ouais. Et tout le monde n'a pas pu rentrer. C'est vrai. Ben ah voilà. Oui, c'est vrai. Donc là, parce que là, c'est dommage, parce que là, le concert aura lieu, je peux le dire, hein, je peux le dire. On donne pas encore plus d'informations, mais je peux le dire en Picardie. Hein, oui. Voilà, donc le 7 février on sera là-bas et donc pour le pour alors c'est une soirée normale et en plus de ça il y aura il y aura les il y aura des chaussures des Vans qui vont mixer et puis il y aura et puis il y aura Jean-Pierre Sauzet en concert. Tu vas chanter combien de titres, Jean-Pierre? Je vais voir avec Jérémy quand je l'amène dans les locaux de Fun Radio avec ça. Lui, combien? Ah bah oui, donc on verra. C'est comme Tomo Roland. C'est pas mal. De combien? 8 ou 10? Ah quand même! Mais t'as 10 titres dans ton répertoire? Oui, ouais, bah, ouais, bien ouais, sûr. J'en ai plus que ça même. Mais attends, et, mais le boss de la boîte, il est déjà au courant là pour les, tous les titres? Ouais, ouais. Ah, et, bon, beaucoup, bah, hein. Bah, d'accord. Alors le producteur, donc comment il s'appelle? Monsieur Marchand? Il s'appelle Monsieur Marchand, ouais. Ah, il s'appelle Monsieur Marchand, d'accord, ok. Bon, écoute, on va l'appeler alors, mais il va nous donner quoi comme information? Je sais pas, moi j'étais pas au courant de tout ça, mais bon, il a appelé Vincent en disant qu'il voulait passer à l'antenne. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, alors on va l'appeler, hein. Bon, le producteur Marchand. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Oh, tu gères, hein, parce que moi je le connais pas, hein, Jean-Pierre. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Bon, très bien. Tu nous introduis. Oui. Et Cédric Marchand, bonjour. Allô. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Jean-Pierre Sauzet. Monsieur Sauzet, bonjour. Alors, on est à l'antenne sur Fun Radio, je pense, non? Non, non. On est à l'antenne sur Fun Radio. Oui. Ah, je vais le laisser en galère. À minuit, ouais. Ouais. Après, il va dire c'est de ma faute. Sur la radio, je comprends pas. Qu'est-ce que je fais sur la radio? Bah, je sais pas, moi. Je pense, hein, je suis pas sûr, mais bon. Après, je vous appelle pour savoir. C'est déjà sur quelle radio on est? Bah, on serait sur la radio. Sur Fun Radio? Sur Fun Radio, d'accord. Ouais. On est quel jour? C'est Mickaël, quel avant? Oui. D'accord. Bon, parce que bonjour à Mickaël, j'en ai pas souci. D'accord. Vous avez eu mon assistante par rapport à la demande de dossier? Non, non, j'ai pas encore eu. Non, non toujours pas. Non. D'accord. Non, parce que j'aimerais bien que vous m'envoyiez le futur contrat, le projet du contrat par email. Quand elle vous rappellera, il faudra bien vous lui donner votre adresse, vous savez, oui, la celle @live.fr. Par email, live. Okay. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Bon, alors, comment ça se passe, monsieur le producteur? Oui. C'est Mickaël. Oui, comment ça va? Bon, bah, ça va bien, et vous? C'est pas trop dur? Non, non, je vous remercie. Bon, bah, très bien. Alors, comment on fait alors pour. Parce qu'apparemment, il y a une soirée, là, enfin, un concert le 7. Oui. Ouais, j'ai entendu dire ça, ouais, j'ai reçu une invitation. Donc, Ah, donc, bah, très bien, vous êtes invité aussi, bah, tant mieux. Bon, bah, c'est parfait alors. Et donc, du coup, comment ça marche alors? Donc, il va chanter combien de titres? Bah, je sais pas, j'ai entendu parler d'une dizaine apparemment. D'accord, ok. Et alors sinon, il nous a parlé aussi du fait qu'il allait, à partir du 1er février, être disponible sur iTunes. iTunes, oui, il m'a dit ça aussi, ouais. Voilà, très bien. Donc, alors, ouais, mais iTunes, c'est toi qui vas m'y mettre, Mickaël, je pense. Ce qu'il a dit Vincent, il faudrait que tu l'appelles pour voir avec lui. Ah bah non, mais attends, parce que là, c'est-à-dire que je t'avais proposé hier de te mettre sur iTunes et que je prenais une partie des droits d'auteur, bah, mais oui, tu m'as dit non. Je sais pas, on plane avec tout ça, je crois qu'on va être sous aucune plateforme, on sait pas. Là, ça, c'est l'embrouille partout, là. Ah bah non, mais moi, je veux bien m'en occuper, moi, je prends 60%. C'est l'embrouille partout, donc on sait pas où on est avec ça. Non, mais non, on est nulle part, mais mais sinon je prends 60%, bah, Jean-Pierre. Oui, non, mais je vais voir avec mon compositeur, voilà. Ah, mais le compositeur maintenant. Bon, et le producteur, il peut pas te mettre sur iTunes? Sur iTunes, bah, moi pour l'instant, j'attends quand même d'avoir des maquettes sûres pour pouvoir. Ah, bah il y en a des maquettes. Attends, moi j'en ai des maquettes là, si tu veux. Moi j'ai ça. Attends, merde. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. L'on s'appelait fou, de me croquer les orteils. Et attention, il y a déjà du airplay sur Fun Radio, hein. Ah ouais, il veut pas nous faire un petit acapella là, vite fait là. Ah, ce serait bien, moi j'aimerais bien qu'il fasse la fête de la musique. La fête de la musique, moi j'aime bien la fête de la musique. Ouais. C'est possible ou pas, Jean-Pierre? Ouais, ouais, j'essaie. Pour tous tes fans. De la culture a donné le jour de fête pour aller danser. Aujourd'hui c'est la fête de la musique. La France se met à chanter, se retrouver faire la java, et puis boire du champagne. Attention, refrain. Voilà. Ah, mais le refrain. Escroc. Et le refrain. C'est la fête de la musique. Je l'ai fait le refrain. Mais non, mais c'est la fête de la musique. Ah, tu as passé. Michael, il est au taquet. Hein. Bah, bien sûr. Attends, mais moi je connais. Moi, je voudrais savoir que monsieur Marchand, s'il est sérieux ou quoi, parce que ça traîne aussi. Bah, attends, bon, il a l'air sérieux le monsieur là quand même. Il m'a dit en janvier, d'accord, mais. Non, bah là, on est en décembre. Il y a eu, j'ai pas reçu le contrat. Mais oui, mais là, c'est, c'est à cause des fêtes. C'est les fêtes. Ça traîne toujours. Non, mais c'est les fêtes, c'est les fêtes, c'est les fêtes. Les emails. Est-ce que t'as reçu le mail ou pas? Non, j'ai rien. Le mail n'est pas parti encore, simplement. Parce que, on a des dossiers en cours, on prend les dossiers en allant. Donc, monsieur Sauzère, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. J'ai pas vraiment eu encore. Le feeling. Non, c'est question de feeling. On s'est quand même pointé chez lui à 2h du matin. Peut-être pas 2h du matin, 1h du matin. Il nous a reçu très bien, il n'y a pas de souci. Bah, évidemment, évidemment. Monsieur Sauzère est quelqu'un de très gentil. Ah non, c'est quelqu'un de. Sauf au standard, mais sinon il y a adorable. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, c'est très bien alors. Donc, ouais, alors... Le problème, monsieur Marchand, moi je vous le dis franchement. C'est que bah, qu'il faudrait que vous redescendez me voir puis qu'on discute du projet et tout ça avec le monsieur que je connais, voilà. Voilà, mais discuter ensemble c'est mieux, voilà. Hein, avant de passer à l'antenne, voilà. Et donc comme ça. Des contrats à ces prix-là, oui, on faut qu'on discute. Hein, parce que mais là, voilà. On dépasse quand même le million d'euros. Faut non, c'est vrai. Bah, au moins ça, quoi. Oh, c'est la folie totale. Ah ouais, c'est du lourd, c'est du lourd. Faire un album direct avec des clips, donc voilà, c'est un investissement financier. Il m'a parlé d'une tournée, il m'a parlé de tout ça, donc ouais, c'est quand même... Mais la tournée démarre le 7 février en Picardie, on sera là-bas pour une soirée, d'ailleurs on en parlera à l'antenne de Fun Radio, évidemment. Hein. Donc ça, mais ça, on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail, de toute façon, quoi. Ouais, oui, ça marche. Bon, alors, bah... Non, bah... Quelle date que vous venez me revoir exactement? Quand est-ce que je viens vous revoir? Bah écoutez, on va voir avec Vincent, on va prendre rendez-vous. Et l'assistante. Voilà. Hein, il faudrait qu'elle appelle d'ailleurs Vincent en direct. Là, oui, mais là on a plus le temps, il est minuit. Là on va plus là. Là on peut plus. Okay. Ah, puis là on est sur la préparation d'une grosse production, donc là je vais retourner travailler. Bah, bien. Bah, alors ouais. Jean-Pierre, alors ce qu'on fait, je te repasse Sandro. Tu t'arranges avec elle pour la date. La date de validité pour le concert. Avec Jérémy, là. Avec, exactement. Ah ben ça, pour voir Jérémy directement. Bah, il vaut mieux que tu regardes d'abord avec Sandro. En fait, après... je sais jamais rien, quoi. Et après, elle voit. Je suis de Jérémy, moi. Oui, non, mais très bien, justement. Je alors disponible, hein. Bon, ben Jean-Pierre, est-ce que demain, tu peux nous chanter une petite chanson de Noël pour Noël? Bah, je sais pas si je suis là. Une petite chanson, ouais. Bon, si jamais t'es là, tu nous dis, comme bien ça, tu fais une petite chanson. Ouais, comme s'il avait autre chose à faire. Je sais pas. Bon, écoute, tu nous tiens au courant en tout cas. Ouais. Bah, merci d'avoir été là, Jean-Pierre. Ouais, et puis, de toute façon, le 7 février, on sera là en Picardie pour le concert. Ouais, d'accord, ouais. Bon, ça marche, ça roule. Salut, moi, Jean-Pierre. Merci, et puis bon, je vais avec plaisir. Ce marchand qui me rappelle des chipots, là. Et bah, dès que le mail est parti, on te tiendra au courant sur ton livre. Il faut bien qu'il demande à Vincent qu'il m'envoie son adresse, @liv.fr ou son Facebook, je sais pas encore. Les deux, en fait, de un mot et une communication, il n'y a pas de problème, quoi, de toute façon. Ouais, de toute façon, Vincent, on va gérer ça avec vous. Ouais, voilà. Bon, très bien. Il a bon, alors. Miss Space aussi, je sais pas si vous l'avez donné. Oui, le Miss Space, il a déjà donné. Ah. Donc, et tu nous tiens au courant, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui, mais tu me tiens, pardon. Tu me tiens au courant pour. Ça, ouais. Mais tu nous tiens au courant pour Equinex, hein, voir qui gère, comment on gère. C'est toi qui vas le faire ou c'est. Ouais, mais à ce moment-là, moi, je prends mon pourcentage. Hein. Je veux pas savoir. Ah bah tant mieux, bah très bien. Je prends 60 alors. Parfait. Bon bah écoute, parfait. Bon bah Jean-Pierre, merci beaucoup, monsieur le producteur. Je vous remercie. Merci. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Et à bientôt. Merci. Allez, au revoir tous les deux. Bon, bah voilà, je pense que c'est une affaire qui roule. Ouais. Et C'est surtout un bus qui va rouler. Hein. Et bah le bus va rouler, on fera. Sandra va animer le bus. Exactement, on sera là, il n'y a pas de problème avec Sandro, elle fera l'animation dans le bus. Ça va être parfait. Ça va être cool. Elle distribution de bonbons, ouais, sauf qu'en fait, quand elle arrivera au bout du bus, il n'y en aura plus. Plus, mais elle sera là. Ouais, ça va être génial. Un chocobon, c'est-à-dire un pour l'auditeur, un pour moi. Un pour l'auditeur, un pour moi. Et après, elle vous apprendra les chorégraphies. Exactement, elle fera les chorégraphies de Jean-Pierre Sauzère. Ça va être c'est top. La fête de la musique. Non, c'est boire la fête du dans le champagne. Bus. Ah bah boire du champagne, elle va faire. Hein. Non. Ah oui, ça, ah oui. Non, c'est bah pas non. Son style, évidemment, évidemment. Bon, Johan. Oui. Bon, on va essayer de rappeler Morgane. Oui. Bon, avant ça, il y a Dimitri qui voulait donner son avis également. Salut Dimitri. Salut à tous. Comment ça va? Ça va. Écoute. Bon. Tant mieux. Alors Dimitri, tu voulais donner ton avis par rapport à Johan là, qui nous a fait sa petite déclaration pour Morgane. Malheureusement, ça n'a pas décroché. On essaiera de rappeler dans quelques minutes. Mais bon, on va voir. Hein. Alors Dimitri, ton avis, on t'écoute. Ouais, ben à vrai dire, il vaut mieux pas qu'elle décroche et que ça reste comme ça. Vaut mieux pour lui qu'il soit patient. Ah bon ? Parce que franchement, tout ce qu'il gagnera, c'est un gros navet. Parce que c'est le genre de truc qu'il faut pas faire justement, surtout après un jour... avec une fille, quoi. Voilà, c'est surtout pas le genre de truc qu'il va faire, quoi. Bah, j'avoue effectivement qu'après un seul jour, c'est peut-être aller un petit peu vite en besogne. Ouais, voilà, vaut mieux qu'il attende vraiment le bon moment pour faire ça, parce que là, c'est gagné d'avance, il va prendre un gros râteau, c'est tout ce qu'il va gagner. Ah ouais, tu crois? Ouais, ouais, certainement, ouais, je pense. Ouais. Après, c'est tout à son honneur, il est jeune, il a 17 ans, donc... Et comme disait Saez, voilà. Je l'ai con. Voilà. Enfin, là, on peut dire très con. Mais non, mais c'est vrai, après, ça peut être une erreur de jeunesse. Et ça se trouve, c'est nous qui faisons erreur, et ouais. Ça se trouve, ça va très bien se passer. Mais oui, mais il va pas se prendre avant, puisqu'il sort déjà avec elle. Ouais, mais justement, il pourrait très bien faire marche arrière. Comment ça? Ouais, il pourrait faire marche arrière. Il soit vraiment patient. Moi, j'ai déjà vu plus jeune d'expérience. Tout ce que j'ai gagné, c'est que la fille, elle a fait demi-tour. Quoi. Ah. Bon, Johan. Moi, je connais pas une nana qui serait pas contente que son mec lui dise qu'il l'aime, quoi. Ouais, c'est sûr, mais bon, là, vaut mieux être patient. C'est la meilleure des choses. Ouais, c'est peut-être mieux aussi. Bah oui, mais oui. C'est peut-être mieux aussi. Bon, Johan, tu veux quand même qu'on l'appelle ou on reporte? Bah, au pire, on essaie de rappeler. Bon, on va quand même essayer de rappeler. Bon, tu vois, Dimitri, il s'en branle. Allez, c'est parti, on y va, voilà. On l'appelle. Attends, bouge pas, Dimitri, bouge pas, Johan. Si jamais c'est le répondeur, bah, on peut réessayer demain, éventuellement. Ah, non, ça sonne. À la fin de votre message. Merde, je me suis fait baiser, je pensais que ça allait... Bon, bah, c'est mort, Johan. Ah, j'y croyais, à déception. Merde. Bon, tant pis. Bah, c'est pas grave, prochaine fois alors. Oui, bah on fera ça, oui, bien sûr, sans problème. Bon, bah Johan, on te rappelle pour voir comment ça se passe. Et puis il vaut mieux laisser un peu pisser, comme ça au moins t'as le temps. Et comme ça on te rappelle à la rentrée. Ok, ça marche. Bon, on fait comme ça, ça roule. Salut Johan. Et bah vas-y, profites-en, une seule personne, on t'écoute. Dylan Abdelkader, mon meilleur pote, comme j'ai fait la dernière fois. Très bien, et bah le message est passé, y'a pas de problème. Salut Johan. Salut Mickaël. Allez, à bientôt et bonne fête à toi. Je rappelle qu'on sera là demain 20h aussi, hein, pas de problème. Dimitri. Écoutez, pas de soucis. Ah bah cool, merci beaucoup Johan. Dimitri, merci à toi d'être passé également. Tu reviens quand tu veux. De rien, bravo à toute l'équipe, vous faites une super émission, j'ai vraiment rigolé et puis ça me fait bien passer le temps parce que je me fais vraiment chier à mon boulot. C'est vrai, bah donc, écoute. Voilà, et dédicace à tous et à la famille, à vos amis et puis voilà, bonne soirée, bonne nuit à tous. Très bien, merci beaucoup. Bonne fête à toi également Dimitri et merci d'être là tous les soirs, c'est gentil. Il est minuit 4-5 même. On va faire le tirage au sort là maintenant pour le Facebook. Avant ça, top tweetos. Oui, allons-y. Ah bah c'est parti alors. Attention, je rappelle qu'on donne le cadeau au numéro 5 ce soir du top tweetos, celui qui aura été l'un des plus influents, bah, le cinquième plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag et Mickaël. Bon, on y va, numéro 1. Numéro 1, c'est Let's Be Free. Ouais. Numéro 2. C'est Cheapest Baby. Ah, pas mal. Numéro 3. C'est Cédric. Numéro 4. Julien. Et enfin, le gagnant ou la gagnante, number 5. DJ Comac. DJ Comac qui repart avec son sextoy offert par passagedudésir.fr. Eh ben voilà, nickel. On remet en jeu demain d'ailleurs. Hein, car oui, même pour le réveillon de Noël, nous serons évidemment accompagnés de notre sponsor. Passagedudésir.fr. Voilà. On a des coffrets spéciaux pour Noël. Non, ouais, offert par passagedudésir.fr. C'est pas vrai. Et donc ouais, il y a des coffrets super sympas avec plein de des huiles, des trucs de massage. Mais offert par qui? Passagedudésir.fr. Ah d'accord, ok, très bien. Non, parce que vraiment je me disais mais qui offre ça? Passagedudésir.fr. D'accord. Il y a Daoud Ouida qui dit putain les gars, des crampes au ventre, des larmes aux yeux, trop fort son email. Ça s'appelle la diarrhée, mec. C'est clair. Lilian aussi, ou Liliane, je sais pas qui dit, sans être méchant, je pense qu'il va se ridiculiser. Mais c'est pas son premier concert. Hein. Sarah qui dit aussi Mickaël, mes amours et mes chouchous d'amour, je vous souhaite une très bonne nuit et très bonne fête à l'avance, je vous adore. Merci Sarah, gros bisous et bonne fête aussi. Le prince Nadia encore, rendez-vous le 7 février devant Fun Radio pour prendre le bus direction la Picardie pour aller voir Jean-Pierre. On sera tous là. Animé par Sandro. On va essayer d'organiser ça. Ouais. Et Malik aussi qui dit iTunes, Liv, Facebook, Wonderland. Putain, des barres de rire. Et mon prénom, c'est Mati et pas Malik. Bah oui, mais il y a marqué Mati Malik. J'avais une chance sur deux. Hein. Voilà, bon, ben bah, merci. T'es à fond, Mickaël. Merci, Mati. Alors, du coup, citation et beauté, qui alias Manon, qui dit Jean-Pierre, il a la même voix que ma grand-mère. Et alors, Florent qui dit par email. Oui, c'est l'email, bien sûr. Et Marine aussi qui dit je vous aime, je vous adore, vous êtes trop cool. Gros bisous à toute l'équipe. Et enfin, Oya qui dit lol, qui je kiffe. Je kiffe vos disputes. Comment ça, nos disputes? On se dispute pas, que je te raconte. Jamais. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez, on appelle le gagnant ou la gagnante, celui qui repartira avec la tablette Samsung Galaxy Tab 3. Tire au sort sur le Facebook de l'émission. Attention, c'est parti. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et répond correctement. Enfin, répond à rien en fait, faut juste décrocher. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Alex, j'ai 31 ans. Salut Alex, bon c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Je t'appelle parce que apparemment t'as fait un like sur ma photo où je suis avec le Samsung Galaxy Tab 3. J'ai même fait un partage. Ah bah oui, c'était le concept effectivement, bah très bien. Eh bien Alex, tu repars avec le Samsung Galaxy Tab 3. Eh bah voilà. Eh ben voilà, bravo Alex. Merci. Eh ben je t'en prie, t'es dans quelle ville, dis-moi? Je suis à Orléans. Orléans, très bien. Eh ben écoute, bravo à toi. Et puis la Samsung Galaxy Tab 3, elle est pour toi, tout simplement. Oh merci, c'est génial, c'est le cadeau de Noël. Eh ben voilà, très bien. Ben oh, profite bien. Belle. Eh ben bonne fête à toi, Alex. À bientôt, hein. Merci, à bientôt, vous irez les gars. Salut, ciao à toi, à bientôt. Bye bye. Bon, et puis ben nous, on va se quitter maintenant avec le générique de fin. Allez. Ouais. Allez, c'est parti, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bourres des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, mon oncle. T'encules comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Ton oncle, t'es un enculé. Mire, j'ai toute la journée. T'emmerdes moi, enculé, va. Ce gros connard va te faire enculer. Et toi, t'es enculé, va. Je vais te faire enculer. C'était le best-of, hein. Ferme ta gueule. Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu? Ils sont canadiens. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pictures, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Oui, je pense que ça n'a pas marché. Ah bah voilà, ça y est, c'est bon, Lilou, alors c'est fait. En retard, Lilou. Autant pour moi, autant pour moi. Bon, eh bah très bien, la soirée est finie. On est pépère, on est tranquille. Je suis fan de nous. Bah voilà, c'est, vrai, c'est bah, beau, donc, c'est beau ce que tu dis. Voilà, ouais, et on fan. Va et on va se retrouver demain pour la soirée, le réveillon de Noël, le 24 décembre. On sera là, en pleine forme. Eh ouais. Donc, bah plutôt une bonne nouvelle. Hein. Mmh. Mais plutôt oui, une bonne nouvelle. On va être demain, bien demain. Demain, 24 décembre, on sera là en direct sur Fun Radio. On va sortir la cheminée, exactement. La croix. Bah oui, oui. Et bah surtout la croix effectivement. Passez une excellente nuit en tout cas. Rencard demain 20h, je veux dire 23h pas l'habitude. 23h sur Fun Radio. Mickaël, no limit. Tous les soirs 23h, 2h sur Fun Radio. Fun Radio. Et on va accueillir notre ami Miko, c'est là, on n'a pas l'habitude. Comment ça va? Bah écoute, plutôt pas mal ma foi. Ça nous rappelle des souvenirs de l'été dernier. Ah. N'est-il pas? Exactement, oui. Qu'est-ce que c'est que ce générique de fin? Il n'était pas là l'été dernier. Bah, si, ça fait un bon temps qu'il est là. Non, il n'était pas là à l'époque. De... Je mettrais des bips partout moi. Ah non, mais à l'époque on avait peur de Lucas, maintenant c'est fini donc. le sous-chef, hein, Lucas. Donc maintenant c'est fini donc maintenant c'est bon, pas de problème. C'était à l'époque où on venait d'arriver, tu vois. On allait encore très bien là, maintenant on est à la maison. Hein. Je vois ça. Voilà, d'ailleurs, enfin, Jean-Pierre Sauzère ce soir dans Party Fun. Oui, le Jean-Pierre de Wonderland. Avec plaisir, regarde, en plus il est là, là, regarde, il est prêt, il est prêt. Je suis Jean-Pierre, oh. Au pays des merveilles, le chapelier fou. Eh, ça passe crème, le cruel en mix. Ça passe crème. Jean-Pierre, au pays de mes rêves, ouais. Le grand lapin blanc. Bien, c'est cher. Bah oui. Faudrait faire un bootleg. Exactement, oui. Ah ouais, c'est pas mal ça. Eh ben, il va nous faire ça, Miko. Ah, putain, il va le faire maintenant. Merde. Talentueux comme il est là, il va le faire. Mais ouais, il est balèze, Miko. Il sait faire ça. Miko, hein, putain, c'est. Waouh. On va y réfléchir. Voilà, David Guetta, c'est une batterie à côté de Miko, non? Bah, bien sûr. C'est attends, toi le meilleur. Tu vas quand même réussir à nous faire un petit remix. C'est comme on ça, t'auras une plainte un avant le concert de Jean-Pierre. Comme ça, t'auras une plainte de Jean-Pierre. Oui, mais droit d'auteur. Je pense que Jean-Pierre n'existe pas. Je pense que c'est Johnny Hallyday qui se fait une deuxième carrière. C'est possible. C'est vrai que c'est possible. C'est tout à fait possible. C'est vrai en plus. Tout à fait possible. C'est la bon, même voix. Exactement, oui. Bon, on va démarrer Party Fun là. Oui, on avait Mademoiselle Luna hier qui exactement. Était résidente, enfin qui est encore résidente de Fun Belgique. Et là, on part en Espagne avec DJ Nail, le poteau qui était, c'est un peu l'alter ego de Miko. Tout à fait. C'était le Miko espagnol qui était avec nous à Starfloor d'ailleurs le 23 novembre. Hola, qué tal. Dernier, exactement. Hola, qué tal. Hola, qué tal. Tengo corones. Parce que j'ai dit couilles, mais je sais pas ce que j'ai dit avant. Donc Tengo, j'ai est-ce que t'as inventer. Des couilles Ah, est-ce que t'as des couilles? C'est bien, c'est pas mal. C'est bon, clair. Et mais par contre, moins sexy que Mademoiselle Luna. On l'a perdu à ce niveau-là. Différent. Oui. C'est un autre style. Pour les demoiselles, c'est peut-être plus sexy. Oui, oui, c'est vrai. Bon, on a quand même perdu un petit peu en termes de poitrine. De... Oui, aussi ah, par oui. exemple. Exactement. Non, ouais. Toi aussi. En termes de poils, on a gagné. Ah, ouais. Ah, en termes de poils, on a gagné. Ouais, c'est sûr. Sûr. Bon, bah, merci en tout cas d'avoir été là ce soir sur Fun Radio. Et puis, on se retrouve demain sur le Twitter, sur le Facebook. Et en direct à partir de 20h pour passer le réveillon de Noël avec vous. Et ça, c'est classe parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de radios qui passent le 24 décembre. Ah, non, non, en non, direct. Mais en fait, tout le monde s'en bat les couilles. Hein. Ils sont tous partis. Ils ont abandonné les auditeurs comme des merdes. Alors, l'année, ils sont là pour se pavaner. Hein, mais quand il y a des fêtes et quand il y a des gens merci, qui sont tout seuls, eh ben, va te faire enculer. C'est comme ça qu'ils disent. Alors, nous, on sera là. Voilà, on a décidé de passer Noël en famille, c'est-à-dire avec vous. Dès 20h, on sera en direct. Merci également. également 12 éditeurs qui sont passés ce soir nous voir là. C'était cool, merci bien. Et bah avec plaisir, hein, vous mettrez les 5 euros hein, pour, hein, pour votre cotisation. La cotisation. On peut faire un petit dédicace. Non. Merci beaucoup. Bon allez, vas-y. À une personne. Une personne. On va leur choisir mes deux frères qui sont jumeaux, Alan et Maxon. Voilà. Très bien, parfait. Et moi, ma tranche de saumon dans le frigo. Parfait. Et bah très bien. Bah voilà, au moins il aura bouffé, c'est bien. Allez, bonne nuit tout le monde. Rencard demain, c'est parti. Fallait que Miko C là. Bonne nuit tout le monde. Salut. Salut.